J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté. Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix. Je veux être le nouveau souffle, juste après la tempête. Ici. Ailleurs. Je défends mon pays et toutes ses couleurs. L'armée de terre recrute. 15 000 postes à pourvoir. Votre volonté, notre fierté. S'engager.fr. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Sans me vanter, je conduis super bien. Ouais, bah ouais. Cédric. T'as envie d'acheter quoi, toi ? Un nouveau MacBook. Un nouveau MacBook. Marie. Je me fabrique un God. Samy. Oh, les gars, partez pas en couille. Momo. Comme ça, il y aura pas de rouge, rien du tout. Et Karim. Moi, je vais commencer à me prostituer, les gars. Difool Radio Libre. Tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Et oui, c'est parti. Dernière semaine de spécial de l'été avant notre grand retour lundi soir à 21h. Oh, comme on va être beau. Ah, comme on va être beau, ouais. Oui. N'oubliez pas lundi aussi, à partir de 6h du matin, le warm-up du morning. On va chauffer le morning avant de revenir en direct pour le morning le 29 août. Ouais. C'est la rentrée. Lundi 29 août, on est de retour. Bon, content de vous retrouver en tout cas. Et pour une grande spéciale, dans la spéciale, on trouve des super moments de l'émission. Les pires également, puisque nous aurons tout à l'heure un rendez-vous amoureux avec le clash de la drague. Bah, évidemment, la séduction. Non, je parlais des pires avec Pamela et ses pervers. Oui. Le clash de la drague est vraiment un des moments les plus sexuels de l'émission. Sans aucun doute. On fera ça avant minuit, je sais pas à quelle heure, hein, mais d'ici minuit, on a plein de choses à faire tous ensemble. On aura Candice qui se pose une question par rapport à elle-même. On s'en occupera. Ah oui, il y a Marie qui nous présentera une de ses copines aussi. On découvre petit à petit toutes les copines de Marie. Ah, et elles sont super. Tête de Corée? Je sais pas. Non, c'est pas Tête de Corée. Non, c'est pas Tête de Corée. Ah, dommage. J'aimerais bien que pour la rentrée, Marie, Tête de Corée vienne dans l'émission et qu'elle s'assoie sur les genoux de Romano. Ah, que dalle. Salut, c'était De Gorey. Bouge pas, Romano. Est-ce que c'est la meuf la plus vulgaire que t'aies jamais rencontrée? Je pense. Ah ouais, pas loin. Cédric est intéressé, dis donc. Non, mais je vois pas c'est laquelle. Ah ouais, j'ai jamais vu. Bon, sinon, Salut, c'était De Gorey. On va répondre à une petite question, un petit message d'une auditrice de Skyrock qui nous a envoyé ça, qui nous dit mon mec me casse les couilles quand il regarde le foot. Ah oui, la saison est repartie. Ça y est, c'est reparti. C'est reparti, bah, il va te casser les couilles toute l'année, c'est un fan de foot. Justement, par rapport à ça, on a un truc à vous faire écouter, ça va nous faire des bons souvenirs. T'es chaud pour cette nouvelle saison, Karim? Ouais, je suis chaud de ouf. Très bien. Il y en a un qui était chaud et qui était à fond supporter de Paris, c'est Momo. Oui. Et comme je vous disais, on retrouve les bons moments de l'émission et Momo, évidemment. Alors là, attention, un moment hallucinant. Momo, tout seul, dans le studio, qui regarde un match de basket. C'était pas du foot pour une fois, mais il aimait bien le basket, Momo. Ah, aussi. Un match de basket à la télé. Écoutez. Aïe, t'as la possession de balle du match. 10 secondes. Oui, on a compris, Momo. 10 secondes. Allez. Là, ça, c'est les vrais supporters qui encouragent. Allez, non. C'est marrant, Momo. Chaque fois qu'ils soutiennent une équipe, il y a toujours des problèmes. C'est fou, ça. Que de déchets. Oh putain. Eh, Momo, il est prêt à devenir commentateur sur France 2. Je vous dis, on va le perdre, Momo. Ah non, mais surtout, il est prêt à être pilier de comptoir. Ah ouais. Ah ou alors pilier de comptoir s'il est prêt. Tu te mets dans un bar à côté de gros beauf avec le verre de blanc, Momo, il fait pas tâche. Mais moi, je le vois bien remplacer. Tu sais, Lionel Chamoulot. Ouais, j'allais dire Nelson Montfort. Oui, Momo Chamoulot, on pourrait dire. Je vis le match au moins. Ah bah, tu le vis, ça. Momo, il a vibré, Momo. Tu rentres chez toi, Momo, après le match. Allez, salut! Tous les soirs, la radio libre de Diffoul, 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, Momo, devant les matchs de basket. Ah ouais, grand moment et pour démarrer cette soirée ce soir. Bon, alors, voilà, Maëva, tu vois. Pour ton petit message avec ton mec qui passe ses journées devant le foot. Ah, voilà. C'est pas le seul. Qui te prend la tête. Laisse-lui vivre sa passion. Mais oui, en profiter. Bon, allez, on va profiter de cette soirée. Je vous annonçais qu'on allait avoir Camille. En fait, je me suis planté. C'est pas Camille qu'on va avoir au téléphone. Ah, bah, c'est du joli pour une femme. C'est alors. Candice, qu'on va avoir au téléphone. Candice, elle est là? Ouais, elle est là. Allez, on va la prendre tout de suite. Allô, Candice. Allô. Eh ben voilà, aussitôt salut, dit. Bienvenue. Aussitôt fait. Salut, Candice. Comment vas-tu? Ça va. Elle a une question à vous poser ce soir, Candice, à vous toutes et vous toutes. Vous toutes et vous tous. Moi, j'ai un petit souci, en fait, par rapport au mec. Oui. Je me sens en décollage par rapport à mes copines parce que j'ai eu plusieurs mecs, en fait, dans ma vie. Et par rapport à mes copines, ben, je me sens décalage. Tu te sens cochonne, si on va dire. Tu te sens cochonne. Non, c'est pas ça. Non, mais ça veut rien dire. Enfin, je sais pas, t'as couché avec tous. Tu te sens par exemple, t'es sorti avec combien de mecs? T'as 19 ans, toi, Candice, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et t'es sorti avec combien de gars dans ta life? Une quinzaine. 19 ans, 15 gars, vous trouvez que c'est beaucoup ou pas? Bah, oh, mais c'est rien du tout, ma chérie. Bah, ça dépend si t'as couché avec. T'as touché 15? Oui. Oui, Romano. Ah ouais? C'est tout. Ouais, bah. À combien t'étais de mecs, Marie, à 19 ans? Tu crois que j'ai déjà compté? Ah ouais, c'était impossible à compter. Bah, j'avais pas assez de doigts. Non, mais c'est malin. Qui est con. Ouais, mais par rapport aux autres filles, en fait, je me sens décalage parce qu'elle, c'est 3, 4 mecs, et là, je suis posée, mais c'est vrai qu'avant. Mais c'est parce qu'elles ont trouvé chaussures à leurs pieds plus facilement que toi. Toi, t'as dû tester. Chaussures à leurs pieds. Marie, elle est en plein test actuellement. En fait, c'est vrai. Elle teste depuis sa naissance. Non, mais... c'est malin. Nicoco qui dit ça pour rigoler, qui fait MDR. Salaud. Ah, salaud. Mais en fait, je suis posée maintenant, mais c'est vrai que je dis mes expériences et tout, et je trouve que. T'es pas comme les autres. J'étais la maîtresse, donc c'était vraiment. Ah ouais. Tu sortais avec des mecs qui étaient pris, tout ça. C'est une histoire simple, quoi. Ah bah, tu redeviendras peut-être maîtresse un jour, tu sais, ça arrive plusieurs fois dans la vie, là. Bon, après, aujourd'hui, ça fait combien de temps que t'es avec ton gars? 10 mois à peu près. 10 mois. Bon, bah, t'es posé c'est depuis bien. 10 mois, t'en as connu qu'un. Ouais. Bah, ah, t'as ouais, du carburant avant quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que par rapport au regard des autres et tout. Mais t'es pas obligé de le dire à tout le monde en même temps. Enfin bon, tes copines sont au courant, forcément. C'est pas plus mal. De... Oui, t'as une page Facebook. De gueuler partout. Une page Facebook spéciale. Ouais, tu sais. Pour que avec tous les prénoms tout et tout, les dates. Oui, avec les prénoms, les dates et tout. Je vais faire une liste en fait. Oui. Tiens, bon, si vous avez. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Vous pouvez nous donner votre avis, c'est ça que tu voulais savoir? Ben ouais, s'il y a des filles qui sont un peu dans le même cas et tout, qui se retrouvent un peu en décalage par rapport aux autres, parce que c'est vrai qu'on vit des choses, j'ai vécu des choses que d'autres meufs n'ont pas vécues. Donc... Ben tu vas nous raconter, dis donc. Hein. Ouais, vas-y. Absolument, ouais. Alors, je pue, nous dit. Bonjour à Je pue, qui nous dit. C'est moi. Non. Bah, non. Tu n'as pas rencontré encore le mec qui te convenait, c'est pour ça. Bah oui. Il y a Zarzatz qui nous fait. T'as bien raison, Candice, tes copines sont un peu trop coincées, elles vont regretter plus tard de ne pas s'être abusées. What is Soldat. Ouais, quoi, ça va, si elles ont 19 ans, elles sont le temps de oui, s'éclater clair, aussi. Ouais. Hein. Le What is Soldat nous fait. Elle testicule. Elle testicule, cul, d'accord. Ouais. Ah, le Karim Comedy Club approche, je le sens. Reggaeman qui ne comprend pas, qui nous dit mais tu es posée sur quoi actuellement? Elle est posée avec son mec, je bah, crois. Oui, Reggaeman. C'est ça. Coche. Avec mon homme. Oh, mais qu'est-ce que t'as toi ce soir? Non, mais je lis des messages, c'est Reggaeman qui dit tu es posée sur quoi? Coche. Bon, les filles, les gars, tout le monde, qu'est-ce que vous en pensez? Quand tes copines, elles savent que t'es sortie avec 15 mecs? Bah en fait c'est au cours des discussions et tout autour des et elles t'en disent quoi et tout et ben on se raconte les notre passé enfin voilà c'est on raconte nos expériences et tout et puis voilà il y en a certaines qui ont mal parlé sur toi genre je alors s'emmerde pas non même pas mais ça j'en ai eu parfois qui disaient ouais salope machin et tout ah, et quoi. Voilà c'est sûr que ça et fait pas plaisir sympa. Quoi ouais c'est cool entre vous entre filles ouais les filles c'est souvent pas mal ouais c'est sympa dès que ça concerne les mecs c'est souvent pas mal. Et bon, bah, on va battre tout ce que vous nous dites. Vous laissez bien vos messages sur le 41-759. Sur l'appli Skyrock aussi. Et puis, c'est tes potes qui galèrent, t'es normal. Tiens, tu vois, on nous laisse un message. Là, c'est qui? C'est Charkatz. Salut Charkatz, c'est un mec qui nous dit ça, là. C'est normal, c'est tes potes qui galèrent. Tu profites de la vie, nous dit Alexa Hawaii. Salut Alexa Hawaii. Ouais, c'est en fait c'est quoi que tu ouais. te demandes? Tu te demandes si il y a des filles comme moi et si vraiment voilà j'ai eu les bonnes je me dis que j'ai profité. Bah oui. Mais à côté c'est vrai que faut profiter avec 3-4 mecs mais pas une quinzaine quoi. Je me dis ça un peu. Bah après oui. Pourquoi un mec? De toute façon c'est fait. Hein. Romano, toi. Oui ça c'est clair, tu peux pas les effacer. Tu t'es tapé à 19 ans, tu t'étais tapé combien de meufs? Alors attends, je vais noter. Là, il y a Po qui pue. Une. De la liste. Po qui pue. Gothique. Deux. Ouais. C'est sûr, il y en a. La niaise, Fred. Ah, tête de panda. De panda aussi. Non, mais tête de panda, que dalle. Je l'ai pas serré et c'est moche. La niaise. Non, mais je l'ai pas serré, elle était trop moche. La niaise. Ah, franchement, les moches, j'en avais déjà eu un paquet avant. Mamoutin. La Mamoutin. Ouais, Mamoutin, ouais, ça devait être là. La niaise, frigide. La gothique. Celle avec les seins cornichons. Ah ouais, c'est elle aussi. C'est qui elle? 50 toilettes. 50 toilettes. Ah, c'est laquelle? C'est la même 5 cornichons, 50 toilettes? Bah non. C'est tête de tortue, ça, cornichon. Ah, tête de tortue. Tête de tortue. Je vais dire, putain, elle cumule la même. Mononucléose aussi, non? 5 cornichons. Ouais. Il y avait Ratisha. Je note. Ratisha. Ratisha, Clé. Non, mais tête de panda, je l'ai pas dit. J'ai pas marqué mononucléose. Et t'avais pas serré une meuf, c'était un loupard un peu. Nucléose. Elle parlait mal, là, elle jouait au baby-foot. Elle jouait au baby-foot. Non, mais ça, c'était une surveillante. Et Romano, c'est mon mec. C'était André. André. Ouais, elle avait la gueule. Profil. Tu l'as baisé, André? Non, mais personne l'a baisé. Je pense qu'il s'est jamais fait baiser. Tu crois? Elle est imbaisable. Ah non, mais imbaisable. J'ai jamais vu une gueule. Mais impossible. De loin, t'as l'impression que c'est un mec. Quoi, même de près d'ailleurs. De loin et de près, c'est. C'est un mec. Mais tout, mais rien pour elle, quoi. Mais c'était impressionnant. Salut, c'est André. On faisait tilter le flipper, ça la rendait dingue, quoi. Oui, faites fatiguer le flipper. Si on est arrivé, bim, un coup de pompe dans le pied du flipper. Ça tiltait, mais genre, elle était excitée. Tu sais, elle était vénère. T'as l'impression qu'elle faisait la guerre au flipper. C'est André. Ah non, mais ça, j'ai pas tapé dedans. Alors, j'en suis sa personne. J'ai jamais connu quelqu'un qui avait tapé dedans. Mononucléose, la première, comment elle s'appelait, là? L'huître. L'huître. Hop, l'huître. Ah, marqué Ratisha? Ratisha, oui, j'ai marqué Ratisha. Il y a Mantona. Mantona, celle, ah ouais, qui avait, bah ouais, celle qui avait une tête montée sur un menton. Attends, non, mais il y en a dans les. Les 7 LM, là. Non, mais ça, c'est tête de panda. Ah, ouais, ça, c'est là, n'assiste pas, je vais pas baiser. J'ai vraiment envie que tu la baises. Je veux pas la baiser. Je crois que Samy, il est en galère. Vas-y, moi, ouais. Si on en a oublié, vous nous dites, là, sur SMS. Il y a aussi tête de cul. Mais non, ça, c'est Cédric. C'est moi. Oui. C'est Fabien qui nous envoie cette très belle blague. C'est moi. Ouais. Les dentés, non, ça, c'est Cédric. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh, Romano, je suis à 14. La nièce frigide. J'ai noté. Ah ouais, ouais. La nièce tout court. J'ai noté. Mamouta, tu as noté. J'ai noté. Ouais, noté, ouais. Non, mais de toute façon, non, il y avait l'autre, la meuf du babyfoot aussi. Mais c'est celle-là que c'est dit tout à l'heure. Dit, là. La loubarde, là. Mais ah. Non, mais c'était pas une loubarde, elle. Mais si, genre, elle te mettait à l'amende un peu. Non, mais non, elle m'avait foutu un gros râteau dans ma gueule, ouais, dans voilà. Mes potes. Ouais. Après, je l'avais serré, quoi. Bah, il y a Zizi. Ouais, ouais, non, bah non, Zizi, j'ai connu après. C'est après, ça, c'est après. Donc, à 21 ans. Donc, toi, tu nous as dit que tu t'es tapé environ 15 mecs, Candice. Non, mais je suis sûr que j'en ai oublié parce qu'il y avait un été où j'en avais serré 8. Huîtres. Ton huître. Ah, huître. Oui. Huître. Huître. Romano, il est à 15 aussi, donc t'as pas de soucis à te faire. Et puis, moi, t'as vu un peu le tableau de chasse. Ma chasse, c'est Halloween. C'est de l'ennui. C'est Halloween toute l'année. Trois étoiles, quoi. C'est pas du love. Ah, tu peux ennuyer, quoi. Hein? Ah, t'as franchement. Tu vois, on est en plein dans le love, là. C'est le love total, 15 à 15. Non, non, Machita, c'est pas moi, Rita, merci. Hein, ça... Machita, c'est Cédric. C'est, ça, c'est Cédric. Cédric. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est la mienne. Non, non, là, j'avais des pas à Talcota, moi. Donc, tu vois, Romano, t'as jamais traité de salope ni de cochonne. Si, non. Cédric, t'as déjà traité de salope. Ouais, parce que ça l'excite. Par rapport à un mec, ça change. Et pourquoi? Bah, ouais, c'est clair, pourquoi? C'est le rapport qu'on a. Bah ouais, ouais, mais ça, c'est pas bien. Ouais, ça, c'est très con. Cool. Parce qu'en plus, quand on dit ça, les filles, vous vous coincez après, c'est plus compliqué à serrer. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, faut pas dire oui, ce genre vrai. De truc, là. Mmh. Donc, il y a Widman qui dit, mais tu es une cata en vrai. Eh bien, non, Widman, elle profite de la vie. J'y crois. Exactement. J'ai profité, maintenant, je suis fiancée. Voilà, puis t'as envie d'en reprofiter après, t'as pas, faut te protéger, ah, c'est surtout, tout. Hein. Gêne pas, oui. Elle est trop mignonne avec sa voix, nous dit Samy du 78. Ah. C'est pas grave, ma chérie. Moi, je veux sortir qu'avec une fille vierge. Je supporterai pas qu'elle se soit tapée à un autre mec avant moi. Message de Masco. Salut Masco. Ouais, après, faut pas trop tarder parce qu'au bout d'un moment, des vierges, ça court plus les rues, arrive à un certain âge. Oui, ça c'est sûr, Robado. Ah bah, dépasser certains. Ouais, ça c'est sûr. Ça, au bout d'un moment, tu vas galérer, quoi. Ou alors, tu vas risquer d'avoir des problèmes avec la justice. Oui, c'est ça, ouais. C'est... Bon, il y a tête d'huître. On a compté tête d'huître. Ouais. Oui, j'ai marqué tête d'huître. Tu as marqué. Bon, bah voilà. Ah bah, tu vois, moi je suis pas d'accord avec le message, une vierge, 15, tout ça. Moi je préfère que le trou il soit fait, tu vois. Oh, putain, c'est d'une manière, mais tellement romantique. Bah ouais, c'est romantique. Ah ouais, non, mais putain, dépucelé, tu galères et tout. Au moins, voilà. Elle sait faire, c'est pas plus mal. Hein. Si le trou est fait, c'est quand même bien plus pratique. Ah bah, ça passe mieux. Au niveau des expériences aussi, tu sais faire d'autres choses que. Oui. Bon, écoute, on va prendre des réactions là. Dites-nous, et puis les gars, toi, que ta meuf soit tapée plein de mecs, ça te gêne pas, toi, Karim? Moi, un petit peu quand même, man. Un petit peu quand même, man. Ouais, faut pas que je le sache, du moins. Mais alors, c'est pas grave. Ah non, c'est psychologique après, gros. Ouais, c'est mais bon, si la meuf, elle a un minimum correct, elle va pas te raconter comment elle s'est fait déglinguer avant, ouais. Quoi. Et te montrer les mecs. Ah, bah, ouais, non, mais après, ça, tu peux savoir par d'autres personnes après, tu vois, mais ouais, non, faut pas que je le sache, en fait. Et toi, Cédric? Moi, je sais pas. Non, ouais, tu moi, sais pas, c'est pas une réponse. Je ne sais rien. Non, c'est moi. Non, mais, wow. Non, mais tu sais pas, tu sais bien si ça te dérange ou pas. Non, moi, ça me dérange pas. Non, moi, je m'en fous, le seul truc qui me ferait paranoïer, c'est je dirais pour qu'elle fasse pas la même chose avec moi, qu'elle ait pas envie d'en voir plein, donc plein d'autres bites. Ouais, à ma place. Enfin bon. Marie, toi. Non, mais une fois que si elle est amoureuse de toi, elle va pas avoir envie d'aller voir. Il y a Émile Louis qui vient d'arriver. Bonjour, Émile Louis, elle a 15 ans. Salut, Émile. Elle a quel âge? Elle a 19 ans, justement, Candice. Émile. C'est pour ça qu'elle appelle. Beaucoup trop vieux. Oui, Émile. D'ailleurs, si Marc Dutroux nous écoute, il peut également nous envoyer des messages. Trop vieille aussi, trop vieille. Tout le monde, tout le monde peut participer à la radio libre. Oui, oui. Bon, on y revient. Est-ce qu'on a le temps de... Oui, on va s'en occuper. Allez, on a le temps. On a le temps de s'occuper de Mounia. Mounia qui nous a laissé un petit message. Ah oui, des embrouilles familiales, bon, problème de famille. Qu'est-ce qu'on fait quand on est pris entre deux feux? Eh ben, il faut appeler les pompiers. Ah, ah, ah. Non, c'est un petit message que nous a laissé. C'est qui nous a laissé ça? Mounia là sur le net et nous a envoyé ça en tout début d'émission. Tout à l'heure, on a récupéré son mail. Vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous laisser des messages sur SMS et sur le net. Et c'est un problème entre son père et sa mère pour Mounia. Moumounia. Salut Difool, tu es trop beau. Ah, ça démarre bien comme message. C'est pour ça qu'il m'a attiré l'œil ton message. Ouais, c'est pour ça que tu passes ce soir en fait. Bonjour à Romano, le prince du clash et du hip-hop. Bonjour à Cédricain qui parfois est pas mauvais au clash. Tu ah vois, bah merci quand même, oui. Bise à la belle Marie, allez l'OM pour Samy, allez PSG pour Momo, pas de jaloux. Et big up à Karim que j'ai déjà eu au téléphone et qui est trop chou. Très bien, on transmet à Karim. Karim, t'es trop chou. Je vous lis le mail ou je vous explique en gros de quoi il s'agit. Allez, lis. Bon, un problème entre son père et sa mère. Mon père et ma mère s'engueulent tout le temps. Bon, c'est le genre des trucs qui arrivent. Ça vous arrive peut-être à la maison, des parents qui s'engueulent. Ouais, ouais bah ouais. Hein. C'est jamais très agréable. Tes parents, ils s'engueulaient à cause de toi, Romano. Ouais, moi, c'était souvent, moi, la source de l'embrouille, ouais. Bon, vous avez des parents qui s'engueulent. Restez bien là. Je vous lis la suite du mail parce qu'il est assez long, hein. La suite du mail dans un instant. Vous allez voir de quoi il s'agit. Et c'est vrai que Mounia, elle est un petit peu dans la merde. Avec les parents qui s'engueulent tout le temps. Quel âge qu'elle a, Mounia, que nous demande Misco? Eh bien, Misco, Mounia, elle a 16 ans. 16 ans, elle a. 16 ans? Oui, elle a 16 ans. D'accord. Et bon bah préparez-vous, vous allez en savoir un petit peu plus. Pourquoi qu'elle est dans la merde? Bah on va voir ça, ouais. Bah les parents ils s'engueulent. Ouais. Elle est prise entre deux feux. Ouais. Ah, ça c'est. Parce bien que genre il après la partie, genre son père lui dit ouais tu vois ta mère. Bon, bravo Romano, il a trouvé. Regardez. Non mais moi ça m'est arrivé, c'est horrible. Alors il a trouvé. Ça c'est pire que tout. Mon père et ma mère s'engueulent tout le temps. Après mon père vient me voir et me dit plein de trucs sur ma mère, comme quoi il faut pas lui faire confiance, c'est une traître. L'autre jour il m'a même dit que c'était une pute. Ça m'a choqué. Oh, bah, bonne putain, ambiance. Ça peut-être contre elle quoi. Oui alors je voulais te dire ta c'est mère. Une pute. C'est une pute. Et voilà, je t'ai là à te le dire quand même. Que tu sois au courant. Alors, elle dit que c'était une pute. Ça m'a choqué. Je ne sais pas quoi faire. Quant à ma mère, quand elle me parle de mon père, elle me dit l'autre con. Ah voilà. Ouais, ça doit être sympa. Donc bonne ambiance ouais. À la maison. Et toi, t'es au milieu de tout ça. Ouais, je suis au milieu de ce problème. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas envie de prendre parti. Je suis fille unique. Qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi. Merci. Eh ben, bon courage. Mounia, nous te prenons en main tout de suite. Donc, ta mère appelle ton père l'autre con. C'est un petit surnom d'amour, hein. Ouais, c'est ça. Je sais pas, oh, moi, bah, c'est... Oh, bah, c'est oui. Et ta mère appelle, non, ton père appelle ta mère une... la pute. La traître. La pute. Une pute, oui. Voilà, une pute, oui. Une pute. Donc, bah, ça doit être sympa. Bah, ouais. Bon, c'est pas les petits mots d'amour que j'utilise. C'est plutôt ma chérie, mon bébé. Ou oui, voilà, oui, c'est plus doux. Oui. Ma zizine. Toi, c'est sa zizite. Ma zizine. Toi, c'est ta zizite. Ouais, et moi, je suis sa glougloute. Toi, t'es la bouboute. Moi, je suis la glougloute. T'es la bouboute. Je suis la glougloute. Glougloute. Et on a un chat qui s'appelle Mémette. Bébèze. C'est original, au moins. Eh, ouais, ouais, ouais. C'est net. C'est pas les parents qui s'insultent, on nous dit. Moi, ça m'est arrivé, mais pire que ça, c'était avec les parents de la gothique. Eh bah, témoignage dans un instant. On reparle de cette belle gothique. Oh, super. Ouais. Tous les soirs, la radio libre de Diffoul. 21h minuit sur Skyrock. Plus écouté que Hot 97 à New York. 7 minutes commercial free. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. Power 106. La radio rapée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. SCH. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. SCH, nouvel album disponible. Caro est sur le point de sortir pour aller chez McDo. Il ne lui reste qu'à mettre ses chaussures. Ah, les bleus, c'est bien. Quoique les rouges, ça fait longtemps qu'elle les a pas mises, hein. Non, mais les bleus. Les bleus, c'est parfait. Ça va avec son jean. Ou alors les noirs? Ou bien carrément, on change de jean? Bref. Caro se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue vu que pour l'instant, elle s'habille. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Le train en direction de Busan va bientôt partir. Aujourd'hui, prenez place pour le choc de l'été. Il se passe quoi? Dernier train pour Busan. Le film catastrophe de tous les records, avec 10 millions d'entrées en 15 jours. Dernier train pour Busan. Le train ne peut pas aller plus loin. Pour rester en vie, montez à bord. Qu'est-ce que vous faites? On attend quoi pour partir? Dernier train pour Busan. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce train? Cet été, le blockbuster vient d'Asie. Aujourd'hui au cinéma. Dépêchez-vous! Avec Skyrock. Skyrock. D'or et de platine présente. Joule. Son nouvel album Émotion maintenant disponible. Joule, Émotion toujours disponible. Tu veux rencontrer la fille de tes rêves? C'est facile. Tu peux te mettre au sport, développer des techniques de drague. Bonsoir. Et aller dans tous les cafés de la ville. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des nanas qui te plaisent près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves? C'est quoi vos sources? Lucas? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend, hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info.

Et on aura Pamela aussi ce soir. Eh bien évidemment que je serai là, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Pamela. Les retrouvailles de Pamela avec les anciens pervers. C'est les collecteurs de Pamela qu'on va retrouver là d'ici minuit. Alors ce soir ça va être qui? Ah écoute, je sais pas, j'hésite. Tu te tâtes encore un peu la bite. Surprise. Tu veux que je me tâte la bite? Ça va pas. Pourquoi tu veux que je me tâte la bite? Non mais pour choisir quoi. Bah pour choisir bah écoute, on va retrouver un beau pervers de Pamela. Surprise, allez. Surprise, ouais. Peut-être Christophe ou Guil Bourguignon. Ah, on va voir. On verra, on verra. Se tâte encore un peu. Ouais, bon, on en profite. Hein. On se tâte un peu. Vas-y, alors, Marie, tâte-nous un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais tu pourrais pas nous aider, Marie. C'est pour qu'on bien trouve sûr, le bon tâte. Pervers, Marie. Il faut nous tâter un peu la bite. Ouais, t'as raison. Ouais. Bon, les disputes entre parents. Alors, il y a eu plein de réactions et on va vous prendre là en direct sur Skyrock d'ici quelques instants. Des réactions pour Mounia qui nous a envoyé un petit mail. Ouais. C'est vrai que c'est chaud chez Mounia. Ah, ouais, attention. Ouais. Et puis là, on était avec Candice. Alors, c'est chaud, mais d'une autre manière chez Candice. Très, très chaude, Candice. Candice, donc toi, tu t'inquiètes un petit peu d'être en décalage par rapport à tes copines. À 19 ans, elles ont eu 3 à 4 mecs, les copines. Et toi, t'en es à 15. Eh bien, écoute, tu te dis peut-être que c'est beaucoup, non? Voilà. C'est un peu écoute... trop, ouais. Et par rapport à mon mec aussi, ça me gêne, là. Ouais. Enfin, c'était pas obligé de lui dire. Il le sait. Trop tard. Voilà, il le sait. Il le sait. Tout le monde me connaît dans la ville. Ben, c'est des mecs que tu... C'est des mecs que tu t'es tapé au bahut, en soirée, un peu partout. Non, que je rencontrais par des sites et tout. Et, sur des sites. Enfin, des sites d'ado et tout. Et. Au final, voilà, au final c'est des plus vieux et tout, voilà. Bah tiens, regarde, il y a Steph du 02 qui nous dit: moi, ma copine, il a 20 ans. Ma copine, avant que je me pose avec elle, avait eu des aventures. Et moi aussi, mais à partir du moment où on se pose, tout va bien. La vie, hein. Et bah ouais, tout va bien. Sinon, il n'y a pas le time, il veut bien être le 16e. Le 16e est déjà là. Il prend son ticket. Ah, elle est posée déjà. Plus. C'est ça, ouais, c'est comme à la pharmacie ou quand t'as. Bah ouais, mais il y en a qui me recontactent même. Donc c'est un peu le problème, quoi. Ils me recontactent, ils me disent: tu veux pas un iPhone ou de l'argent et tout. Ah non, mais là ils prennent pour une pute, là faut pas y aller, là quand même. Bah oui, c'est pour ça. Ah, c'est un autre truc. Ouais, quoi. Non, c'est... Ah, c'est sympa. Ouais. Ah, tiens, Romano, lui ça le branche. Propose combien? Romano, ça l'intéresse, le truc là. Mais genre, les mecs avec qui tu couchais, ils avaient quel âge? Ben, la vingtaine, mais ça peut aller jusqu'à 60. Hein? 40. 60? J'en ai 60 ans? 60. 62 ans. T'en as eu un de 62 ans? Mais t'avais quel âge? Bonjour, petite. C'était le mec qui a laissé l'annonce qui est à l'école, là. C'était où? Salut, c'est Bruno. Non, mais t'avais quel âge quand t'étais un mec de 60 ans? 18. Ah ouais. Mais c'est, en fait, c'est les potes de mon père. Les potes de ton père, en plus, mon Dieu. Oh là, c'est les un peu crâne. Ah ouais, ouais. Ça vire un peu glauque, le truc, là. Ah ouais. Ah oui. Non, mais ça, dis-le pas à tes mecs. Je sais pas, il est au courant, ton mec, que tu t'appelles un mec de 60 ans? Ben, il est au courant, enfin, plus ou moins. Plus ou moins. Ben, plus ou moins. Je vais lui dire petit à petit, parce que... Je vais te donner un conseil, de lui dire rien. Ouais, t'es pas obligé de lui dire. Ouais, reste sur le moins. Ou qu'il soit plutôt au courant moins que plus. Bon, on va revenir avec toi, on aura Steve au téléphone qui veut témoigner pour toi, on va le prendre en direct là dans un instant. Et qu'est-ce qu'il y a qui arrive? J'ai Myriam avec moi au standard, elle veut pas passer à l'antenne, mais j'ai envie de te la passer. En fait, elle a une souris chez elle est en sang. Elle c'est horrible. Et pourquoi elle veut pas passer? Je sais pas, mais je te la passe, faut pas lui dire. Alors, on prend Myriam. Tu la passes en secrète comme ça. C'est que j'ai déjà eu ça, mais c'est l'enfer. Hein. T'as peur des souris, Marie? Non, mais moi, c'était pas une souris, c'était une espèce de. Mais allô, Myriam, on s'est retrouvés dans un appart où il y avait une souris. Ouais, Myriam? C'est pas gentil, Karim. T'as vu ce qu'il fait, Karim? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui as une souris à la maison, Myriam? Oui, putain. Mais elle est. Bon, c'est mignon, une petite souris, non? C'est clair. C'est quoi l'animal qui te fait le plus flipper? Quand je demande ça à des copines, elles me répondent en général, c'est des araignées. Une araignée, je peux la tuer, mais une souris, c'est encore. Oui, c'est vrai que si t'écrases la souris sur la moquette, ça fait une petite tache. C'est les rats, je pense, le pire. Non, mais les souris sont horribles aussi, Marie. Tiens, je vais faire. On avait une souris dans le studio un soir. C'est vrai, il y a une souris qui venait nous écouter, ouais. J'ai hurlé, mais. Vous avez peur des animaux? Donc, toi, elle est où? Elle est dans ta chambre, la souris? Dans le studio. Ah, t'habites dans un studio et Mais je te comprends, moi j'ai eu un truc comme ça, mais qui volait, qui est arrivé dans mon. C'était pas une souris, Marie, ça. Non, c'était pas une souris. Marie a vu une souris. Non, mais c'était une sorte elle de. Elle volait de dingue. Là, Marie, elle truc. Était à 4 grammes là, par veine. Marie, c'était pas une souris, mais c'était un truc qui volait qui était absolument énorme. Je te comprends, putain. Ouais. Fais gaffe. Et c'est la première fois que tu la vois, ta souris. Mais Marie, moi, je me suis retrouvé dans un appart avec Marie chez des gens où il y avait une souris. Ouais. Ah ouais. C'était un salut. Ah ouais, non, mais horrible. C'était encore des amis de Marie, ils sont super. Non, mais ouais, non, mais. Tous les soirs, on en découvre de nouveaux. On était dans le salon, assis dans des canapés. Oui. Et là, on fait. Oh putain, il y a une souris. La souris, elle a été dans la cuisine. Et le mec qui était là, il était raide comme un cul, quoi. Et le mec, en fait, a commencé à démonter la cuisine pour trouver la souris. Qu'il n'a jamais trouvé d'ailleurs. Très exact, bien. C'est vrai. Bah, qu'est-ce qu'on fait quand on a une souris à la maison? Bah, tapette, hein. Flipper. Faut acheter une tapette. Une tapette, bah ouais, à souris. Tapette. Mais t'as pas des voisins avec un chat? J'ai essayé la tapette, mais en fait, après, elle revient plus dessus. Alors, t'as essayé la tapette. Vas-y, parle bien fort quand t'entends bien. T'as essayé la tapette et. Ouais, et après, en fait, là, elle revient plus dessus, quoi. Du coup, une fois qu'il y en a une qui s'est fait attraper, après, elle revient plus dessus. Faut mettre la glu. Elle est maligne, la souris. Mais c'est tapette. En plus, en général. Ouais, mais elle évite la tapette, la souris. Non, mais ouais. Si t'en mets plusieurs, elle évitera pas. Il faut mettre un bon bout de fromage. Alors, Romano, te conseille oui, de mettre. Mais après, je fais quoi avec le truc? Après, tu la jettes. Ah, bah ouais. Elle non, peut mais tu sais que les tapettes, corps, c'est débrouillé maintenant. Pas, ils sont plus, hein. Non, ah ouais, c'est des plaques de glu maintenant. Ouais, sinon, il y a ça aussi. Ouais, les tapettes, les souris, elles mangent le fromage autour et elles font pas lever le truc, tu vois. Ou t'as les petites boîtes. Ça, c'est dans les dessins animés. Non, mais sinon, ouais, t'as les plaques de glu. Bon, c'est horrible. En fait, la souris s'accroche sur une plaque de glu et elle est collée, elle peut plus repartir. Et décède de fatigue. Ouais, mais franchement, elle met 24 heures à crever. Et après, il faut l'enlever. La souris. Ah, mais tu la récupères sèche. Non, mais elle fait des bruits, c'est horrible, tu l'entends, tu vois. Rest in peace, la souris. Non, mais ce qu'il faut faire, c'est la buter après. Bah oui, je veux bien. Ouais, tu l'éclates avec une poêle. Un coup de calache. Non, mais sinon. Mais appelle un pote. Non, mais sinon, un coup de casserole ou comme disait Samy. Ouais, un coup de poêle et voilà. Et moi, ça m'a toujours fait marrer, ces espèces de petites bêtes qui nous font peur, alors que c'est pas la petite bête, comme on dit, c'est ce que disait ma mère. Moi, c'est pas la petite bête qui va bouffer la grosse. C'est quoi les animaux qui font le plus flipper, toi, Karim? T'as peur d'une bestiole? Non, ça va, gros. Tu sais, moi, ma daronne, elle avait un serpent, donc à partir de ce moment-là, elle lui donnait des souris, donc normal, même souris, quoi. J'avais pas peur. Eh ben, moi, ouais, je trouve ça sympa, les serpents, quand tu les as à la maison. C'est bien, quand gros. C'est apprivoisé, ça va, mais quand t'es dans la cambrousse, ça fait flipper. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour la souris de Myriam? Non, mais il faut qu'elle appelle un pote. Myriam, t'as qui à la maison? T'es toute seule? Non, mais faut mettre des tapettes. J'habite toute seule. T'as la tapette. Je sais pas, si c'est apprendre un chat, au moins, je serais tranquille, quoi. Eh ben, ça, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Enfin, pour ce soir. Ouais, mais bon, en attendant le chat, il faut prendre des tapettes. Ouais, je vais prendre des tapettes en attendant le chat, je crois. Voilà. Non, et puis le truc à la glu, là. Ou les petites boîtes, ouais. Non, mais d'accord. C'est hyper utile, ce truc. Bon, mais en fait, j'ai été dans comment ça s'appelle, une animalerie, et j'ai vu les chats à 850 euros, quoi. Attends, l'émission est un peu agitée, on ne t'entend plus. Du coup, je sais pas où est-ce que je pourrais acheter un chat, quoi. Mais demande un chat, il y a plein de... Troqué, toi. Non, mais attends. Tu vas pas demander un chat, tu prends une tapette. Alors, pour faire plaisir à Marie ce soir, je lance un appel à tous les chats. Laisse-moi lancer l'appel, Marie, s'il te plaît. À tous les chats qui nous écoutent ce soir, on vous invite chez Myriam. Tu habites où, Myriam? Paris. Donc, les chats parisiens, vous pouvez nous laisser votre numéro de téléphone et vous êtes invités chez Myriam. Et voilà. Et il y a de quoi bouffer. Ah ouais, il y a une belle souris. Ce que je veux dire, c'est, tu vas sur le net, adoption d'un chat, il y a plein de chats à adopter. Tu vas pas chercher à adopter un chat, si t'en veux pas, tu prends une tapette ou de la glu, là. Elle veut un chat. Elle veut un chat, il y aura plus de souris. Ah ouais, ça c'est clair. Donc, adopte. Adopte un chat. Non, ça va, il y a plein d'associations qui t'a tout et tout, et tu peux adopter, ouais. Tiens, j'ai peur des souris, nous dit Nathan. Hein, j'ai pas vu les messages. Moi aussi. Hein. Cybèle nous fait, oh non, parlez pas de souris. Quelle sorte sa chatte pour lui? Ah bah, t'en as une! Mais oui, Scar du 91. Ah bah oui, évidemment. On n'avait pas pensé à la chatte, mais quelle bonne idée. Merci, Scar. C'est une fille en plus qui a eu cette très bonne idée parce qu'elle en a une également chatte à la maison, donc ça tombe très bien. Merci à toi. Bon, bah écoute, Myriam, on te souhaite bon courage, une bonne nuit avec ton nouvel ami. Merci. Et puis tu reviens quand tu veux. Bisous, Myriam. Salut, Myriam. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, comme dirait Diffoul. Non. Alors là, c'est pas moi, c'était Nagui. Ah, d'accord. T'as pas vu Nagui à la télé, fait ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Bon, alors. Avec bloc. C'est moi, j'étais un petit peu bloqué. Un peu. Mais bon, on va prendre Mounia, là, parce qu'il y a eu plein de réactions sur Mounia. Les embrouilles de famille. Alors, ça s'engueule chez Mounia, c'est ce qu'elle nous disait dans son mail. Mounia, elle a 16 ans. Et donc, elle nous expliquait que le père, il s'engueulait avec la mère. Et le père venait voir la fille, donc Mounia, en lui disant qu'il fallait pas faire confiance à sa mère. Et elle a même mis, attendez, je vais vous lire la phrase exacte. La phrase exacte, c'est l'autre jour, il m'a même dit que c'était une pute. Pas mal. Sympa comme tout. Comment tu réagirais, Romano, si ton papa venait te voir et te disait, mon fils chauve? Il t'appelle mon fils chauve? Non, il m'appelle Romano. Ah, il t'appelle Romano. D'accord. Et s'il te disait ta mère c'est une pute. Ma mère c'est écoute ouais non je sais pas je dirais ça va pas papa t'es elle nous dit ça m'a choqué tu parles. Non mais après bon voilà tu sais si je le vois il est à bout de nerfs tu vois je sais plus quoi faire. Eux, quoi. Bon, elle est coincée entre les deux et sa mère elle nous dit quant à ma mère quand elle me parle de mon père elle dit l'autre con donc en gros sa mère appelle le père l'autre con très beau mot d'amour et dans le sens inverse c'est le père qui appelle la mère la pute ouais c'est ça voilà vous avez eu des engueulades comme ça on attend vos témoignages et il y a eu pas mal de messages d'ailleurs hein. Regardez tu peux les calmer en te disant que tu vas te barrer s'ils continuent de s'engueuler c'est Angela qui nous laisse ça sur SMS Dodo du 59 non mais ou alors tu te casses carrément tu leur dis d'arrêter tu calmes l'atmosphère tu peux te barrer comme ça il y a personne voilà c'est direct ça c'est Xénon qui a la même idée que toi la Marie Xénon 14 ans dans le Nord sans rien dire tu dis maintenant vous me saoulez mes parents ont divorcé il y avait la même ambiance chez moi je dis il y a plein de messages et ouais, à cause de tout ça j'ai terminé en foyer. Ah ouais, c'est horrible. Ah ouais, oh c'est là, toi en plus qui subis les conséquences du truc. Ah ouais, parce que bon, que les parents divorcent, dans ces cas-là, c'est carrément mieux. Hein, ça y est, pas photo. Hein. J'ai vu qu'il y a des parents qui discutaient par carnet tellement qu'ils s'entendaient plus. Ils ne pouvaient plus se parler. Donc ils se faisaient un carnet et ils se parlaient sur le carnet. Oh, ça, c'est lui qui nous a laissé le message. Excuse-moi, j'ai oublié ton pseudo. Ah, c'est spécial mais ça. Mais j'ai bien vu ton message. Non, bon. Laisser des mots, quoi. Ouais, voilà, ouais. Mots. Tiens, connasse. Mais salut, connasse. Connasse, t'iras acheter le pain et tu feras le ménage. Voilà. Et si tu peux fermer ta gueule aussi. Et ferme ta gueule. Ça serait bien que tu sois pas là quand je rentre ce soir. Le truc sympa. Poufiasse. Ouais, c'est horrible. Mais c'est vrai, quand vous êtes en plein milieu, elle est fille unique, elle nous dit, Mounia. Ah ouais, ouais, donc, ouais. Ah bah ouais. Tu peux pas en parler avec quelqu'un, quoi. Ah ouais, c'est ça, c'est très chiant. Bah, tu peux en parler avec quelqu'un, si t'as quelqu'un dans la famille, peut-être. Mais, moi, mes parents, ils s'insultaient, hein. Ils ont eu des grosses embrouilles, mais, ils se disaient quoi? Mais ils nous disaient pas à nous, ta mère est une pute, quoi, ou un truc. Ouais, en fait, elle est prise à partie, elle en fait. Ah voilà, c'est ça, ouais. T'as la mère qui est là, ton père, c'est un pauvre con. Non, c'est l'autre con. Et t'as ouais, je me ton souviens père pas, mais qui arrive. Dessus. Ouais, c'est l'autre pute. Ouais, ouais, l'autre, c'est une pute. Tu lui dis, hein. Comment vous... Bon, comment vous réagissez si vous êtes à la place de Monia? C'est vrai, c'est pas... Ah, c'est pas cool pour toi. Je pense que le truc de leur dire, vous me faites chier, de claquer la porte, de te barrer pour revenir après, t'as pas dormir dehors. Oui, hein. Non, c'est évidemment. Mais de montrer que t'es pas contente, c'est mieux, hein. Ouais, ça peut leur faire un petit électrochoc, quoi. Oh, je vois que Romano, tu as envie de pleurer. Non, pas du tout, non. Alors, mais tu t'es mis à la place, c'est bien. Tu es compatissant, t'es mis à la place de Monia. Faut toujours se mettre à la place des autres. Imagine, tu es également fils unique. Oui. Bon, Monia, elle a des cheveux, j'imagine. Bah, j'espère. T'as pas 16 ans non plus. Non, j'ai 21 ans, donc 50 plus. Ouais, qu'est-ce que c'est dans une vie? Admettons. Et donc, ton père et ta mère, ils se parlent comme ça, ils viennent te prendre à partie et te disent c'est une pute. Et ta mère, elle fait l'autre con. Alors moi ça dépend, si j'ai un truc à... Je les imite bien. Si j'ai... Non pas trop, mais... pute, pauvre con. Non mais si j'ai un truc à demander, tu sais je peux m'en servir pour demander à l'autre, tu sais, genre... C'est-à-dire dire, ouais bon, tu sais si j'ai besoin par exemple d'oseille... Mais tu penses toujours à de l'argent. Non mais je vais voir ma mère... À peine on parle d'un truc, tu penses à de l'argent. Je dis bon, je vais pas foutre la merde entre vous, j'aurais besoin de 20 euros, mais papa il a dit que t'étais une pute. Quel bâtard. Non mais tu réagiras pas comme ça. Ah si, je pourrais le faire ça. Ah tu pourrais faire ça. Ah ouais ouais et puis ah ouais moi après bon je sais pas moi je tu pleurerais pas bah je pleurerais si peut-être au bout d'un moment si vraiment ça dure trop longtemps quoi mais et n'oublie pas que mon père et ma mère s'engueulent tout le temps c'est ça qui commence le message je pense que s'ils se traitent c'est parce qu'ils peuvent passer ils doivent passer leur temps à se prendre bah moi je gratte un peu et après je pleure tu grattes qui ton père ou ta mère bon les deux tu les grattes où non mais je leur gratte du blé de l'oseille excusez-moi je vais pas leur gratter le cul tu veux leur faire un massage pour les calmer non mais ouais sinon après je leur dis ouais vous me faites chier ouais. Ah tu pleurais pas c'est marrant ça bah peut-être en pleurant je leur dirais vous me faites chier ah moi ça me mettrait mal hein. T'es coincé entre les deux ton père ta mère t'as pas envie de choisir prends celui que tu préfères on nous dit mais c'est difficile alors ça arrive non, mais choisir entre les deux c'est mais pour beaucoup c'est difficile de choisir son père ou sa mère c'est différent. Oh, comme c'est beau ce que j'ai dit. Magnifique. On a Jardel qui va témoigner il y a deux jours. Il y a plein de messages que vous nous laissez. Tu voulais nous faire un petit témoignage sur ta gothique, je crois, Romano. C'est pas tout à fait pareil. Moi, c'était ses parents, en fait. Merci de me le rappeler, le témoignage sur la gothique. Il se prenait la gueule devant nous, tu vois. Donc, moi, j'étais en train de bouffer, par exemple, chez elle. On était à table et ils commençaient à s'engueuler, ses parents. Et sa mère, elle disait, ouais. Tu parles bien de ta gothique, la vilaine. Ouais, c'est un connard. C'est un connard. Il disait ça de son mari et elle me disait hein. Elle te prenait à partie. Ouais, elle me disait hein, mon mari, c'est un connard. Non, tiens, ouais, j'étais là. Non mais non. Si c'est un connard. Non, donnez-moi mes cachets jaunes. Non, rose, ils étaient. Elle en avait de toutes les couleurs. Les oui, elle, c'était l'arc-en-ciel après dans sa tête. Et moi, quand même rappeler pour les nouveaux auditeurs et les nouvelles auditrices de Skyrock que la mère de la gothique. Elle était complètement cinglée. Ah bah oui, ouais. Elle était siphon, la vieuque. Ça a été ta belle-mère pendant 3 ans et demi. Ah ouais, mais j'ai jamais vu une dingue pareille. Quoi. Si, dans la rue, j'en ai déjà croisé, mais tu sais, j'en ai jamais côtoyé de si près. Quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est la plus dingue que j'ai rencontrée. Je suis désolé, la meuf, tu connais beaucoup, toi, des gens qui jettent leur meuf par les fenêtres. Hein, quand elles sont. Et mon mari, c'est un connard. Non, mais voilà. Et lui, après, tu sais, commençait à lui chier dessus. Et t'es là, ouais, tu me fais chier. Hein, mais... Et t'es là, hein, dis-le qu'elle fait chier le monde. Elle disait ça à toi. Ah, mais ouais, et moi, j'étais au milieu, tu vois, entre les deux, je n'osais rien dire. Ah, bah, moi, je n'osais rien dire. Tu es mal. Et des fois, ma gothique, elle disait, viens, on s'en va. Oh, elle était gentille. Elle voulait s'isoler avec toi et te caresser. Le kiki. Non. Oh. T'aimais bien quand elle t'a caressé le kiki, ta gothique. Bah, ouais, tu sais, à l'époque, ouais. Ah. Toucher la bite, hein, branler et tout. Ah, hein. Oh, t'aimais bien. Ah ouais, bah, bien oui, j'aimais bien. Et là, tu bandes. Ouais. Quand on reparle, il bande. Ça l'excite, ça. Cédric, tu viens me sucer, s'il te plaît. Oh, non, mignon. Ça va aller, oh, ma gueule. J'ai entendu dire. Non, mais t'as entendu dire, parce que je vais te défoncer. J'ai entendu dire que tu faisais ça très bien. Ouais, bah, bien sûr, ouais. Bon, alors on a, je vous ai dit, des témoignages. Jardel, en direct de Limoges, 16 ans avec nous. Salut, Jardel. Ouais, salut. Jardel, salut, et t'as vécu la même chose toi aussi, c'est pour ça que t'appelles. Hein. Ouais. Bon, c'est vrai, ouais, quand on le vit, on essaie de dédramatiser un peu, parce que ça arrive dans les couples, hein, les parents qui divorcent, il y a plein. Hein. Ouais. Ah bah oui, oui, c'est bon, vrai. Mais c'est vrai que quand on le vit, il y a toujours une période où c'est un peu difficile. Non, puis il vaut mieux qu'ils divorcent que qu'ils s'engueulent tout le temps, quoi. Oui, et puis qu'ils se traitent. Ah ouais, ouais, c'est insupportable, ça. Bon, qu'est-ce que t'as vécu, toi, Jardel? Bah, moi, j'avais 11 ans, ça remonte à 5 ans. Oui, tu étais tout petit. Ouais, ouais, tout petit, comme Romano. Il est tout petit, tu as remarqué comme il est tout petit? Ouais, non, mais attends, j'ai pas 5 ans. Merde, tiens. Non, tu n'as pas 5 ans, ça, ça m'en a bien. J'ai 21 ans, moi. Voilà. 21 okay. years old. Mais tu es petit. Comme dit Full, on a 29, tu vois. Tu es petit de taille, on dit, toi. Alors que dans la réalité, on en a 45. Ouais, bien sûr. J'ai raison, Romano. Alors, Jardel. Ouais, bah, moi, c'était la même histoire, hein. Sauf que j'étais plus petit, voilà. Mon père et ma mère, ça allait plus. Ça s'engueulait. Ça se traitait de salope, sale pute. Ah ouais, ton père, il disait à ta mère, il disait salope devant toi qui avait 11 ans. Ouais, ouais. Ouais. Et ta mère répondait par un connard. Ouais. Et autre. Et autre, ouais, donc ça doit être sympa l'ambiance. Mais il te prenait à partie aussi? Ouais, ouais, il me prenait à partie parce que, en fait, d'abord, je vivais avec les deux. Et après, j'allais un week-end sur deux chez mon père. Donc, quand j'étais chez mon père, bah, ça parlait de ma mère. Et quand j'étais chez ma mère, bah, il chiait dessus. Comment elle va, l'autre pute? Non, mais ça, c'est classique. Non, mais c'est horrible. Voilà. Ouais, non, mais c'est horrible, mais c'est classique. Et après, t'as lâché ta mère. Oh, bon, il va bien, le connard. Connard. Connard. Ouais, non, mais même sans des mots d'insulte, rien que le fait de dire des trucs négatifs sur l'autre. Oh, bah, pute, c'est pas. Ouais. Ouais, non, négatif, mais bon, ouais, oui, c'est complètement négatif, mais bon, non, mais même sans dire des mots vulgaires, on va dire, entre guillemets, souvent, quand les parents se séparent comme ça, ils se tapent, tu vois, ils se tirent dans les pattes via l'enfant, quoi. T'aurais fait un gosse avec ta gothique, Romano. C'est triste. Tu dirais quoi sur ton ex, donc ta gothique, tu dirais quoi au gosse? Tu dirais rien. Oh, bah, c'est, Ah, si, il y dirait, tu dirais quoi? Non, mais je dirais pas, tu vois. Non, ta mère, elle est toujours aussi moche. Non, mais je dirais. Tu sais, je lui dirais pas gratuit. Le gosse, ça le traumatise. Oh, tu sais, je lui dirais pas gratuitement comme ça, quoi. C'est-à-dire que, mais s'il me parle d'elle, direct, je pense que ça partirait. Tu sais, il y aurait des réflexions, quoi. Genre, ouais. C'est bah, si elle dit, par exemple, si le petit vient te voir et te fait, je sais pas, ton ex, ma mère, donc. Ouais. M'a dit que t'étais radin. Bah, moi, je lui dis, tu lui dirais d'aller se renculer à cette connasse. Tu dirais ça, t'as. Tu dirais ça à ton fils. Et je lui dis, hey, tu lui dis bien. Ouais, tu vois, lui pas lui dire. Il fait partie des parents. Moi, c'est clair. Ou genre, elle dit, il vient me voir. Ouais, maman, elle m'a dit qu'il fallait que tu donnes des sous. Je dis, bah, là, putain, là, ça se passerait mal. Là, ça partira en couille. Je veux dire, quel gosse. C'est ça, moi, chez moi, c'était ça. Non, mais de toute façon, ouais, il y a beaucoup. De pension, de trucs, de machin. Bah, tu diras à ta mère, ouais, tu diras à ton père. Ouais, en fait, tu fais le messager, quoi. En fait, t'es comme une balle de ping-pong. Non, mais c'est ça, c'est super désagréable, puis c'est déstabilisant. Surtout pour un moment. Et toi, enfin, 11 ans, tout dépend quel âge t'as. Bah, toi, 11 ans, c'est tôt. Ouais. T'as géré ça comment, Jardel, toi? Bah, moi, je pouvais rien faire. Hein. J'étais petit, je pouvais que regarder, voilà. Puis, si je voulais pas intervenir, voilà, j'avais peur plus qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Quand c'est vrai qu'à 11 ans, qu'est-ce que tu veux, bon, ouais, veux faire? À 16 ans, aujourd'hui, tu réagirais comment? Bah, je pense que je tape une crise. Je leur dirais, bon, tous les deux, vous taisez là, et puis voilà. Non, mais tiens, pour revenir à vos messages, là, il y a Abdelou, là, sur SMS, qui nous dit, moi, je leur dirais de fermer leur gueule et qu'ils me cassent les couilles. Bon, là, ferme-toi, ouais, bouche. Pareil. Non, mais carrément, tu peux aussi être, tu vois, s'ils sont, eux, violents dans les mots. Par exemple, quand ton père dit que ta mère est une pute, c'est un peu violent. Ouais. Non. Ouais. Bah, tu peux répondre aussi en lui disant, mais tu me casses les couilles à me dire ça, papa, avec tout le respect que j'ai pour toi. Et là, ton père arrive, il te prend dans ses bras et... Aïe, il t'écrase le visage. Il t'écrase le visage avec son poing. Effectivement. Sympa. Non, mais c'est vrai, faut peut-être essayer de leur faire comprendre qu'ils vont un peu trop loin. Ça doit être des parents, ils peuvent faire des conneries. Ouais, c'est vrai. Tiens, moi. Ouais. Moi, il y a mon oncle, après, qui a essayé de faire quelque chose, parce que mon oncle, il venait de temps en temps. Donc, moi, mon oncle, j'étais archi proche, c'était un peu comme un deuxième père pour moi, donc je lui en ai parlé. Il a essayé de faire l'intermédiaire, mais bon, ça n'a pas marché, mais il a essayé. Bon, mais quand il s'aime plus, il s'aime plus. Hein. Ouais, bon, quand c'est la fin, c'est la fin. Ça les a même pas un peu calmés au niveau des insultes, tout ça, par rapport à toi? Si, après, ça les a calmés, et voilà. C'est vrai de vous faire aider par quelqu'un de la famille, Mounia, si tu as, je sais pas, bon, t'as pas de frère ni de sœur, puis c'était fille unique. Mais bon, si tu as des oncles ou des grands-parents. Ouais, quelqu'un, oui, d'adulte qui peut. Tu peux leur dire qu'ils se cassent les couilles, hein. Bah voilà. Même si tu es une fille et que t'en as pas, c'est bien casse-couilles quand bien. Même. Ça, c'est bien. Casse la chatte. Ils vont plus s'écouter, quoi. Bon, il y en a qui ont pris l'habitude, avec le temps, on s'habitue. Hein. Léa Latina, 16 ans, des Bouches-du-Rhône, qui nous dit, moi, depuis que j'ai 4 ans, ils s'insultent et tout. Ouais, bah c'est qu'ils fonctionnent comme ça. Hein. Et au final, bon, ils sont toujours ensemble, a priori. Hein. Ah bah ouais, ouais. Moi, j'ai les mêmes à la maison. Tiens, c'est Taureau, 18 ans, lui, des Hauts-de-Seine. J'ai les mêmes à la maison, ils veulent pas divorcer. J'ai déjà fugué, mais c'est encore plus chaud après. Ouais, peut-être qu'ils s'engueulent moi, après ils t'engueulent toi parce que tu t'es barré. Ouais, c'est ça en fait, là ils arrivent quand même à s'entendre pour te pourrir la gueule. Les parents. C'est ça, ils trouvent un point d'accord. Ouais, ouais. C'est peut-être, tu vas peut-être arriver à les réconcilier en les faisant chier. En fait, moi, c'est pour ça que mes parents sont toujours bien entendus. Je leur pourrissais tellement la vie. Ils sont bien depuis que t'es parti en fait. Ils se mettaient à deux sur moi et trouvaient des points communs. Hein. Tiens, un message sympa de Vince Poole. Il dit Mounia, exprime ta volonté. Avant tout, et montre-leur leurs erreurs. Je sais que c'est pas évident, mais après, à toi de voir, bise. C'est gentil pour Mounia. Mais c'est vrai, faut essayer de parler. Toi, quand t'avais 11 ans, t'étais tout petit, Jardel. Non, mais c'est vrai que bon, à cet âge-là, c'est pas évident, quoi. À 16 ans, quand même, bon. Ah, bah, à 16 ans, ouais, tu peux, oui. Tu es grand, quand même. Tu es grand. Ah, attends, bouge pas, parce qu'on a également le témoignage de. Y a qui Joe au téléphone avec nous, en direct du 27. Salut, Joe. Salut l'équipe. Ça va Joe, tranquille? Ouais Joe. Bah oui, tranquille. Bah c'est gentil d'appeler Joe. Même chose que Mounia, toi? Ouais, mais c'est 24-24. 24-24, ils s'insultent? À part quand ils dorment ou quand ils fument. Quand ils dorment et quand ils fument, ça les calme. Les fumes sont défoncés, quoi. Et ils ne boivent pas, tes parents? Ah bah alors c'est bien non, dommage. C'est autre chose. Comme c'est triste. Oh bah vraiment. Mais ils se disent quoi, par exemple? Comment ça se passe et depuis combien de temps ça se passe comme ça, toi? Depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que ça dure qu'ils se prennent la tête. Il s'est passé quoi il y a 2 ans pour qu'ils se prennent la tête? Il y a eu un truc, non? Bah, mon père, il allait voir d'autres meufs, quoi. Ah ouais, donc ta mère était focus, qui peut comprendre que ça jette un froid dans le couple. À peine. Et bah, après, déjà, c'est même miraculeux qu'ils soient encore ensemble, oui. Comment elle l'a su, ta mère? Par une collègue. Par une collègue, oh, En plus, c'est horrible, tu te sens trahi. Non, mais bon, la collègue, quelque part, tu sais. Si c'est l'ami de ta mère, bon. Ouais, elle a rendu service, quoi. Bah, par exemple. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais je veux dire, c'est horrible quand tu sais que t'es cocu et que ça vient de quelqu'un de l'extérieur qui était déjà au courant et tout ça, c'est encore plus humiliant, quoi. Romano, avec ta gothique, elle t'aurait fait cocu, je te l'aurais dit. Bah, j'espère, ouais. Bah oui, je t'aurais dit. Ah bah, ça aurait été quand même la moindre chose. L'autre moche, là. Elle de monstre. Ah, mais en même temps, c'est difficile, hein. C'est délicat à dire. Oh, non, mais c'est bien. Ouais, non, mais bon, quand c'est un pote ou une amie, tu vas pas être là. Non, ou t'essaies de l'écarter, quoi. Et te prenait à partie, comment ça se passait, toi? Bah, au début, il commençait à me prendre à partie. Ça m'a choué. Le Parti Socialiste? C'est ça, Marie. Ah, mais c'est dingue. T'as su c'est un clown ce matin, quoi? Eh bah, Marie, tu es en effet très drôle. Ah, hein, bah, ouais, putain, celle-là était pas mal non plus. Je connais. Bon, alors, qu'est-ce que c'était la question avant que Marie nous interrompe avec sa blague très drôle? Non, c'est toi. C'était quoi la question que j'ai posée? Une question géniale. Et personne ne s'en rappelle. Non. Je t'ai demandé quoi, Joe? Comment il me prenait à partie, je crois. Ah, voilà, comment il te prenait à partie? Merci, bah, au Joe. Début, mon père, il me disait de dire des trucs sur ma mère, elle faisait pareil. Mais c'était quoi les trucs qu'il voulait que tu dises? Bah, il voulait que je dise que c'était une connasse, c'est ce qu'il voulait que je dise, quoi. Ah, donc il disait, ouais. Tiens, viens voir mon petit. Tu vas aller voir ta mère et tu vas lui dire que c'est une connasse. Allez, tu lui dis, je te donne 10 euros. On va bien rigoler. Et ta mère, elle te disait quoi, elle? C'est horrible. Bah, elle me disait à peu près la même chose, quoi. Et est-ce qu'à un moment, tu leur as dit, mais vous me saoulez avec vos histoires, non? Bah, au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, ça me saoule, je me casse. Ah ouais. Ils m'ont regardé, ils m'ont fait, bah, vas-y, tire-toi. Ah bah ouais, voilà. Merde, ça part. Ah bah tiens, super. Question qui tombe à l'eau. Mais ils étaient à bout de nerfs, tes parents, c'est pas possible. Ah oui, ils en pouvaient plus. Et là, ils sont toujours ensemble? Là, ouais. Et ils s'aiment, T'as l'impression qu'ils s'aiment ou alors qu'ils restent ensemble? Non, pour toi ou pour, je sais ouais, pas. Ouais, plutôt pour moi, je pense. Ou pour l'habitude ou. Mais ça va quand même au jour le jour, ils s'entendent bien ou c'est encore la merde comme tu nous racontes? C'est encore pas mal la merde. Ah ouais, ah ouais. Ouais, bah, ta mère, elle a pas dû digérer ou ouais, d'être cocu, quoi. En même temps, ça, il faut le digérer. Je pense que ça peut se comprendre. Et t'as discuté de ça avec, je sais pas, les deux ensemble ou un des deux? Avec mon père, vite fait, mais il veut pas aborder le sujet. Bah ouais, c'est privé aussi, il fait cocu. Bah ouais. Peut-être qu'on aura des gosses plus tard. C'est difficile d'en parler avec ton enfant, quoi. Ouais, c'est difficile de juger quand t'es, bon, quand t'es l'enfant et que c'est ton père qui fait cocu, bah, oui. Ça t'énerve. Mais bon, bah, après, un jour, tu seras peut-être pas un père, toi aussi, Joe. Et tu feras peut-être cocu ta femme. Ouais. Eh ouais. Eh ben voilà, quel bel avenir. Non mais ça arrive, il y a plein de mecs qui le font. C'est clair, bon, il y a des meufs aussi. Ah, il y a plein de meufs aussi qui font leur mec cocu. Elles écartent les seufs. Bah les... Ouais d'accord, si tu veux. La classe. Pas grave. Bon, tu peux rester avec nous deux minutes, Joe? Ouais, il n'y a pas de soucis. Bon, on va faire un petit bilan Jardel, tu peux rester aussi deux minutes? Ouais. Bon, bah c'est bien, Jardel, Joe, on vous garde. Témoignage d'Alex, encore des prises de tête dans la famille. Eh ben écoutez, j'espère que ça va consoler mon c'est mignon. La joie, je vais lui mettre un bip bip. C'est sympa. Non mais au moins, elle se sentira moins seule. Et puis en plus, c'est des trucs qui arrivent, regardez, il y a même des parents qui se battent là. Leilou qui nous dit, moi, ils s'insultaient et ils se battaient même devant moi et mes petits frères. Oh là. Ah ouais. Bah ouais. Ah ouais, ça va, mais ça faut faire gaffe quand même. Hein. Bon, alors on fait un petit bilan, on retrouve Alex et puis on prépare les clasheurs, ils arrivent. Ouais. Avec un clash d'anthologie, bien ouais, sûr. Ouais, ça va clasher. Ah bah ça va clasher sec là. Préparez-vous, c'est sur Sky. Et Marie, il y a un truc que tu nous as pas dit et que je vous annonce tout de suite, elle nous présentera une copine avant minuit. Une copine, mais une vraie copine de la Marie. Ah tiens. J'espère que c'est tête de gorée. Tête de gorée. Tu sais que je l'invite depuis un moment, tête de gorée. On aimerait qu'elle vienne dans l'émission. Ah, salut les foules. Romano, il veut pas. Marie, elle a un peu. Ah, si, moi, ça me dérange pas qu'elle vienne. J'ai plus de contact avec elle. Mais Marie, on prend contact. Bon, donc, une copine. Salut Marie, c'est tête de gorée. Une copine de la Marie avant minuit. C'est sur Sky. Allez, et on parle à un chichon aussi tout à l'heure, là. Restez bien dans le coin. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500€ dans le Morning de Difool. C'est vrai? Mais oui! The Morning Show! Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. C'est Dja Dja et Gina. Ouais, c'est Dja Dja et Gina. Le duo du moment présente, on se promet, leur premier album dans les bacs. Dja, on se promet, Dja Dja et Dinaz dans les bacs. Samuel se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante, on dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là, il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Vous cherchez un moyen de faire de nouvelles rencontres pendant les vacances? Amour au 62070. De nouveaux amis? Amour au 62070. Le grand amour? Amour au 62070. Envoyez Amour, A-M-O-U-R, au 62070 et accédez aux meilleurs services de rencontres par SMS en France. Envoyez Amour au 62070. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Allez, à toi, Jérém, je suis sûr que t'es un mec marrant. Ok. Alors en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est en vacances et... T'en as marre de raconter des blagues pourries? Télécharge Yax. Y-A-X. Yax, c'est l'appli pour délirer et faire marrer tes potes. Dépêche-toi. Le peuple Yax t'attend. Yax. Y-A-X. Radio Disneyland Paris. L'événement magique à Disneyland Paris, c'est le nouveau spectacle Mickey et le magicien. Un truc de dingue. Avec plein de personnages Disney. Par exemple, tu as Mickey qui frotte la lampe d'Aladin et pouf, le génie apparaît. Pour de vrai. Oui, je sais, c'est difficile à croire. Il vaudrait peut-être mieux qu'on aille tous ensemble, pouf, vérifier sur place. Découvrez en ce moment le nouveau spectacle Mickey et le magicien. Un vrai spectacle d'illusion au cœur de Disneyland Paris. Retrouvez les personnages Disney comme vous ne les avez jamais vus. Difool Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun. Time on my ride, yeah, yeah. taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Time on my ride. Je sonne plus à rien. Difool. On m'a déjà. Vous savez que. Cédric. Combien y a-t-il de semaines dans l'année, Cédric? 54, non? Marie. Oh, j'aimerais bien que Marie me la suce un peu. Ah, je te la suce. T'as envie de me la sucer, là? Bah oui. Samy. Je l'avale. Momo. Je vous appelle pour faire découvrir une chanson. Alors, la chanson, c'est ça. Et Karim. Eh ouais, je suis là, man. Difool Radio Libre. Tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Hola. Que tal? Que tal? Buonasera. Hey, si. Hello. Ciao. Hello. Hello, hey. The world. Guten Nacht. Ah oui, en allemand aussi. Eh oui, Guten Nacht. Guten Nacht. Il faut dire bonne nuit. Bonne nuit, tantôt. Bonne nuit. Le monde entier sur Skyrock tous les soirs. Et vous tous, tous les soirs avec nous. Et alors, une question qu'on nous posait. Alors, quelqu'un qui a été choqué. C'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière. Lucille nous a laissé un message. Choqué pour deux choses, parce qu'elle est fan de Chris Brown. Ah, Chris Brown. Yeah. Ah bah tiens voilà Chris Brown. Oh, loyal. Elle est fan de Chris Brown et elle nous depuis qu'on a reçu les Air City et tous les artistes qui viennent nous voir, je parle de mieux en mieux américain. Ah yes, of course. Donc elle se posait deux questions. Est-ce que c'est vrai que Chris Brown a fait l'amour pour la première fois à 8 ans? On m'a dit qu'on avait entendu ça sur Skyrock la semaine dernière. En effet, Lucille. Il paraît, ouais. Effectivement. Effectivement. Ouais, ouais. Il a dit ça. Il a donné une interview à un journal assez sérieux, un peu comme Le Monde en France, en Angleterre. Et il a dit, imaginez, vous lisez Le Monde en France et vous avez Chris Brown. Oui, j'ai baisé la première fois, j'avais 8 ans. À 8 ans. Ah, c'est horrible. Comment c'est horrible? Ah ouais, moi je trouve ça dégueulasse à 8 ans. Okay, ah non, mais oui, moi aussi, vu comme ça, Marie. Oui, ah ouais, c'est clair. Après, c'est lui qui l'a dit. Ah bah c'est sûr. Oui, après on n'était pas dans c'est le lit. Vie, hein. Oui. Ouais. Chris Brown, qu'on n'écoutera peut-être pas ce soir, mais ça fait du bien d'écouter un petit bout de Loyal derrière là. Ouais. C'est vrai, j'aimais bien ce son là. Bon, qu'est-ce qu'on va écouter ce soir? Bon, plein de choses. Vous en direct tous les soirs, vous nous passez un coup de fil et vous nous demandez absolument tout ce que vous voulez. C'est ce qui s'est passé avec Candice, dont on va s'occuper tout de suite. Et juste après, clash de la drague. Alors attention, un clash d'anthologie à retrouver évidemment dans 5 minutes, même pas. Hein. Juste le temps de prendre Steve, parce qu'on a eu Steve qui a réagi pour Candice. On t'a pas oublié, Candice, tu le sais, jamais on t'oubliera. Oh. Tu resteras jamais gravé dans notre esprit. Candice qui s'inquiète un peu parce que tes copines ont à 19 ans couché à peu près avec 3-4 mecs et toi t'en es à 15 pour l'instant. Ouais, c'est ça. T'es posé depuis 10 mois. 10 mois avec un gars. Et donc tu voulais poser la question à tout le monde. Il y a Steve donc qu'on prend avec nous. Bonjour Steve. Qui a le même âge que toi d'ailleurs, 19 ans. T'as 19 ans Steve. Hein. Salut Steve. Oui. Salut Steve. Bah, oui. Coucou. Bienvenue Steve. Coucou Steve. Alors qu'est-ce que tu voulais lui dire à Candice Steve toi? Bah tout simplement que là pas à se prendre la tête parce que par exemple bah là actuellement je suis avec une fille donc ouais. Ça fait déjà quelques temps. Et combien de temps que t'es posé avec ta copine toi? Bah là ça va faire 6 mois. Mmh. Et donc bah avant bah elle était pareille, elle voyait quelques mecs, bah moi pareil, je voyais quelques filles et puis bah Ouais, c'est la vie en même temps. Oui, en fait, vous testiez avant de tomber sur le bon ou la bonne. Vous êtes rencontrés à quel âge? De quoi? Avec ta copine, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bah, je viens de le dire, 6 mois. Ah, j'avais pas entendu, excuse-moi. Bah alors, excusez-moi. Je pourrais savoir depuis combien de temps tu es avec ta copine. C'est pas moi qui posais la question. Ça fait 6 mois. Moi, j'avais entendu. Ouais, mais ça, par rapport. Enfin, mon mec, ça le gêne vraiment, quoi. En plus, je reçois encore des messages aujourd'hui, donc là, il est en train de bouillonner. Et je me dis, mais. Par rapport à lui, je me sens aussi en décalage, quoi. Alors, qui c'est que ça dépend. Ouais, mais bon, là où t'as fait une erreur. Oui, il fallait pas lui dire. Bah ouais, il fallait pas lui dire. Bah, tu sais, qu'est-ce que t'avais besoin d'aller lui raconter que tu t'étais cassé. Après, il y a une différence entre se chercher et puis être une salope. Ça, être une salope pour toi, c'est être avec un gars et se taper plein d'autres gars en même temps. Voilà. Ouais, moi aussi. Bah, ah, une salope après. Oui, ça se passe. D'accord, pas ouais, c'est vrai. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Bon, votre meuf s'est tapé plein de mecs avant, ça vous dérange? Cédric. Ah, moi, je. Ouais, ça me ferait chier, ouais. Ah, ça me ferait chier. Même, ouais. Ça lui dérange. Mais t'as dit, je sais pas. Elle veut dire que sa meuf, elle a. Ah, mais je change d'avis. Il a réfléchi. Toi, Romano, ça te dérange? Non. Là, parce que j'aurais peur de tomber sur un mec qui me dise, ouais, putain, ta meuf, j'ai déjà baisé. Ouais, ouais, non, mais ça fait chier. Mais ça arrive, hein. Ah, mais quand il y en a trop, tu vois, quand il y en a. Non, mais bon, c'est peut-être pas fait tringler par toute la ville non plus, Cédric. Ouais, 15, ça va. Oui, oui, c'est clair, 15. Bah, 15, quand même. Toutes les meufs que t'as eues, t'habites une grande ville, Candice? Lyon. Oh, bah, ça va, oui. Ah oui, ouais, ça, ça va. Il y a encore du stock. T'en taper quelques-uns, ouais. T'as du stock. Ça vise à toute la banlieue. Ça me fait chier, moi, hein, la vérité. Ça te fait chier. Ouais, ça me fait chier, tu vois, de savoir en détail qu'on risque de croiser 12 de ses ex dans la soirée, tu vois. Ouais, ouais, ça me fait chier. Bon, Karim, t'as dit que ça te faisait chier aussi. Ouais. Bon, eh bien, vous nous dites ce que vous en pensez, puis on y revient rapide dans un instant. Ouais. Le temps de lancer les fauves dans l'arène. Attention, c'est le clash. Attention, le clash, c'est parti. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur de Skyrock. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. Ah, j'aime. De l'autre, Cédric. Bah, c'est moi. Cédric, c'est moi. Le seul, l'unique, le vrai. Eh ouais, le beau gosse. C'est le clash de la drague. Eh oui, c'est toi, Cédric. Et le mec parle. Ben ouais, mais il encourage ses troupes, il a raison. Eh ouais, mais la team Romano, je sais que vous êtes déjà là, je vous sens, moi. Bon, bah t'as un gros cul. Il y a du monde dedans là. Bah ce soir. Ouais, c'est eh ben, ce soir, la team Romano, je compte sur vous tous et vous toutes pour calmer le veau. Ce soir, le veau est mort. Votez calmer Romano. Veau, on va te baiser, mon pote, tu vas voir. C'est l'heure du clash de la drague. Ouais, ouais, ouais. Vos méthodes. Bah, moi, la méthode que je vais utiliser, c'est la méthode agent de star. C'est-à-dire que j'ai une star qui vient dans la ville là faire un petit concert. C'est Johnny Hallyday. Ouais, ou une autre Patrick star, Sébastien. C'est génial. C'est génial, le petit bonhomme en mousse. Et pour après le concert, elle aimerait bien se détendre et genre faire l'amour à une femme, quoi. D'accord. Romano, ta méthode? Moi, c'est la méthode, j'ai créé. J'étais en train de boire chez moi. J'adore. Et je me suis fait un petit cocktail qui m'a donné bien la gaule et je voudrais le faire goûter aux familles, un cocktail un peu aphrodisiaque. Le cocktail aphrodisiaque contre l'agent de star, c'est parti pour le clash de la drague. Romano, Cédric, Vous faisons rentrer les familles. Allez. Attention. On va chez qui là? Coup de fil pour Cédric. Alain. Allô? Oui. Ah, Alain? Oui. Bonsoir, comment vas-tu? Bien. Bah, nickel, je me présente. Je suis Michel, agent de star. Et je t'appelle là parce que j'ai mon artiste là bientôt, il va faire un concert là, pas très loin de chez toi. Et après le concert, il aimerait bien faire l'amour à une femme. Ouais. Donc, je pensais à la tienne. Non, ouais, carrément. Bah, ouais, si tu veux, tu pourras faire l'amour à une star. Mais par contre, avant de faire l'amour à la star, faut faire l'amour avec moi. Ah, parce ouais. Que, ah, bah, il faut que je vérifie que tout se passe bien, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Que tu ouais. sois au niveau. Donc, je pourrais. À la limite, je pourrais venir là dans 5-6 minutes. Je pourrirais. Ta gueule, toi. Je pourrais venir dans 5 minutes, si tu veux. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui parle, là? Non, mais c'est des amis à moi derrière. Pardon. Ils sont un petit peu bourrés, tu sais. Les mecs, ils sont fatigués, la soirée. Ouais, c'est le showbiz. Ça boit, ça se drogue, tout ça, quoi. Non, Romano, tu l'aides, c'est gentil. Allez, chut, non. Tu veux que je fasse Patrick Sébastien? Non, c'est génial. Bon, c'est génial, Alain. Tu vas me bouffer la queue. Ouais, je suis avec Patrick Sébastien, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans 5 minutes chez toi. On fait tourner la quéquette. J'arrive dans 5 minutes chez toi, histoire de te faire l'amour à toi et à ta femme. Ouais. Je vois si ça se passe bien, puis après, t'auras l'honneur de faire l'amour avec la star, quoi. Oh, c'est génial. Avec Patrick Sébastien. Génial, je suis là, je suis blonde. Bon, ben j'arrive dans 5 minutes alors. Qui c'est qui fait ça? Quand il pète, il trouve son slip. Ah, ben c'est Patrick Sébastien. Tu l'as pas reconnu? Le petit bonhomme. Et voilà. Fais les serviettes, tourne les serviettes là. Et on fait tourner les quéquettes. Et voilà. Bon, ben je vais faire tourner ta quéquette là, j'arrive dans 5 minutes, d'accord? Ouais. Tu connais les sardines? On va chanter les sardines. Bon, ta gueule maintenant, là, Patrick, là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on est serré dans cette boîte à sardines? Bon, alors, j'arrive dans 5 minutes, d'accord? Oh, c'est génial. Je me débarrasse de Patrick, j'arrive dans 5 minutes. Oh, c'est génial, je crois que je vais te baiser ce soir. Après, je vais baiser Patrick derrière, et puis je reviendrai m'occuper de ta femme, d'accord? Ouais. Bon, bah. En fin de compte, tu voulais quoi? Ben, j'aimerais bien te faire l'amour à toi ou à ta femme. Oh, c'est génial, il est moche. Ah, pardon. Ta gueule, toi. Alain. Putain, mais ferme ta gueule, toi. Attends, je t'aide depuis tout à l'heure. Sérieux. Sérieux, là. Il rigole plus, là. Il rigole plus, là. Ben, c'est Michel, l'agent de star. Là, là, on est sérieux, là. Génial. Bon, ta gueule, Patrick, là, c'est bon. Michel qui? Ben, Michel, l'agent de star. Michel Drucker, dis. Michel Drucker, tu connais pas Michel Drucker? Ah, ouais, ouais. Eh ben, voilà, ça y est, je me suis recyclé, là. Il est beau. Ah ouais. Bon, j'arrive dans 5 minutes, c'est bon? Tout est ok? Tout est ok, vas-y. Prépare tes petites fesses. Ouais. Ah, parce que ce soir, je vais me déchaîner, hein. Je peux te dire que tu as mangé l'oreiller, mon coco. Oh, il est précoce, c'est génial. Ta gueule, toi. Je suis précoce, en fait. Vos gueules. Bon, j'arrive, à tout de suite, bisous. Ouais, big bisous. Miss... Big, ah, bisous. Bisous, ouais. Big bisous. Ah, ça, c'est Carlos, ça. C'est bien. C'est bien. Allez, hop là. Salut, man. Ça, ciao. Bip, bip. Et un bip bip collectif pour les deux là. Eh, c'est la première fois que vous travaillez en équipe. Ah, t'inquiète, on va travailler en équipe aussi. Ouais, bah non, sur le mien, tu fermes ta gueule par contre. Donc, c'est compliqué. Ça. Je dirais presque un serrage pour Cédric, ça c'est clair. Non. Bah ouais. Il y a le serrage pour Cédric. Et un demi pour Romano. Et un demi pour Romano. Ah, un demi, c'est limite Patrick Sébastien qui a tout fait. Regarde, JP de Saint-Étienne disait Romano, arrête de l'aider. Bah sinon, on compte un serrage pour Romano, un demi pour Cédric. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et toi, tu veux pas il est pas mal, Samy, comme arbitre. Tu veux pas t'occuper de Marseille? C'est pas lui l'arbitre. Comme arbitre assistant ou je sais pas. Assistant, voilà. Esclave, comme esclave, voilà. Appelle le suceur, c'est mieux. Touche. Bon, un serrage, c'est bien. On enchaîne avec toi, Romano, c'est parti. Ouais. Eh ben, on appelle Alain encore. Voilà, comme ça, c'est pas compliqué. Ouais. On sait qu'on est chez Alain. Ces conneries, là, je l'ai aidé. Je vais me faire baiser au final. Ah non, t'as qu'à dire que tu l'as aidé dans ta déclaration. Oui, non, mais c'est clair. Bah, bien sûr que je vais m'en servir de ça, évidemment. Putain, mais c'est un truc de ouf, ça. Quoi? Allô? Ouais. C'est qui, là? Allô, Alain? Ouais. Ouais, bonsoir, comment tu vas? Ça va? Ça va, et toi? Ouais. Alors, quoi de neuf? Bah attends, je reconnais pas ta voix, tu peux te... Ah bah je peux me présenter, je m'appelle Jean-Louis moi. Un copain de ta bonne femme. Un copain de ma bonne femme. Elle est toujours là quand même. Non, elle est partie. Ah elle est partie. Ouais. Ah bah je vais être obligé de venir te faire l'amour à toi alors ce soir. Pourquoi pas. Bah ouais, parce que j'avais prévu de le faire avec ta bonne femme, mais si elle s'est barrée, c'est toi qui vas prendre dans le fion hein. Ah ouais, bah qu'est-ce que tu veux. Bah écoute... Tu pourras toujours essayer hein. Ah bah je vais essayer ça, j'espère que je vais réussir à rentrer là-dedans. Ouais, bah ouais, pourras toujours essayer. T'as le cul propre ou pas? Ouais, t'inquiète pas, va. Bon, bah écoute, j'arrive dans 5 minutes, j'ai fait un petit cocktail aphrodisiaque, là. Ouais, t'as raison. Je vais t'aphroditer et après je vais te sodomiser. Ouais, t'as raison. Bon, j'attends à la porte. Eh bah attends-moi à la porte, le cul à l'air, hein. Ouais. Bon, t'as un fusil, un truc chez toi? Oui, j'ai mon fusil, il est chargé. Ah bah nickel, tu me prépares les cartouches et les bonnes, hein. Ouais, t'inquiète pas. Que je perde pas mon temps, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, je te dis à tout de suite, mon Alain. Ouais, à tout de suite, va te faire voir. Je suis là dans 5 minutes, ma chérie. Va te faire voir. A tout de suite. Et ben voilà. Et voilà, il va se faire cartoucher Romano. Tu vas aller te faire voir. Un autre serrage. Oh là. Ah bah, il l'attend avec le fusil. Ah, il m'attend dehors. Ouais. Avec le fusil. Avec le fusil. Avec le fusil. Avec le fusil. Il avait une voix de chasseur, lui. Ah, quel bon. C'est ça, tu l'as senti, en fait. J'ai senti le fusil qui était pas loin. Ah, bah, vous m'avez bluffé, là, sur le coup, hein. Ouais. La parisienne ouais, dit, pas mal, hein. Dit l'union fait la force, tu vois. Regarde. Ben ouais. Cédric a seulement serré tout à l'heure grâce à Romano qui faisait rire le mec. Non, Cédric a serré, il a serré avant même. Bah oui. Ouais, serré avant, abuse pas non plus. C'est Romano t'as serré aussi toi. Ouais, moi j'ai fait un double serrage en passant qu'un coup de fil. Voilà, ils sont trop beaux. Double serrage. C'est les deux. Bah ouais, j'ai serré sur ton appel. Voilà, mais ça compte pas. Patrick Sébastien, génial, il va se faire baiser. La gueule, c'est mon appel, il est fou. Les deux plus grands clasheurs du monde. Bon, c'est comme vous voulez, on peut s'arrêter là parce que c'était super. Ou alors, on peut tenter un coup de plus, c'est comme vous voulez. Cédric, Romano. Comme veut mon adversaire. Bah, comme tu veux, moi. Ah, vous faites chier, je vous demande votre avis. Honneur au perdant, tu choisis. Bah, vas-y, donne-moi un appel. Cédric, prends un appel. Ouais. C'est parti. Dangereux ton truc, hein. Prends un risque, hein. Ouais, mais t'inquiète, moi j'aime bien les risques. Ah, il aime le risque. Il aime le risque, il tente le tout pour le tout. La vie, c'est comme ça, mec. Oh, ça, c'est du serrage, Romano. Et hop, un nouveau serrage. Attends, c'est à toi, Cédric. Allô? Ouais. Ouais, Jacques? Oui. Ça va, tu vas bien ma gueule? Ouais. Wow, nickel. Je t'appelais là, je me présente, je m'appelle Michel et je suis agent de star. J'ai un de mes artistes là, parce que je m'occupe de plein d'artistes, tu sais, je suis un peu dans le showbiz. Et là, j'en ai un là de mon catalogue là qui va faire un concert pas très loin de chez toi. Et après le concert, il aimerait bien se taper une bonne femme. Ouais. Donc comme je connais un petit peu la région, on m'a parlé de la tienne, on m'a dit qu'elle était un petit peu chaude. Ah, j'en ai pas. T'en as pas? Bah, c'est bizarre ça, parce qu'on m'a parlé d'elle. peut-être qu'on parlait de toi alors. Ouais, ouais. Allez. Bah, à la limite. Attends, mais attends. Ah merde. Allez. Non, mais attends, Jacques, raccroche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais pas dessus. Là. Jacques. Ah, enculé. Bah, non, y a pas de soucis. Je l'ai fait exprès, je voulais pas parler sur celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit le niveau que c'est pas le même qu'au premier coup de fil. Ouais, je veux pas dire, mais ça s'appelle. Passe ton appel, Ah, mais tu fais quoi là? Non, je rappelle pas. Tu rappelles pas, t'as pas le choix. De toute façon, t'avais pas rappelé. Si je veux, je fais. C'est qui sonne là? C'est Daniel. C'est Daniel et c'est pour moi. Ouais. D'accord, c'est l'appel de Romano. Ouais, bah voilà. Cédric a passé le sien, on a vu le résultat. Oh, attends. Bête de réussite. Hein. Souvent, quand tu te la racontes, gros, derrière, tu fais de la merde. Ah, allô? Allô? Oui, bonsoir, c'est la femme à Daniel? Oui, comment elle va? Ça va bien, ça va bien. Je vous réveille pas là quand même? Bah, moi, comme je travaille du matin, là, je suis dans le lit. Ah, t'es dans le lit, bah ça c'est parfait, tu m'attends, dis donc. Bah, tout à fait, voilà. Bah, écoute, je vais arriver dans 5-10 minutes là. C'est qui? C'est Michel? Bah, oui, c'est Michel. Non, c'est moi, Michel. Comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Bah, ça va bien, je vais venir me coucher avec toi là. Il est là le père Daniel ou pas? Allô? C'est Carlo. C'est Carlo. Et Carlos, ouais. Carlos. Big B. Oui. Allô? Oui, allô, Carlo. Ouais, ah bah tu m'as reconnu, je suis Carlo, oui. Je suis Carlo et Michel, un peu tout le monde, moi. Bon, bah je vais venir me coucher entre vous deux ce soir, là. Y'a pas de soucis. Et puis j'entends le chien, je pourrais l'attraper, ça te gêne pas? Aucun souci. Bah écoute, j'arrive, on fait l'amour tous les trois, et puis après je me taperai le chien. puis je dormirai dans sa niche avec lui. Bon, bah, je suis là dans 5 minutes, ma petite chérie. A tout de suite. Oui, d'accord. A tout de suite, bisous. Bisous. Et voilà. Merci beaucoup. Ouh. Et ben voilà. T'as les nerfs, c'est fini. Ah, le chien, on veut encore. Ah, le chien est encore là, dis donc. C'est terrible, ça. On vous embrasse, la famille. Ah, bisous, hein. Bisous, le chien. Ouais, tout de suite. Ah, c'est ça. Apprends à parler, toi. Apprends à draguer ma gueule. Alors là, vraiment. Apprends à draguer sans moi, quoi. Exceptionnel, hein. Terrible. Romano, 2 appels, 3 serrages. Trouver l'erreur, nous dit grand papa. Non, mais il y a pas d'erreur. C'est un beau slogan, ça. Ouais, c'est vrai. Pas d'erreur. C'est le chien. Eh ben, bravo. Romano s'est fait de l'autoconcurrence, nous dit M&M's. C'est vrai que dans le premier appel, vous avez fait un beau. C'est la première fois que vous faites un truc ensemble. Ouais. Enfin, j'ai senti qu'il galérait, donc je l'ai aidé, quoi. C'est peut-être le début d'une grande histoire d'amour. Tiens, moi, je me lance dans le social cette année. Je suis pas sûr, là. Alors, vos déclarations, Cédric. Ah ben, moi, il va falloir voter Cédric, c'est EDRIC. Je peux chanter, moi, après, Romano. Moi, j'essaierai Alain. Si tu veux. Tranquille, tu vois, j'essaierai Alain, agent de star, c'est un peu le showbiz, on fait l'amour tous ensemble. Pour ça, voter Cédric, merci, je vous aime très très fort. Eh, t'es vraiment une pute, tu pourrais me dire merci quand même. Bon, merci à mon adversaire d'avoir participé, m'avoir plus ou moins aidé sur mon appel. Plus que moi, d'ailleurs. Non. Bah, on a vu, gros, sur le deuxième. Non. Le deuxième, je n'ai pas dit un mot, tu as fait quoi? Ouais, mais parce que c'est la famille, gros. Oui, c'est toujours la faute des autres. On passe une famille, elle est même pas. C'est ça, il y a ceux qui ont des résultats et ceux qui ont des explications. Ouais, bah moi j'ai les deux, moi. Ta gueule, toi, tu l'aides. Mais de toute façon, dans cette équipe, vous le sucez à la mort. Mais qu'est-ce que votre famille? Personne ne suce. Là, j'ai la bite libre, et de toute façon, elle pue, là. Allez. Elle est odorante. Oui, Marie, donc, personne ne veut le sucer. Non, voilà, non, je dis rien, moi. Bon. Marie, elle a essayé, elle n'a pas pu. Non, elle peut plus. Là, bah non, je peux plus. Elle peut plus. Bon, ta déclaration, Romano. Bon, bah moi, déjà, je veux chanter. Romano, il faut voter. Romano, je dédicace à Cédric, qui kiffe trop. 3, 4, 1. Romano, il faut voter Romano. Bon, moi j'ai fait deux appels, déjà mes deux appels, bim, serrage direct, et en plus j'ai serré sur celui de Cédric. Ouais, okay, exceptionnel, ouais, en lui donnant un gros coup de main, j'étais Patrick Sébastien. J'avais déjà géré là. C'est génial, je veux trop Mano. Oh bah t'en baves quoi. Ah ouais. Ah bah votez Romano, ce soir on peut le faire tous ensemble, je vous aime. Et il a eu le chien aussi, nous dit Jamel. Ouais, et Jamel. Eh ouais, ouais. Il a eu le chien. Là sur le dernier coup de fil, un couple et le chien, et je dors avec. Moi je trouve ça dégueulasse. Beau serrage de Cédric. Voilà, regardez le message de Valentin. Mais Cédric a mieux géré. C'est noté, Valentin. Ah merci. Un vote pour Cédric. Romano, tu gères trop. T'aides le Belge. Tu gères. Et bah voilà, encore. Ouais, ça, c'est pour toi, Romano. Ouais. Vous devriez d'ailleurs faire une équipe, peut-être tous les deux. Bah, je sais pas, une équipe de dragueurs. Vous avez tellement été, c'était tellement beau. Ouais, mais après, finalement, les clashs, on va pas jouer. Non, on est là contre l'autre. C'est la guerre. C'est la guerre. Ça, c'est mieux. Bon, la guerre est lancée. Bah justement, tiens, on parle de guerre. On a eu Mounia là tout à l'heure. On parlait de disputes dans la famille, de parents qui se traitent. Bah c'est ce qui arrive à Mounia la pauvre. Ouais. Le père qui traite la mère de pute, hein, et le père qui traite la mère qui traite le père de l'autre con. L'autre con, bonne ambiance. C'est son petit surnom, c'est mignon tout plein. Bon, pour la rassurer, il y en a plein qui nous ont laissé des messages, ça arrive dans plein de couples. Hein. D'ailleurs, toi, Romano, t'aurais fait un gosse avec ta gothique, je le disais tout à l'heure. Excuse-moi de revenir à ta gothique, on en a beaucoup parlé ce soir de cette beauté. Ouais, mais on aurait pu m'annoncer que c'était une soirée spéciale. Non, la soirée spéciale, c'est quand elle vient nous voir. Spéciale, le souvenir de merde. Elle vient nous voir peut-être dans la semaine. Ouais, bah c'est ça, mais alors, je te jure, moi, elle vient là, je dégage. Ah, hein. Oh, bah ça serait super, on t'empêche de sortir. Cédric t'empêcherait de sortir Romano. Hein. Ah, bah ça, il se met devant la porte, et on vous laisserait tous les deux peut-être. Et on éteindrait la lumière. Mais dans le noir. Non, mais je pense que dans les 5 minutes, je m'embrouille avec elle et vous êtes tellement mal à l'aise que tu coupes l'antenne. Il y en a des deux qui passent par la fenêtre, quoi. Non, mais même pas. Il n'y aura même pas de violence physique. Ça serait juste de la violence verbale. C'est difficile de ne pas juger ses parents, on nous disait sur SMS, mais il faut le faire. C'est un message de Rico, 18 ans, dans le 92, qui nous laissait ça. Il a raison, Rico. Ricoré. Oui, merci, Marie. Et c'est la soirée des blagues aussi. Ouais, et c'est bonne, des blagues à deux balles, bien sûr. Ça, hein. T'aurais fait ton gosse avec ta gothique, là. Non, mais moi, je n'aurais pas voulu se parler à cette dame. Bah alors, comment tu te serais insulté, non? Non, mais bon, ça dépend. Je te dis, je suis pas une bête non plus. C'est-à-dire que la meuf, elle me parle bien. Il y a aucun souci, quoi. Si elle commence à me dire... Non, mais t'aurais mal parlé, de toute façon. Non, mais si elle commençait à me dire... Déjà, quand vous étiez ensemble, elle te parlait mal. Non, mais moi aussi, tu crois que je me laissais faire? Je me mettais pas carpette devant elle. Quel bon couple. Oh, putain. Ah, ouais. Ah, ouais. Non, mais moi, par exemple, je sais pas, la meuf, elle commence à dire, ouais, il faut donner des sous, je sais pas quoi. Ah, surtout ça, laisser les sous. Ça y est, on y vient direct. Je veux dire, c'est pas que ça soit obsessionnel chez moi, mais... Ah, bah, écoute, non, mais c'est vrai que souvent, on en a parlé. Souvent entre les parents divorcés, le principal problème c'est la thune. Regarde la grande du 28, moi il arrête pas de s'engueuler à propos des enfants et du partage de la thune. Non mais c'est clair, non mais pour les pensions, ouais, parce pareil, que tu vois genre il faut forcément acheter des habits, des trucs pour les gosses. Il y en a l'autre il veut pas payer, tu vois ma l'autre elle vient me demander du pognon, je lui dis bah t'as qu'à aller travailler. Hein. C'est clair que c'est plus facile de divorcer quand t'as pas d'enfants que quand t'en as. Hein. Bon on a je supporterais pas de lui donner du pognon parce que je me dirais ouais c'est elle qui va s'en servir cette connasse. Mais non mais tu sais bien qu'il y a des frais pour les gosses. Non mais il y a des frais, mais forcément, tu sais, elle en prendrait une part, cette connasse. Bon bah, hey, tu vois, Joe, tes parents se prennent la tête, ça fait 2 ans que ça dure depuis que ta mère a été cocu. Bon bah, t'as vu, Romano, il serait encore avec sa gothique, ça serait pareil. Non mais je pourrais pas. Moi, de toute façon, moi, je t'ai dit, hein, moi, le gosse, je veux pas avoir la moindre contact avec elle quand elle me remet l'enfant, quoi. Bon, on va faire un petit bilan dans un instant pour Mounia avec tous les messages que vous nous avez laissés là. Encore plein, regarde. On propose des réunions de famille. Chacun dit ses 4 vérités. L'Azizou qui nous dit ça. Pourquoi pas? T'as pas essayé ça, Alex, toi? La réunion de famille, oui. Ah pardon, excuse-moi, je t'ai pas mis à l'antenne. Ouais, oui, forcément. Alex, donc bonjour d'abord. Ouais, salut. Salut. T'as 17 ans et t'es à Besançon, je te présente un peu. Hein. Salut Alex. Ouais. Toi aussi, t'as des parents qui se prenaient la tête? Ouais, il y a 3 ans. Ça se prenait vraiment grave la tête, puis ça se tapait dessus. Ah, ils se tapaient dessus, toi aussi? Parce que j'ai eu des messages, ouais. Ouais, c'est ouf de se taper c'est dessus. C'est total, quoi. Au mieux, c'est pareil, non? Bah ça, c'est évident, oui. Et pourquoi c'était comme ça? Bah, c'est comme ça, parce qu'ils s'entendaient plus, qu'en fait, ils nous le cachaient, mais, enfin. Ouais, vous en rendez compte, oui. Mais il n'y avait pas de raison particulière, genre du cocufiage, des trucs comme ça. C'est Joe, toi, il y a du cocufiage chez toi, Joe, hein. Ouais. Mmh. Ouais, toi, c'est le temps a fait son œuvre, ouais. Quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils supportaient plus, quoi. Ouais, mais ils sont toujours ensemble, pour toi, Joe. Ouais, mais Alex, toi, ils sont encore ensemble? Non, moi, ils ont divorcé, justement. Bah, il valait mieux, hein. Bah, ouais. Quand t'arrives à taper dessus. Ah, ça, c'est sûr, c'est mieux, oui. Plutôt que tu fasses un drame. Justement, je leur en avais parlé, quoi, c'est pour ça. C'est-à-dire? Bah, en fait, j'en avais tellement marre que ça gueule tout le temps, puis que ça se tape dessus. Un petit catch, je les ai pris quand ils sont rentrés du taf. Je leur ai dit, on s'assoit, puis on parle un coup, puis ben, je leur ai dit que, voilà, j'aimais pas être pris entre deux. Bah, ça m'énervait de voir ça, quoi, c'était pas mes histoires. Après, ils s'entendaient pas, je pouvais pas tout régler à leur place, mais qu'il fallait pas qu'ils me mettent là-dedans, quoi. Puis, au final. Ouais, non, mais voilà. Ce que disait la Zizou, là, une réunion de famille, en fait. Plus, ça te fait du bien, toi, de le dire. Parce que tu es plus sur toi. Justement, moi, je me suis dit, je peux pas les arrêter comme ça. Appelle la police. On peut les arrêter, mais j'ai compris. Oh là là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé de leur en parler. Et puis, ma mère, au final, au bout d'un mois, elle a décidé de demander le divorce, quoi, pour que ça aille mieux. Ah, tu l'as pas pris pour de ta faute. Ah ouais, le divorce, c'était pour que ça aille mieux, mais elle t'a expliqué quand même. Ouais, voilà. T'as pas dit, mon fils, je suis tes conseils, je vais divorcer. Parce qu'après, tu t'en veux à vie. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est de ma faute, quoi. Non, non, mais justement, elle a dit, enfin, on en avait bien parlé et tout, et puis elle était venue me voir à part. Pour non, mais en fait, ouais, t'as décroté un peu la situation, quoi. Ouais, voilà. Décroté. Non, mais. Le truc, c'est, pour en parler quand c'est comme ça, dire qu'on n'est pas bien, puis après, vu que c'est nos parents, ils comprennent quoi. Non, mais bon, quelque part, c'est pas. Ouais, ça fait chier sur le moment, mais maintenant, t'es plus heureux. Bah disons que maintenant ça gueule plus quoi, puis je suis tranquille quoi. Ah bah, moi, on voilà. est libéré un peu. Non mais c'est ça. Hein. Bah oui, ils sont plus ensemble donc forcément ils s'engueulent moins. Ouais. Et ils sont retrouvés quelqu'un les deux ou pendant que Diffoul est en train de mourir. Ouais. Ta mère l'a retrouvé un mec. Excusez-moi, je m'étouffe, j'ai regardé le visage d'un des membres de l'équipe. De Cédric. Ça part pas tes boutons Cédric, c'est ouf. Ah non, là soir. Non mais j'ai pas mis le produit hier soir. Mmh. J'ai pas mis de dentifrice. Bah mais ça faut mettre. Hein. Ouais. Ouais, et ta mère donc elle a retrouvé un mec elle. Ouais voilà. Et ton père, lui, non? Non, mon père, il est toujours seul, mais enfin voilà, ça va beaucoup mieux des deux côtés, quoi. Maintenant, ils peuvent même se parler, enfin, ils s'appellent de temps en temps, comme ça, pour nous, mais. Bon, bah écoute, t'as bien fait, en tout cas. Donc, peut-être en parler, je sais pas ce que vous en pensez, vous qui vivez ça, Jardel et Joe, là, qui avaient témoigné tout à l'heure. Bah ouais. Parler, c'est important. Ouais, ouais. Ou avec un médiateur, ouais. comme tu disais, Jardel. Ça, c'était aussi. Beau, ça. Oui, tu vois que je joue du violon, peut-être. Mais j'attendais. Alors, parler, c'est important. Merci. Merci. Bon, et ouais, montrer. Bon, vous avez tous 16, 17 ans, ou 18 ans, ou 19 ans. Et bon, à cet âge-là, même à 15 ans, à 14 ans, on peut dire aux parents, oui, vous vous saoulez. Oui, hein. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que vos trucs, vous n'en êtes pas responsables s'ils s'insultent. Ouais, vous lui dites, ouais. Vous nous faites chier. Voilà. Faut leur dire leurs quatre vérités, on nous dit sur SMS. Non, mais c'est vrai que. Au final, dire pourquoi, faut être clair. Et non, mais Alex, ça, franchement, au final. Ça est de l'avant, hein, parce que c'est. Bon, ça s'est terminé par un divorce, mais au final, tout le monde est plus heureux comme ça. Hein. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ça s'arrangera pour toi, Joe. Bah, ouais, hein. Pour toi, Jardel aussi. Oh non, moi, c'est fini. Quand t'es maintenant, pour toi, l'histoire, elle est finie, très bien. Ouais. Bon, et pour Alex, ça s'arrange, puisque maintenant, ils rediscutent ensemble. C'est super, dis-moi. Ah bah, tout va mieux, ouais. Bon, bah, bon courage à Mounia, et puis, bah, tiens-nous au courant, Mounia. Laisse-nous un message pour nous dire comment bah ça ouais, se ouais, passe. Ouais, ouais. Bon, bah, merci à vous trois. Salut Joe, salut Alex. Ouais. Salut aussi à toi, Jardel. Salut les man. Salut les man. L'équipe. Oui. Il y a moyen de chanter les conseils pas chers. Ah, est-ce que vous voudriez chanter les conseils pas chers tous ensemble? Ouais. Attention. Yes, le prince du hip-hop est parmi vous. Ouais. C'est parti. Yo. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Oula. C'est les conseils. Qu'est-ce qu'il y a là? Les conseils pas chers. Ah oui. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Attention, c'est les conseils. Les conseils pas chers. Très bien. Mieux sur la fin. Ça s'est amélioré. Et oui, ben, vous étiez plus ensemble. Bon, merci les gars, en tout cas. Ciao. Ouais. Et puis merci pour les messages que vous avez laissés là. Et bon courage à tous ceux qui vivent ça là, dans la famille. Bon, vous vous sentez peut-être moins seul, mais c'est vrai que beau se sentir moins seul, c'est malgré tout bien relou à vivre. Eh ouais, bon courage. Conférez le témoignage de Romano tout à l'heure sur la gothique et la mère folle. Eh ouais, dur. Connard. Dur, la dis-le vie. Que c'est un connard. Non, mais j'ai oui, du calme, madame. Prenez vos cachets. Dis-le que c'est un connard. Oui, du calme, la vieille. C'est comme... Tu lui disais pas ça, quand même. Non, mais non, j'ai resté correct, quand même. Tu avais du respect pour cette dame. Ah ouais. Bon, et donc, bon courage. Tiens, il y a Trimès, là, qui nous laisse un message et qui nous dit, il arrive exactement la même chose. Ça fait du bien d'en entendre parler. Bah, écoutez, si ça a pu vous filer un petit coup de main, c'est pas mal, hein. Moi, ma mère s'entend plus du tout avec mon père. Je vais aller discuter avec eux. Vous m'avez convaincu. Ah, oh, bah, c'est bien, ça. Mais on dirait, vous savez, les pubs pour le téléachat. Eh, ouais. Vous m'avez convaincu. Ah, une bonne vente. Non, mais c'est bien en tout cas, de dire ce que vous avez sur le cœur. Ça vous évite de. Bah, c'est important, oui. Ah ouais. Sinon, les choses n'avancent pas. Hein. Ça vous évite de vous prendre la tête avec tout ça, là. Ça bien dit, ouais. Ça dit fou. Et moins il y a de prises de tête, mieux on se porte dans la vie. Retenez bien. Je préfère les prises de cul. C'est vrai, Marie, tu as raison. C'est bien, Marie. C'est mieux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait dans un instant? Ah oui, j'ai résultat du clash que je vais vous donner, le clash collector. Ah, bah oui. Que vous avez écouté il y a quelques instants. Résultat, attendez, 5 minutes. On parlera chichon aussi dans l'émission. Parce qu'on parle de plein de choses dans l'émission, de tout ce que vous voulez, des animaux, évidemment. Oh, je suis là. Non, mais... Bah, les vrais animaux, quoi. Des vrais. Et puis du son pour s'ambiancer la soirée. On se met un petit SCH. SCH, ouais. Allez, SCH, allez. C'est parti, c'est sur Skyrock. Skyrock et Sam t'offrent le spectacle du Whoop en exclu. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Un show unique organisé par Sam. Ça, c'est bien. Et seulement pour les auditeurs de Skyrock. Aujourd'hui sur Skyrock, on reçoit un rappeur du 8-3, c'est MTTW, t'es prêt? Ok, alors balance le beat. Vas-y, balance. Et écoute Skyrock toute la journée. On voit Roulette au 7-20-20. Il gagne tes places pour voir Mister V, Hugo tout seul, Malcolm to the World, Mike, Jérémy, Hakim et Youssoupha. Eux, c'est le Whoop. Rien que pour toi, le 16 septembre à Paris avec Skyrock. Ouais,

radio, la radio libre de Difool. Tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Et les résultats de votre clash de ce soir, ils arrivent dans un instant. Résultats du clash, mais juste avant, on va finir avec Candice parce que j'ai vu qu'il y a encore plein de messages pour Candice. Et on s'occupera dans un instant de Chichon, puisqu'on m'a dit qu'on allait parler Chichon dans l'émission. Eh oui. Chichon, bœuf, herbe, bédo, tout ça. Tu veux un joint? Ça se fume, quoi. Wow. Eh oui, ça se fume, Marie. Eh ben tiens, elle fume aussi parfois. C'est Pamela, je vous l'annonce. Elle arrive dans moins d'une heure sur Skyrock. Ah ouais, ça va fumer ce soir. Cette semaine, c'est un peu la fête de Pamela sur Skyrock. C'est la fête à mon cul. Oui, on retrouve les pervers, ceux que vous avez adorés, ceux que vous avez préférés. Ah ouais, les meilleurs des meilleurs. Les meilleurs des meilleurs, et dans moins de trois quarts d'heure, ils seront là. Tiens, s'il y a des gros mythos qui nous écoutent, on va parler aussi des gros mythos. Et on va vous présenter une amie de Marie ce soir. Elle sera là dans l'émission, mais une vraie de vraie. Hein. Ouais, une vraie, ouais. Très très bonne amie à moi. Je le disais tout à l'heure, j'espère que ce sera tête de gorée quand on rigole un peu là. Ouais, salut les foules. Ouais, tête de gorée, c'est une connaissance, elle. C'est une très très bonne amie à moi. Si c'est elle, si c'est tête de gorée, on va rigoler, mais. Et puis on dégueule en direct tellement elle. On va rigoler, dégueuler. Vous allez voir, ça va être terrible. Tête de gorée, super amie de la Marie. Ouais, salut. Donc avant minuit, dès qu'on peut la joindre, on vous fait signe. En tout cas, tu nous parleras d'un de ses problèmes tout à l'heure, Marie. Ah ouais, elle a un gros souci. Bon, enfin, un petit même. Et sinon, Candice, toi, si t'as un gros souci dans ta tête, tu te demandais si c'était normal d'avoir 19 ans et de t'être tapé déjà 15 mecs. Ouais, 15 mecs, c'est avec, ça. Avec lesquels t'as couché. Hein. Oui, bien et sûr. Et ben, je vous dirais que c'est pas beaucoup. Ah ben voilà. C'est pas beaucoup. Il y a Myriam, 20 ans, qui nous envoie un message qui nous dit: moi, à 18 ans, je m'étais tapé 18 mecs. Je me rappelle, j'ai fêté mon anniversaire et je me suis tapé mon 18e mec. Ah, pas mal. Bon, bah, tu vois, hein, Candice, ça pourrait être pire. Ouais. Après, comme on dit, c'est fait, c'est fait. C'est clair. Bah, c'est ça, mais là, bon. C'est un peu la merde. Non, mais après, ce qu'il faut que t'arrêtes de faire, c'est, tu sais pourquoi c'est la merde? C'est parce que tu parles trop. T'as ton mec, t'as pas besoin de lui expliquer tout ce que t'as fait avant. C'est clair, tu dis rien. Bah oui. Imagine, je sais pas, Romano, tiens, ta meuf, Bibitte. Ouais. Qui t'explique tous les soirs, qui te raconte tous les soirs une petite expérience qu'elle a eue avant toi. Elle en a eu certaines. Ah, mais moi, je lui dis, je m'en bats les couilles, je fais ta gueule. Voilà. Non, mais je lui dis, je veux pas savoir, tu sais, laisse-moi tranquille. Non, mais je m'en fous, moi, je sais qu'elle a eu plein de mecs avant, je m'en bats la race. Après, l'essentiel est qu'elle en ait qu'un pendant qu'elle est avec toi. Ouais, non, mais puis c'est surtout, tu vois, elle a eu la décence de pas me raconter en détail ce qu'elle faisait avec ses autres mecs. Oui, quoi, dans la logique, c'est ce qui se passe, quoi. Savoir, oui. Ouais, voilà, mais c'est tout, ouais, c'est tout le monde pareil. Après, bon, elle a une vie avant moi, normale, quoi. Bah, tout le monde. Oui, oui. Bah, oui, bah, oui. En général. Et Steve, t'as entendu son témoignage, lui, il est avec une meuf qui est à peu près comme toi, ça l'a pas dérangé. Donc, Steve, merci pour. Ouais, mais moi, mon homme, ça le dérange et tout. Bah, oui, mais c'est parce que t'as trop parlé. Par rapport à lui aussi. Bah, maintenant, tu lui dis. Bah, t'as trop parlé. Donc le prochain, si celui-ci s'en va, tu lui dis rien. Mais en tout cas, Steve, merci d'avoir rassuré toutes les filles qui sont un peu chaudes. Pourquoi les filles n'auraient pas le droit de se taper autant de relations que leurs que les mecs, que leurs mecs ne c'est normal. Clair. Voilà, c'est Valentin qui nous laisse le message. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Bon, filles, garçons. On y reviendra si vous avez tout de témoignage là-dessus. Merci Candice, on te fait un gros bisou et puis merci à toi Steve pour le coup de fil. Puis on espère. D'accord, je peux demander une petite chose avant? Ah bah vas-y, demande. Si c'est pas de l'argent, donc, tu peux demander, vas-y. Vas-y, ouais. Non, il n'y a pas d'argent, c'est juste. Tu t'inquiètes pas, donc c'est normal si t'as peur, mais dis-toi juste que Marie, pour l'instant, elle est encore au stade de chercher, et elle a loin son chagrin dans l'alcool. Oh non, mais n'importe quoi. En effet, Marie, c'est peut-être pour ça. Que non, tu non, je suis pas en recherche, moi tout va bien. Bon, ça passe Steve en tout cas. Raccrochez pas tous les deux, on vous envoie le t-shirt Skyrock à la maison. C'est gratuit, c'est pas cher, profitez-en. Ouais, c'est gratuit, c'est pas cher aussi. Voici les résultats du Clash Collector de tout à l'heure. Ah. Attention, résultats du Clash Collector. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait ça fait longtemps et longtemps qu'on n'a pas eu un score pareil. Alors mon Bodyfool. Je vous le dis, eh bien le Bodyfool t'annonce, Cédric, que tu fais ce soir précisément sur 100% le score de 19. Hein? Ce qui laisse 81% à Romain. Eh ben voilà. De Romano. Eh ben oui, une bonne correction dans ton cul qui pue. C'est pas mal. Ah bah c'est pas mal. Si c'est mal. C'est même extraordinaire. Merci à toute la team Romano. Je vous aime. Putain. Et on fait la même cette nouvelle saison qui arrive. Ah ouais, et puis vendredi, nouveau Clash Collector à retrouver pour la dernière de la spéciale de l'été. Loupez pas vendredi. Bon, vous loupez pas celle de demain. Et puis restez là jusqu'à minuit. On va parler Chichon là maintenant. Voici l'heure du cannabis. Alors c'est un message que nous a laissé Eminem Style. Vous nous laissez des messages tous les soirs. Vous posez des questions. Alors lui, il se posait une question. Ouais. Il nous dit: j'ai jamais fumé, mais tous mes potes fument. J'aimerais savoir ce que ça fait. Quand je leur demande, ils savent pas trop quoi me dire, à part ça défonce. Oui. Ah, fumer des joints. Ah ouais, tu nous as parlé de fumer des joints, ouais. J'imagine, oui, parce que les clubs. Bon, ils ont raison, tes potes, ça défonce. Ouais. Enfin, après, ça dépend de ce que tu fumes, du degré, et puis de toi aussi. Parce que tu peux mal réagir. Ah, il y en a certains qui se font des sales tripes en allant fumer, c'est vrai ça. Il y en a qui se marrent, il y en a qui réagissent mal, il y en a qui bouffent, il y en a, je sais pas, il y a plein de trucs différents. Hein. Alors qu'est-ce que ça fait? Tu voudrais savoir ce que ça fait? C'est difficile à décrire ce que ça fait. C'est vrai que ouais, la moi j'en sais rien du tout. Pourquoi tu drogué moi Qu'est-ce que ça fait quand on fume? Tiens, les fumeurs, les fumeuses, dites-nous, parce que c'est vrai, à part ça défonce. Ça peut fatiguer, tiens, ça fatigue, nous dit Céd sur SMS. Salut Céd. Ouais. Ça peut fatiguer. Ça donne envie de vomir. Ça, logiquement, c'est pas prévu, ça. C'est Gabi qui nous laisse un SMS. Ah, moi, j'ai déjà dégueulé, moi. T'as déjà vomi à cause du shit? Non, c'était de l'herbe. C'est pareil. Shit, quoique, shit et herbe, ça fait pas forcément le même effet. Ah non, mais moi, c'était un truc pur. C'était dans les débuts que je fumais. C'était en Hollande, bien sûr. Ouais, on avait délocalisé les studios. D'accord, en Hollande. Et on me donne un truc et je tire dessus. Mais je me souviens, j'ai cru que j'allais faire un malaise. j'ai eu la tête qui tournait. J'étais comme ça, j'étais mal. Et à un moment donné, je fais, je crois que je vais vomir. Et t'as quiché. Ouais, comme une grosse merde. Ah, vous pouvez pas m'appeler parce que mon père écoute. Ah, Eminem Style, on peut pas t'appeler, ton père écoute, et si tu passes à l'antenne, il risque de te reconnaître. On va éviter. Non, mais bon, moi je dirais que, bon, peu importe tes effets, si t'as jamais fumé, c'est con de commencer, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais, bah, faut que j'arrête de fumer d'ailleurs. Ouais, oui. Là, tout le monde, je crois. Tous ceux qui fument, j'imagine. Bon, alors, vous dites pour le shit, ça fait quel effet, Marie? Marie a déjà fumé, on nous demande sur SMS. Pas souvent, mais ça a dû lui arriver dans sa jeunesse. Ça m'est arrivé. Alors, ça fait quoi? Ça te fait quoi, Marie? Non, mais moi, est-ce qu'elle est chaude quand elle fume, Marie? Non. Déjà, moi, ça dépend si c'est du shit ou de l'herbe. Toi, t'as pas besoin d'être chaude pour. T'as pas besoin de fumer pour être chaude, c'est ça? Et puis, ça dépend dans quel état je suis, tu vois. Si c'est pour dormir ou en soirée. Non, mais ça dépend. J'aime bien avec ce que tu utilises, heureusement que tu fumes pas trop, quoi. Ouais, oui, moi, c'est rare. Bah, ouais, je sais pas, moi. Je suis à l'étranger uniquement. Bah, bien évidemment. Évidemment. En Hollande, bien sûr. Non, au Maroc. Au Maroc. Mais t'as pas le droit au Maroc, Marie. Je sais, mais ça va. Marie va sûrement en prison. Oui. Prochaine fois qu'elle va se retrouver au Maroc, ils vont l'attendre à l'aéroport. À la douane. Bah, ils peuvent toujours m'attendre. Tu risques quoi au Maroc, Karim, si tu fumes chez toi? Bah, non, mais je fume chez moi, je fume pas dans la rue. Au Maroc, le Habs direct, si tu fumes. Pas chez toi, Mais te nique ta race, même chez toi, ton voisin il te balance au Maroc. Bah, c'est marrant parce que tout le shit il est pratiquement produit au Maroc. Ah ouais, mais c'est comme ça, gros. Et si tu fumes, tu te fais... Il te nique ta race, gros. Ah ouais, il y a un nouveau pays, le shit, en France, là, ils montraient ça l'autre fois, vous avez pas vu à la télé, là. C'est en Albanie, je crois. Il y a un village. J'ai vu ça. Et où les autorités peuvent plus rentrer, c'est le ghetto, mec. Ah ouais, sérieux, c'est ghetto, en fait, c'est le village du shit, et en fait, surtout, c'est un village dans une montagne. Ouais, il y a que des plans de plantation de shit. Et en fait, de loin, tu vois, il y a que des plans de bœufs, mais genre des trucs, mais des sapins, quoi. Partout, c'est recouvert, les autorités peuvent plus, ils peuvent plus y aller. Et là, le journaliste même, il était genre à 2-3 km pour essayer de prendre des photos. Ça sentait le shit. Il y a une bagnole qui est passée. Les mecs, ils lui ont dit: ouais, barre-toi d'ici, c'est une butte. Ah ouais, putain. Il a fait: ok, je m'en vais. Là, c'est pas comme au Maroc, non. Au Maroc, c'est contrôlé par l'État, tout ça, gros. Tout ça, c'est contrôlé, gros. On apprend des choses ce soir. Non, mais parce que c'est simple, gros. C'est interdit, mais il y en a. Donc si t'interdis, gros, pourquoi il y en a? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des champs, tu sais où ils sont, donc faut les enlever si c'est interdit à un moment donné, tu vois. Le mec, il les enlève pas. Et si tu fumes, c'est vrai, si je vais au Maroc et que je me retrouve en train de fumer un ouage et qu'il y a un keuf qui m'arrête. Bah, ça dépend, si t'as un gros bloc, il va te prendre ton bloc ou un petit morceau de ton bloc pour que lui il fume, qu'il soit bien, tu lui lâches un petit billet, tu peux partir. Sinon, si tu fais pas ça, bah, c'est la geôle, man, direct. Même en fumant un ouage, comme ça. Ah ouais, mais même en fumant un joint, gros. Mais en Tunisie, tu sais que tu te fais attraper avec une feuille à rouler, tu prends un an de prison. Sympa, dis donc. En Tunisie, une feuille à rouler, tu prends un an de prison. Tu peux avoir des feuilles à rouler pour rouler du tabac. Non, parce qu'il n'y a pas de tabac à rouler en Tunisie, gros. Et c'est interdit. Non, mais moi, tu sais, toute feuille à rouler, c'est pour on m'avait expliqué un truc, c'est qu'il y a plein de touristes qui se faisaient baiser comme ça, parce qu'en fait, il y a des Tunisiens, ils leur vendent du shit. Et après, ils appellent les keufs. Et après, ils les balancent. Ouais. Et moi, on m'avait dit ça à l'hôtel, on m'avait dit, ouais, surtout, faites attention. Et c'est vrai qu'il y a des mecs qui, dans la rue, tu passais dans des rues, mais normales, hein, pas des petites rues, des trucs glauques, hein. Et ils sont là, les mecs qui te proposent. Et moi, on m'avait dit, ouais, les mecs qui te proposent. Et derrière, ils appellent les keufs directs et tu te fais. Bah oui, mais ça, c'est comme les mecs qui. Non, mais c'est bien, ça te prolonge les vacances. Et en plus, bah, super, on génial. On t'offre des vacances. Mais c'est comme les mecs qui. Et puis ça doit être sympa, tiens. Ah ouais, putain, tu prisons. C'est comme il y a des mecs qui font des go-fast, tu sais, ils vont prendre du shit au Maroc. Mais le mec qui leur vend le shit, il les balance. Il se met juste derrière eux en voiture à la douane, tout ça. Les mecs qui se font attraper, lui, il passe avec plus de shit. Ah ouais. Ah ouais, c'est la technique. Tu balances le mec qui a juste avant toi et après toi tu passes avec encore plus de shit. Ouais. Oh, bon ben ça donne pas envie de trafiquer. Non. Eh bien tant mieux. Non, mais ça c'est sûr. Mais... Ah tiens les messages que vous nous laissez sur le shit. Alors les messages, qu'est-ce que vous nous dites? T'as faim, t'as soif et tu rigoles, nous dit Inès Villa. Salut Inès. T'as faim, t'as soif, c'est vrai que ça a fait la moquette. Ouais. Et oui, j'ai pas fumé moi ce soir. Pas ce soir, et d'ailleurs je ne fume pas. Non. Mais pas de moquette. Big up Bob. Big up. Oh, un petit Bob. Get up, stand up. Je fume le pilon, nous dit Maxime. Attention, c'est pas bien, Maxime. Ça fatigue, nous dit Keuf91. Vous feriez mieux de vous mettre à la cigarette électronique. Ils ont créé une cigarette électronique avec du chichon. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, ouais. Ça s'appelle la wax. C'est Val du 39 qui nous laisse le message, la cigarette électronique. Il y en a plein, en fait. En fait, c'est n'importe quelle cigarette électronique. Seulement, à la place de mettre, par exemple, tu sais, ton tabac, enfin, l'huile que tu mets ton tabac, ouais. Tu mets de l'huile de wax, en fait. C'est la wax, c'est le. C'est un truc qui a été mélangé, en fait. Ils font cuire de la huile. De non, la mais huile, même. Et ça défonce. Produits... Ouais, ouais. En fait, c'est un concentré. Et tu non, mais ça, a priori, ça te défonce 10 fois plus que. Ah oui, mais grave. Qu'un joint normal. Hein. C'est, moi, j'ai un pote à moi. Là, c'est que du concentré, quoi. J'ai un pote à moi à Los Angeles, il fume ça parce que là-bas, c'est légal. Et il me dit, mais c'est, laisse tomber. Il m'a dit, tu fumes ça. En plus, ça sent pas dans la rue. C'est contrairement au joint. C'est-à-dire que ça sent à peine. Et en fait, le mec, ça le défonce, mais 10 fois plus qu'un joint. C'est la cigarette électronique ou ah, tu fumes 3 taffes, t'es à l'ouest, quoi. Ça fait des fourmis dans les yeux et dans les joues. T'es sur un petit nuage, mais le cousin du 34, 19 ans. Salut à toi, le cousin du 34. Ah, Alessio, le belge, ça lui fait mal au crâne. Bon. Ouais, ouais, c'est possible aussi. Une fois, j'ai essayé, j'ai dormi pendant 24 heures. Il veut rester anonyme, il s'appelle l'inconnu. 24 heures. T'as fait une petite sieste de 24 heures. Les mauvais trips sont rares. Ça dépend, hein. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui. Il suffit qu'ils fument un petit ouinche. D'ailleurs, on aura peut-être des témoignages. Si vous voulez témoigner là-dessus, allez-y. Moi, je fumerai jamais. C'est pas bien, nous dit Soso du 13. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Fumer, tout le monde dit que fumer, ça fait maigrir. C'est vrai, c'est Gab du 38 qui veut savoir. Le shit, ça dépend parce qu'il y en a quand ils fument ils ont faim. Ouais. Non mais non, il y a un truc qui se dit, c'est que par exemple ceux qui arrêtent de fumer la cigarette, ils prennent des kilos. Ouais. Donc en fait c'est là l'idée. Mais bon ouais, c'est pas un régime la clope ou le jeu. Ah non, clairement non. Pas. C'est un témoignage de Mika en direct de Caen là pour l'histoire du chichon de Eminem. Eminem style. Allô. Salut Mika. Salut l'équipe. Big up man, balle massive à l'écoute, big up. Bonjour à tout le monde, hein. Ça fait des années qu'on est à l'écoute. Hein. Eh ben c'est bien Mika, c'est bien Mika. Un gros bisou à la Marie, bien sûr. Oh, gros bisous. Évidemment. Bah écoute, tant évidemment. Il y a eu plein de messages tout à l'heure, on a eu une nouvelle auditrice qui demandait comment s'appelait, une nouvelle auditeur qui demandait comment s'appelait la charmante jeune fille qui est avec nous. Oui, alors je le dis Maryse, et derrière j'ai eu bonjour Maryse. Ouais, c'est malin ça. C'est Maryse. Mais non, c'est Marie. Marie. Pas de S. C'est joli Marie comme prénom. C'est Marie-Claude Victorine. Puis c'est jeune. Alors Mika, tu fumes toi? Ou t'as fumé? Ouais, énormément, ouais. Énormément. Tu fumes énormément ou t'as fumé énormément? Du matin au soir. Tu fumes, ouais, ça s'entend. Et alors ça fait quoi quand on fume? Ça te fait quoi toi? Parce qu'en fumant beaucoup, au bout d'un moment, ça te fait plus rien, non? Après, ça dépend de la qualité qu'on a, ce qu'on fume. Ouais, et puis ça dépend de la quantité que tu mets dedans. Ouais, voilà. Après c'est la qualité de ce qu'on fume, hein. Mais ouais, enfin pour moi personnellement ça me met bien, ça me désinhibe, j'arrive à communiquer un peu plus avec les autres, quoi. Il y en a par contre qui s'enferment complètement quand ils fument, c'est ce que j'allais dire. Ils fument un ouinge et après il y a plus personne. Ouais. Ouais. Ah ouais, je précise bien, c'est mon cas, hein. C'est Oui, non, mais c'est bien ce qu'on dit. D'abord, on vous dit de ne pas fumer, c'est mieux comme ça. Ça fait ouais. Oui. Ça, déjà, ça... Ah, Bob. Big up, Bob. One love. Big up. Ça vous fait faire des économies, déjà. Et puis, bon, pour la santé, c'est mieux. Et puis, voilà. Ça évite les emmerdes. Ouais, quand ça évite aussi, les emmerdes. Ouais. Et ça peut éviter les emmerdes. Ouais. Tiens, j'étais arrêté au Maroc. J'ai fumé le bédo avec un keuf du coin. Ouais, c'est ça. Tu peux fumer avec lui tranquille si tu lui lâches un billet, tout ça, si tu lui donnes un morceau. C'est Benjamin qui nous laisse un message. Ouais, tu peux, ouais. Moi, j'ai gerbé la première fois. En Albanie, c'est Lazarat, ouais. Lazarat, le merci à la Crime 94. Ouais. Le temple du shit. Et a priori, il y aurait plein de shit et d'herbes qui viendraient de là-bas maintenant, là, qu'on trouve en France. C'est le temple du shit et de la bœuf, les Albanais, là. Jerry Kyle, du 59, qui dit qu'il a gerbé la première fois qu'il a fumé. Maintenant, je fume que le soir pour me poser. Ah ouais, ça fait 11 ans que tu fais ça, toi, Jerry Kyle. Jerry Kyle du 59, 30 ans, qui nous laisse un message. Ne fumez pas, ne buvez pas, ça sert à rien. Ma meuf s'est tombée dans une pomme dans un coffee shop. Ah bah oui, c'est vrai. Ah oui, elle avait fumé dans un coffee shop et qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah en fait, ouais, là, quoi, c'est, on en avait déjà fait quelques-uns avant, quoi. Et celui-là, on en a trouvé un, parce que pour ceux qui sont jamais allés en Hollande, c'est rare les coffee shops où tu peux boire de l'alcool. Et là, on a trouvé un truc où tu pouvais fumer et boire en même temps. Oh putain. Et on s'est pris une panne de bière. Et on était assis sur des tabourets. Ouais, vous êtes des ouf. Et à un moment donné, tu sais, je la vois, elle était toute blanche en sueur. Et je lui fais, ouais, qu'est-ce que. Mais elle ressemblait à la gothique ou pas? Un peu à ce moment-là. Mmh. Et je lui dis, ouais. Parce que la gothique, elle était toute blanche. Ouais, elle était toute blanche. Et je lui fais, mais je fais, ça va pas? Elle me fait, ah non, non, elle me fait, si je me lève, je tombe. Elle s'est levée. Non, je dis, bah, te lève pas. Déjà, et là, elle s'est vautrée sur la table, et moi, j'étais à bout de nerfs, j'étais là, putain, mais lève-toi, on va dehors, tu vas prendre l'air, elle était là. Non, je sais pas, si je me lève, je tombe. Putain, j'étais là, mais lève-toi, putain, j'étais là comme un doux, j'étais là, mais lève-toi, bordel de merde. Et là, à un moment donné, elle s'est vautrée sur la table, et il y avait un mec qui était assis un peu, derrière, mais sur, des poufs bas. Bah, en gros, il avait, l'anus de zizine dans le visage. Ah, bah, c'est ça. Qui était défoncé, disait rien non plus, et puis bien, il était calé. Puis bon, à un moment donné, elle est revenue à elle, et puis on est parti dormir un peu. T'as eu peur? Ah ouais, je me suis dit, ouais, si elle tombe dans les pommes, t'as pas l'air d'un con. Ah, quoi. C'est clair. Tu sais, faut appeler les pompiers. Tu sais, je parle super mal. Hollandais, je ne parle pas. Anglais, je parle mal. Donc, bah, en français, tu sais aussi, tu parles mal. Hein. Ouais, mais bon, c'est la galère. Tiens, Hollande, les mecs, ils parlent pas trop français, quoi. Mmh. Ouais, mais ils doivent avoir l'habitude, non? Deux mecs qui font des malaises. Ouais, ça, ils ont l'habitude. Ouais, ils ont peut-être une piole derrière où t'as 10 mecs qui sont en train, en train de combattre. C'est comme au bahut, c'est l'infirmerie. Ouais, c'est ça, ouais. Angie totale. Ouais, pareil. Ce n'est pas des petites infirmières. Donc c'est donc les effets que ça te fait pour résumer un petit peu pour Eminem Style là, qui voudrait savoir ce que ça fait à ses potes parce que lui il fume pas a priori, il a pas envie de fumer, il voudrait juste savoir ce que ça fait. Moi si j'ai accroché à donner la première fois qui aille doucement qui fume 2-3 taffes, qu'il attend de voir ce que ça fait avant de refumer 2-3 autres taffes derrière. Mais toi dans ta tête, tu nous as dit que t'étais plus social, que t'arrivais plus à parler avec les autres, mais ça te fait d'autres trucs ou pas? Ouais. Si c'est de la weed, on baise un peu plus longtemps. On bade. Baise. Non. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ah, on baise. Ah, d'accord. Ouais, on baise. On bade, moi, d'accord. Parce que j'avais un message en même temps qui me disait, je vais juste frapper un gros bad. Non, mais c'est vrai. Je suis tombé dans un train, je me suis réveillé sur un siège, à côté d'un vieux. Oh, putain. Ah ouais, merde. Ah, oui. Carrément. Bonjour, oui. Jeune homme. Bonjour, jeune homme. Ça te dérange pas que je te branle? Oui. De toute façon, tu dors. Ouais, voilà. Ah non, moi en Hollande, pareil, une fois j'avais fumé un truc, mais je pense que c'était un truc chimique, parce que putain, ça m'avait fait niquer, mais putain, comme mais une bête. Ah ouais, mais laisse tomber, un pilonneur. Et là, je venais pour ardeur, mais genre, mais tu sais, je donnais tout ce que j'avais. Bon, Manon, le pilonneur. J'étais en sueur et tout, et tu sais, ça venait pas, mais j'étais content. Et t'étais bien, ma meuf, elle était et tu pilonnais, quoi. Ah ouais, j'étais chaud. C'est trop d'art, les sons de Bob que vous mettez derrière. J'adore Bob, c'est mon idole, il le restera jusqu'à la fin de mes jours. Waouh, c'est Luc. 17 ans qui nous envoie un message, fan de Bob Marley. Il est mort de ça, Bob, je crois d'ailleurs. Bah, cancer du poumon, ouais. Hein, je crois. Ah ouais, ouais, trop de weed. Trop de bédave alors. Ouais. Ah bah, c'est ouais. Trop de weed, trop de bédave. Et il y a Dawid qui confirme, qui dit quand tu fumes du shit, t'as envie de boire, t'as faim, tu rigoles pour un rien. Et tu peux aussi avoir envie de dormir. Donc, ouais. Pour résumer, dormir, manger, boire. Vomir aussi pour certains. Ouais, j'ai un pote de temps en temps. Dormir, parano aussi, oui. Ah ouais, j'ai un pote, il est relou quand il fume, mais laisse tomber quoi. Mais parano comment? Mais parano, genre un soir on était chez des potes, on bouffait ensemble. Mm-hmm. Donc lui il était là, il connaissait Victor. C'est toi qui avais préparé à bouffer? Non, c'était pas moi, on avait fait une raclette. Et donc le mec, je sais pas, il avait fumé un joint. Ah, et le mec, c'est parano, il pensait que tout le monde parler sur lui en fait. C'est-à-dire que limite tu voulais sur lui, il a pété les plombs. Bon, c'est comme ça, moi je me casse, de toute façon je sens bien qu'il y a une conspiration contre moi ici. Une conspiration? Gros, j'avais halluciné. Mais même moi, ça veut dire quoi, conspiration? Bah, c'est que tout le monde complotait contre lui en fait. Et le mec est devenu complètement parano. Ah, tu t'es fait des parano toi, Mika? Ah, moi aussi ça m'est arrivé 2-3 fois, ouais. Donc il a insulté un mec et il s'est barré en fait. Je te jure, j'avais halluciné sur mon pote. Mais souvent, c'est vrai, moi j'ai remarqué souvent le shit ça rend parano. Ah non, et en fait, Bob Marley, alors ce qu'on nous dit, c'est qu'il est mort d'une gangrène du pied. Une gangrène du pied? Non, mais en fait, je sais pas, a priori, il avait joué au foot. Il a été blessé au foot, ouais, et il a jamais soigné, d'accord. Mais a priori, il avait d'autres trucs ailleurs aussi. À cause d'un match de foot, ouais. À cause d'un match de foot, je crois, il avait des cancers. Il avait une tumeur à la tête. Ouais, voilà, il avait plein de trucs, quoi. Ah, comme quoi on apprend des trucs en fait. Moi je croyais que c'était. C'est pas à cause de la fumée. Ah, moi je croyais que c'était genre un truc. Non, il s'est blessé au foot, il s'est pas soigné et ça s'est gangréné. Ah ouais, bah merci Momo pour l'info et merci pour les messages que vous avez laissés là. Ouais, merci à vous. Ouais, cool. Big up les massives. Excuse-moi, j'étais en trip Bob. Big up, ouais. Ouais, Mika. Ouais, je voudrais dire un petit truc sur les fumeurs. Ceux qui fument, ils doivent le savoir. La mémoire à court terme, c'est-à-dire où j'ai posé mes clés il y a 2 minutes. Ça t'oublie. Ah ouais, ça te pète les plombs. C'est horrible, horrible. J'ai le vocabulaire, j'ai du mal à m'exprimer. En temps normal, quand je fume pas. Donc on oubliait, ça fait également des trous dans le cerveau. Voilà. Ah ouais, ça c'est vrai. Ouais. Des trous terribles. C'est clair au niveau de la mémoire. Bah moi, ça me le fait pas trop, moi, ça, tu vois. Parce que tu fumes pas, Romano. Ah, c'est ça. Évidemment, bah. Il avait oublié qu'il fumait pas. Tiens, mon frère est devenu schizo, nous dit Samira. Ça veut dire quoi, schizo, schizophrène? Bah, fou. Ouais. Non, c'est-à-dire qu'il y a deux personnalités. Non, mais oui, non, mais bah oui, écoute, oui. T'es donc c'est fou. Oui, c'est fou. Oui, on est d'accord. C'est vrai, quand t'as plusieurs personnalités. C'est quand même pas normal. T'as pété un câble. Non, mais ouais, c'est la folie, quoi. C'est la folie. C'est une forme de folie, on va ouais, dire. Ouais, c'est ça, voilà. Attends, moi, quand je fume, ça me donne envie de faire rien. Ouais, c'est de me mettre en slip chez moi et de faire rien, de regarder la vie. Non, mais c'est vrai que tu dois être beau en slip. Ouais, beau gosse, ouais, toujours. Ouais. Bah, ça, c'est clair, quand tu fumes, ouais, c'est pas derrière que t'es le plus motivé, quoi. Mais même, ça m'est même déjà arrivé, tu sais, genre, je dois voir une meuf, je fume un joint, tu vois, la meuf, je l'appelle, je lui dis, tu sais quoi, laisse tomber, je suis mort. Oh, ah, je reste chez moi. Bon, là, ça m'est déjà arrivé plein de fois, ouais. Donc, ça, c'est. En gros, ça empêche de baiser dans ce cas-là. Ouais, moi, ça me fait ça, moi. Mais bon, je m'en bats les couilles. Ah, moi, l'envie de baiser, elle est toujours là, moi. Bon, si vous êtes. Non, mais surtout, et sachez que ça dépend des gens. Hein. C'est pas parce que quelqu'un a réagi comme ça que. Enfin, bon, vaut mieux éviter. Hein, bon, si on a d'autres témoignages, vous. On en reparle tout à l'heure, vous restez là. Merci, Mika. Mika, toi, t'achètes ou tu cultives? Un petit peu. Tu cultives un peu? Un petit jardinage. Un petit jardinier, quoi. Voilà, on prévoit pour l'hiver. C'est les stocks. C'est dans une petite malle en bois, là, c'est en train de sécher. Ça commence. Très bien, ça doit sentir bon, j'ai toi. Bah, fais attention à toi, pote, quand même. Oui, fais gaffe. Oui, bah oui. Oui, attention à la police. Oui, qui nous écoute régulièrement tous les soirs. Ouais, ouais. Fais gaffe. Attention de toi. Vrai, on parle de chichon, il y a plein de monde qui vient d'arriver dans le chat. C'est toujours des visites, là. Oui, oui. Bon, allez-y. Allez, c'est des visites gratuites. Entrez. Il y a Myriam qui avait son appartement envahi, là, qu'on a eu en début d'émission, là, tout à l'heure. Avec les souris. Ouais. Et on a une solution. Alors, peut-être maintenant, c'est Maëlie qu'on va prendre. N'oubliez pas Pamela qui arrive dans moins d'une demi-heure. J'arrive. Avec un super pervers. Pour les souris, j'ai une bonne chatte, moi. Oui, voilà une bonne solution. Elle est pas mal, cette solution. Elle est très drôle. On parlera des gros mythos aussi d'ici minuit et on aura une copine de la Marie aussi. Attention, ouais. Mais la Maëlie, 25 ans, qui doit être avec nous. T'es là, Maëlie? Oui, salut. Salut à toi. Bienvenue sur Sky. Merci. T'appelais pour venir au secours de Myriam qu'on a eu au téléphone tout à l'heure avec nous. Voilà, c'est ça. Myriam qui était terrorisée chez elle, tout seule, avec une petite souris à la maison. C'est ça. Et toi, c'est quoi? Tu fais un élevage de souris dans ta maison? Non, du tout, non. Mais moi, j'ai eu le même problème qu'elle. En fait, j'habitais en plein centre-ville et un petit studio. Et j'ai commencé à entendre des bruits dans la cuisine. C'est quoi, ça grattait donc? Ben ouais, ça grattait un peu, des bruits de plastique, genre les paquets de pâtes, les trucs comme ça. Et donc au fur et à mesure, en allant dans la cuisine, je suis tombée un jour nez à nez avec une souris. Ouais. C'est vrai qu'elle est pour elle, c'est la caverne d'Ali Baba, une baraque à une souris. Ouais, c'est dégueulasse. Ah bah, elle arrive chez toi, il y a plein de trucs à bouffer, elle se fout dans un placard, elle se fait c'est un festin, mais c'est encore elle mieux que le Del Paso pour nous. Hein, ouais, c'est clair, elle grignote tout ce qu'elle veut. Ouais. C'est la folie, quoi. Et grave. Là, elle trouve un coin chaud et en même temps, elle bouffe tout. Moi, je sais que même les paquets de farine, j'aurais jamais pu penser qu'une souris pouvait bouffer la farine. Mais ça grignote de la farine, Marie. Tu m'expliqueras comment on fait pour grignoter de la farine. Non, mais sérieux, elle grignote. Ouais, tu sais le papier. Tu veux dire autour. Ouais. L'emballage, quoi. Ouais. Et quand t'en as une, t'en as plusieurs. C'est ça. Et en fait, au Marie fait un élevage. Voilà, j'ai fait comme la jeune fille, j'ai mis Myriam. Une tapette à souris, Myriam. J'ai mis une tapette au début, ça en a pris une, mais effectivement après ça sert plus à rien. J'avais quand même deux chiens chez moi, donc au début ils s'en rendaient pas compte, mais ils ont quand même réussi à en choper deux trois. Bah ouais, parce que bon, ton chien Romano par exemple, s'il y a des souris, il les chope. Ah non. Non, pourquoi? Non, bah, je sais pas. Pareil, mon chat. Il n'arrivera pas à les attraper, quoi. Ah, tu crois que ça va plus vite que lui? Ah ouais, c'est clair, ouais. Mais tu sais que mon chat, c'est la même, hein. Il n'arrive pas à choper des souris, ton chat? Ça l'a fait chier. C'est pas un vrai chat. Ah ouais, ça l'a fait chier. Non. Non, mais moi, j'ai pas de souris chez moi. Non, moi non plus. Maëlie, tu en enverras un Romano, on va faire le test avec son chien. Marie en a a priori quelques-unes. Qui était passé, ouais, il y a peut-être 10 ans. Ou alors Marie peut t'enfiler Romano si ça te branche. J'ai un élevage. Ah oui, je l'ai chopé. Et comment t'as fait pour te débarrasser de tout? Donc en fait, pour que les chiens, quand même, à la fin, moi, elle traversait la pièce en pleine journée. Ouais, c'était chez elle, quoi. Malgré les chiens, quoi, ouais, voilà, elles étaient plus chez elle que chez moi, j'en avais une dizaine à la fin. Et j'avais été donc sur les forums, internet, tout ça. Donc on me proposait effectivement les plaques pour qu'elles se collent dessus. Les trucs qui collent, comme Romano disait, ouais, tout à l'heure. Ouais, la glu, là. Moi je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas laisser une souris souffrir comme ça pendant des heures. Mmh. Et au final, j'ai vu sur les forums que sur la naphtaline, fallait repousser. La naphtaline, mais qu'est-ce que c'est la naphtaline? La naphtaline, c'est les petites boules là pour les mythes. Ça sert aussi pour les mythes. Ouais. Ouais, c'est ce que tu mets dans des placards pour pas que les papillons mythes là ils bouffent tes. Exactement. Pareil. Voilà. Très bien. C'est ça. Et donc j'ai essayé, j'en ai mis un petit peu dans tous les coins où je voyais par où elle sortait. Donc elle sortait d'un trou de la cuisine, j'avais des poutres, donc elle sortait des poutres. Enfin, j'avais réussi à les repérer un petit peu. Mais tu sais combien t'en avais en tout ou pas? En tout, je sais pas parce que enfin je peux pas les reconnaître entre elles. Je savais pas. Pas qui était qui, mais dans la journée, je pouvais en voir à peu près 5 ou 6. Quoi. Ouais, après, tu sais pas si c'est les mêmes ou pas. Ouais. Oui, ah, voilà, mais t'étais envahi, quoi. Eh bien, je vais vous donner. Je pense que c'était l'immeuble entier qui était envahi, de toute façon. Une, méthode, comme... une méthode que t'as peut-être pas utilisée. Un immeuble sympa. Ah, voici la méthode de Sus de Bien. Bonjour à toi, Sus de Bien. Voici la méthode qui déchire. J'en ai déjà découpé en deux des souris avec une pelle. Oh, un petit coup de pelle. Oh là là. Ouais, mais faut être rapide, hein, parce que c'est vif, hein, c'est saloperie. Et là, tu filmes et tu finis en. Ah, moi, j'ai disséqué au bahut, mais. C'est déjà mort. Ah, ouais, disséqué des souris. Ah, toi aussi, ah oui. Bah, maintenant, c'est interdit, ouais. Bon, bah, donc, tu t'en es débarrassé au final. Donc, ouais, au final, enfin, comme je disais, elles ont dû partir dans les autres appartements de l'immeuble. Mais au moins, elles sont parties de chez moi et je renouvelais ça à peu près tous les mois parce qu'au bout d'un moment, bon, bah. Tu les as refilées. L'odeur, quoi. Tu les as refilées aux voisins. Ouais, c'est ça. Donc tous les mois, je remettais des petites boules et. Donc les petites boules de naphtaline, bon. C'est bien noté, voilà. Pour. Et sinon, moi j'ai mon idée avec la pelle, un message de Sus de Bien. Ouais, non. On va mieux éviter ce genre de choses. Bon, ben bah, c'est gentil d'avoir appelé, Maëlie. Mais avec plaisir. Bonne soirée à toi, Maëlie. Bah oui, à bientôt, Maëlie. Et tu reviens quand tu veux. Et attention, dans un instant, elle arrive, c'est Pamela. Je crois qu'on parle de moi. Mais oui, c'est bien toi. Et dans un instant, on va découvrir aussi une amie de la mère. En tout cas, tu nous parleras du problème qu'elle a eu. Si on peut l'avoir au téléphone, ce serait super, Marie. Ouais. Bon, le problème d'une amie de la Marie, je m'attends au pire. Attention, sortez la camisole. on aurait dû la prendre un jeudi, le jour sortez du problème du mois. Sortez les cachetons. Parce que les amis de la Marie, il faut s'accrocher. Elle avait un petit souci, oui, sexuel. Exactement. Ah, et on reparlera cannabis aussi dans un instant. Pamela, cannabis. La copine de la Marie à découvrir avant minuit. Et puis des gros mythos qui arrivent aussi. Ah ouais, si vous avez des amis mythos, restez bien dans le coin là. Ça peut vous concerner. Bougez pas, Radio Libre jusqu'à minuit sur Sky. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Première radio urbaine mondiale. Vous, les virtuoses de l'autoportrait, les spécialistes des moues boudeuses, les magiciens de la contre-plongée, vous, les pros du selfie, mais continuez comme ça. Sérieusement, ça peut vous sauver la vie. Se prendre en photo est l'une des meilleures façons de repérer l'apparition d'un mélanome. En collaboration avec l'Institut Gustave Roussy et le collectif Ensemble contre le mélanome, l'application iSkin vous aide à surveiller l'évolution de vos grains de beauté pour faciliter votre suivi dermatologique. iSkin n'établit pas de diagnostic et ne remplace pas l'avis d'un dermatologue. Disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est Jaja et Gina. Ouais, c'est Jaja et Ginaz. Le duo du moment présente, on se promet, leur premier album dans les bacs. Jaja, Ginaz, on se promet, Jaja et Ginaz dans les bacs. Caro est sur le point de sortir pour aller chez McDo. Il ne lui reste qu'à mettre ses chaussures. Ah, les bleus, c'est bien. Quoique les rouges, ça fait longtemps qu'elle les a pas mises, hein. Non, mais les bleus. Les bleus, c'est parfait. Ça va avec son jean. Ou alors les noirs. Ou bien carrément, on change de jean. Bref. Caro se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue vu que pour l'instant, elle s'habille. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Mais qui vous aime en secret? Un voisin? Un vieux copain? Caché au 71 777. Un gamin? Le bel inconnu du train? Envoyé caché CACHER au 71 777. Nos experts vous diront tout de vos amours cachés. Caché au 71 777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons arriver dans quelques instants sur votre lieu de vacances. Pour votre confort et votre sécurité, merci de rester sur l'application Yax et de continuer à délirer. Je répète, pour votre confort, restez sur l'application Yax et continuez à délirer. Toute l'équipe de ce train et le peuple de Yax vous souhaite d'agréables vacances. Yax, YAX. Full Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Oh, yeah. Look, I don't know how to talk to you.

Et Alexandre, lui, ça lui fait l'effet inverse. On a tous l'impression que ça calme à la Bob Marley. Pas du tout, lui. Moi, j'ai fumé une seule fois et ça m'a rendu vénère toute la journée. Non, mais ça dépend parce que quand tu vas à Amsterdam, il y a des. En France, tu dois en trouver. Hein. C'est que dans les coffee shops, tu sais, t'as des herbes qui te mettent down. Chacun sa spécialité. Down. Et des down. Herbes qui te mettent high. High. Ouais, t'as deux types de weed. T'as un Indica et le, je sais plus c'est comment. Donc ouais. Tu leur dis, je voudrais du high. Du high down. Ah, mais c'est marqué en fait. T'as le nom de la weed et en fait, derrière, t'as marqué les effets. Soit ça te speed, soit ça te ralentit. Il y a du middle. Il doit y avoir. Ouais. Et par exemple, si le matin tu te lèves et que tu vas fumer un joint, tu te colles un down dans la gueule. Tu te trompes, ouais, merde. Tu peux aller te recoucher. C'est pas bon. Et le high, en fait, il te speed et. Tu sais, ça va, t'as la pêche et bien. Mais c'est ça que t'as dû fumer quand t'as niqué, gros. Ouais, j'avais dû fumer de la high. High in the ass, quoi. C'est ça. Non, mais dans les weed, t'as Indica ou sinon l'autre, c'est Sativa. Qu'est-ce que tu racontes, le belge? Bah, c'est les deux styles de weed, en fait. T'as la speed. Les belges, ils te sortent des trucs, on s'en bat la race. Non, non, ça bat pas la race, gros. Tu parlais de ça, tête de con. Non, en fait, t'as l'Indica. Il y a Jess. Indica, là, Sativa. Il y a Jess. Jess qui nous envoie un message, lui l'effet que ça lui fait le shit, c'est une tarte dans ma gueule de la part de mon père. Ça ah aussi, bah ouais, ça peut marcher comme ça. Ouais. Et bam. Et Brice qui veut dire, qui nous demande comment ça s'appelle la clope électronique au pilon qui défonce. Indica. Brice. Laisse-moi Dida. Je sais pas comment elle s'appelle cette. Ah si si si, ça s'appelle putain, on en parlait. La clope électronique là. La wax. Là. Ouais ouais. Non. C'est pas ça, la wax c'est le produit que tu mets dedans. Ouais, mais c'est ça, non, qui demande. C'est le G-Pen, c'est la cigarette électronique qui va. G-Pen. Ouais, G-Pen. Non, mais en France. C'est un G-Pen, ouais, en fait, ça commence à arriver en fait. Non, c'est interdit, là, ils avaient passé un reportage là, sur la weed, là, il y a des mecs en France, ils arrivent à modifier les cigarettes électroniques que t'achètes dans le commerce. Ouais. Et en faire des joints électroniques, quoi. Ouais, mais c'est ça. Ce que alors, disais, ouais. Bob est mort à 36, apparemment. Ouais, 36 ans, c'est ça, ouais. Correction. M'envoyer un message pour me dire. 36. Ouais, c'est ça, 36. Ouais, 36. Eh ben, on va se faire un petit Bob avant minuit. Allez, je vous l'annonce. Exactement, on est ambiance Rastafari sur Skyrock. Yes, Babylone brûle. Alors attention, le cul qui brûle, c'est Pamela. Elle a toujours le feu au cul. Pamela, toujours. Tout de suite, l'heure de Pamela. Juste après, on parlera des mythos. Puis Marie, tu nous présenteras ta copine. Ouais. Encore une saglée. Oui. Et oui, encore une saglée. Bon, une bien aussi. Pamela, on y va. Elle est blonde ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Elle travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela, le moment le plus sensuel de l'émission. Et les meilleurs pervers de Pamela, cette semaine sur Skyrock, avant notre retour en direct lundi soir à 21h. Écoutez-la bien. Ah oui, c'est moi. Écoutez comme elle a une voix sensuelle. Ah ouais. Eh bien, pour votre plus grand plaisir, je suis là. Oui, et lui aussi, il est là. Écoutez-le, lui aussi, il est pas mal. Lécheur de chatte reçoit suceuse de gland. Voilà. 0608-35. Très bien, Gabi. Gabi, elle est vraie voix, lui. Super sensuelle, lécheur de chatte reçoit. Lécheur de chatte reçoit suceuse de gland. Oui, et bien Pamela s'est sentie interpellée. Ah, bah, ça fait rêver. On retrouve les meilleurs pervers toute cette semaine. En et direct. Attention, le voici, c'est parti. Direct, on file chez Gabi. Allô? Oui, allô, Gabi? Oui. Ça y est, tu es tout nu? Oui. Oui, toi? Moi aussi, je suis toute nue. T'es toute seule? Oui, ce soir, mon mari est parti en déplacement. Ah bon? Oui. Donc là, normalement, je suis tranquille. Il doit rentrer au milieu de la nuit. Ah ouais? Oui. Et toi, ta femme est couchée? Oui. Oui. Tu es en train de faire quoi, là? Je me passe la main entre les cuisses. Hein. Oui. Et toi? Moi aussi. Là, je suis en train de me caresser le genou. Mmh. Et je vais remonter petit à petit. Moi, j'ai envie de faire la même chose que toi, mais avec la langue. Oui, c'est-à-dire, tu as envie de me lécher le genou? Non, de le lécher à l'intérieur des cuisses. Hein. Oui. Y remonter tout doucement. Mmh. Oui, moi, tu sais, j'adore me faire lécher le genou. Bah, je peux commencer par les genoux, si tu veux. Ah oui, lèche-moi bien les genoux. Hein? Puis je remonte à l'intérieur des cuisses. Non, d'abord tu descends, j'adore qu'on me lèche les pieds. Ouais, les pieds? Tu aimes bien lécher les pieds, toi? Non, pas spécialement. Eh ben écoute, alors on va remonter au niveau des cuisses. Et les mollets, non plus? C'est un petit peu, mais j'aime mieux l'intérieur des cuisses et des fesses. Oui. Hein? J'ai les fesses toutes rondes. Ouais. Oui. Tu es grassouillette? Ah non, pas du tout, non, elles sont bien bombées. Bien bombées. Ouais. Tu aimes bien quoi comme dessous féminin, toi? Moi, j'aime pas les sous, j'aime bien les enlever. Ah. Tu aimerais que je mette quoi? Oh, tu sais ce que j'aime bien, hein? Non. Les cochons qui se promènent sans culotte. Ah, ça m'arrive des fois, quand il fait beau. Ouais, ben quand il veut faire beau, par exemple. Aujourd'hui, je me suis promené sans culotte. Ça, là... Oui, très. Ça dit bien la chatte, hein, ça. Oui. J'adore quand je me suis assis dans l'herbe. Et ça m'a chatouillé. Tu m'étonnes. Il y avait des fourmis, alors je me suis vite relevé. Il vaut mieux. Ouais. Ouais. Et toi, tu fais quoi, là? Je vous caresse un peu la queue. Hein. Et alors, elle est belle? Mmh, ça va. Ah. Bien, hein, hein, hein. Ah. Et bien, vous aussi. Ah. Ah ben, écoute... Moi, je suis en train de faire le grand écart sur mon lit. Hein? Ah. Gabi. Je remonte ma langue en sortie du lit, ça. Oui. Je regarde ta chatte. Hein. Oui. Elle me plaît, elle m'attire. Oui. T'as envie que je te dis que mon coup de langue dessus? Non. Non. Non? Non. Non, je n'ai pas envie. J'aime me faire désirer par les hommes. Alors, je caresse tes seins, alors. Non plus. Ah bon? Caresse-moi les genoux. Mmh. Ah, les genoux. Ah. Mmh. Genoux, alors. Tu aimes bien lécher les aisselles? Oui. T'es poilu en dessous des bras? Oui, oui. Ouais. L'hiver, je garde. Je garde. J'aime bien. Oui, tu aimes bien, toi aussi? J'aime bien sentir l'odeur et puis... T'es en dessous, hein. Et toi, tu es très poilu comme garçon? Moi, c'est, oui. Oui, tu as des poils dans le dos. Non, dans le dos, non, sur le torse. Ah, tu as une moquette. Sur le torse, sur les jambes. Tu sais que je te passe la main dans les poils du... Mm-hmm. Oui, dans les poils. Oui. Et j'aimerais que tu me lèches le coude. Gabi? Oui. Ça va? Oui. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, j'ai entendu du bruit à côté. Du bruit, c'est ta femme. Comment? C'est ta femme. Apparemment oui, hein, parce qu'il y a que nous dans l'appartement alors. Tu veux peut-être que aller vérifier? Allô? Oh. Allô? Alors, je crois que la femme est en train d'arriver. Allô? Eh oui, ça c'est. C'est terminé là. Je crois que l'histoire est finie. Effectivement, la femme est dans le secteur. T'imagines, Marie, t'es sa meuf. Ah ouais, c'est tu arrives normal. À ce moment-là, l'autre il discute avec Pamela au téléphone. Genre sur la table, tu sais, caché. Ouais. Le QLR. Nous sommes que tous les deux dans la maison. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh bien, voilà, Gabi, donc, le coup de fil de Gabi, les collecteurs de Pamela, demain soir, soyez là. On essaiera de s'en mettre deux demain parce que vous nous en avez tellement qu'on n'aura pas le temps d'en passer ils sont bons. Un seul par jour et de à tout le monde. Oui, double ration. Allez, double ration. Demain soir entre 21h et minuit. Oh, soyez là sur Skyrock. Et attention, voici tout de suite Max qu'on va prendre avec nous à Montpellier. Alors Max qui veut nous parler un petit peu de sa personnalité à lui. Mmh. Donc quelle personnalité là? Tiens d'ailleurs Romano, comment tu définirais je sais pas, par exemple en un mot ta personnalité? Radin? Extraordinaire. Non mais ton trait principal de ta personnalité, à part chauve bien sûr, hein. Oui, non, mais ça, c'est physique. On parle pas physique, pour une fois, oui. Parce qu'autrement, Cédric, je t'aurais pu te poser la même question, t'aurais répondu quoi? Bah, moi, je me trouve beau gosse. Oui, donc on parle pas physique. Oui, et puis ça nous évitera de dire des conneries. Ouais, c'est ça. Et on m'étonne pas. Et on m'étonne pas, en plus. Non, je dirais... Radin, non? Radin, mais quand même sympa. Radin et sympa. Tiens, on a le droit d'utiliser deux adjectifs. Cédric, tu utiliserais quoi comme adjectif pour toi? Moi, gentil et généreux. Gentil et généreux. Ouais, c'est vrai. Très bien. Donc ça, en fait, on peut prendre les trucs des deux côtés. Par exemple, gentil et généreux, tu peux le traduire par concon et pigeon. Bah non, pas concon. Gentil et généreux. Gentil, c'est gentil. Gentil, c'est gentil avec les gens. C'est bien, c'est vrai. À chaque fois, j'aide les gens quand ils sont dans le besoin, je les dépanne, quoi. Cédric. Pas forcément eux. Cédric, gentil, généreux. Samy. C'est gentil. Que sur la personnalité. Oui. Je dirais, un Marseillais. Non. C'est un Marseillais. Non, je dirais, simple et respectueux. Simplet et respectueux. Simplet et respectueux. Non, simple, tu vois, voilà. Marie. Putain, mais banal, j'ai aucune idée. Ouais, banal, quoi. Exactement. Ah, je croyais que tu disais banal pour moi. Non. J'allais me retourner, t'agresser, là. Moi, c'est en deux mots, alcoolique. Ah, non, que t'es con. Elle a, en deux mots, simplement. Non, mais alors, je sais pas. Alcoolique moi, et ivrogne. Non, mais moi, je suis gentille. Gentille. Non, je suis assez vivante. Oui. Je sais pas, en deux mots, c'est difficile, hein. Heureusement que t'es vivante, oui. Ça, c'est... Oui, non, mais quand je veux dire je suis vivante, c'est je rigole, je suis joyeuse dans la vie. Et toi, Max, alors, Max de Montpellier. Ouais, salut, Bandy Foul. Salut, Max. Salut, Max. Alors, ta personnalité, à quoi, comment tu l'as définie? À toi, comment tu l'as définie, toi, Max? Mythomane. Voilà, donc mythomane. Alors est-ce que c'est sympa. Le problème qu'on a avec les mythos à l'antenne, c'est qu'on sait jamais s'ils nous disent la vérité ou pas, parce qu'avec un mytho, il peut mentir même quand il est en direct avec nous. Ouais. Mythomane. Ouais, mais je vais pas me taper la fiche pour rien, ils ont tous mes potes pour ça. Alors mythomane, mais pourquoi mythomane? Tu mythonnes sur quoi, toi? Bah, je te par rapport aux meufs. Je absolument tout, mais je sais pas, j'arrive pas à me retenir. T'arrives pas à te retenir de mitonner. Par rapport aux meufs, toi, Cédric, tu mitonnes, hein, parfois. Bah ouais, ça arrive. Cédric s'était fait passer pour un gardien de parking qui s'appelait, c'était quoi ton prénom, tu t'appelais là? Bilel. Ah oui. Voilà, c'est Bilel, je suis gardien de parking. Voilà. Je travaille dans la sécurité. Non, mais ça m'est déjà arrivé. Je fais garde du corps. Non, tu vois, dans le parking d'en bas, là, des fois, quand qu'on finit l'émission, je tombe sur des meufs. Mmh. Et tu vois, comme je m'entends bien avec le mec du parking, ce que je lui fais au mec du parking, je dis que c'est des copines à moi, et les meufs, je leur fais genre que c'est moi qui gère le parking, quoi. Et alors? Donc là, les meufs, après, tu sais, genre, échanger de numéro de téléphone. Ça fait rêver, en tout cas. Bah, ils ont gratte du euro. Non, mais les meufs, tu vois, échanger de numéro de téléphone, déjà, là, on revient au sujet de Max, les mythos, là. Ouais. Pourquoi? Ah, parce que. Ah, ça m'est déjà arrivé. La pression, comme ça. Si, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Voilà. Tu en fais que les musiques 10 euros, elles sont gentilles, elles sont reconnaissantes, quoi. Elles font 10 euros? Bien sûr, elles se font sauter pour 10 euros. Ah, je les ai pas sautées. Elles lui font un prix de 10 euros, en fait. Non, je les ai pas sautées, mais juste, tu vois, genre, on a échangé nos numéros, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, après, il y a rien de plus, quoi, mais. Mais toi, tu mitonnes avec qui? Tu mitonnes avec les meufs, toi, Max? Non, pas forcément. Pas avec les meufs, avec les potes, tu leur racontes des trucs sur ta vie qui sont pas vrais? Ouais. Genre, ouais, quoi, tu te mets en valeur, genre, quoi, tu vois. J'ai dit à des potes que je venais de... Oh, vous savez que je suis en train de mourir. Oh, mais non, c'est pas vrai. Avec les mythos, c'est quand ils disent, le jour où ils te disent un truc vrai, t'y crois pas. Ouais, les mecs, ils vont rigoler encore. Oh, je suis en train de mourir. Mais non, c'est pas vrai. Allô? Allô? Ah, ouais, ça y est, c'était sérieux. Ah, bah, c'était sérieux. Mais je venais de Paris et tout, alors. Attends, je t'avais coupé. Vas-y, redis. C'était pour la blague, tu sais, genre. Allô, t'es mort? Oh, il est mort. Alors, oui, dis-nous, Max. Tu leur as dit que tu venais de Paris? Ouais, genre, des trucs comme ça. Ah, ça, Samy, il comprend pas, parce que c'est pas des... Pour lui, c'est pas... Quel est l'intérêt? Oui. Non, pour lui, aucun intérêt, c'est pas une fierté. Non, mais ouais, en plus, il y a aucun intérêt. Enfin, je sais pas, tu sais, à la rigueur, tu fais croire que t'as une meuf, tu fais croire des trucs, ouais, mais... Bah, je sais pas, mais Paris, ouais. je mytho pour absolument tout, je sais pas pourquoi. Mais c'est quoi, t'en as pas un autre exemple, parce que c'était un peu un exemple de merde. Là, j'avoue, là, t'as pas choisi le meilleur exemple. Par exemple, qu'est-ce que tu dis d'autre? Parce que ça, bon, à la limite, ouais, ça fait quoi? Ils s'en branlent la bite de savoir que tu viens de Paris. Ah, bah, ou... Ouais, j'ai mytho de absolument tout. Oui, mais donne un exemple précis, bordel de merde. Ça y est, là, en train de s'énerver. Non, mais oui, là, je m'énerve. mais donne un truc précis. Par exemple, tu dis à tes potes, je sais pas, moi, j'ai un hélicoptère dans mon garage ou un hélicoptère dans ton garage, Romano, mais c'est quand même. Non, mais mytho, moi, j'avais un mec qui nous racontait ça. On le disait, ouais. Il avait un hélicoptère dans son garage. C'est normal, dans sa salle de bain, même. On disait, c'est super, ta vie de merde. Bah ouais. Espèce de débile. On va eu avec l'hélicoptère ou pas? Non, mais c'était à l'internat. Le mec, c'était un gros ringard. De toute façon, il avait des lunettes fumées et tout. La Derrick, tu sais, les lunettes avec les verres marrons. La classe! Et le mec, il nous racontait des trucs, mais incroyable, quoi. On lui disait, mais nous, on se foutait de sa gueule, tu vois. On lui disait, ouais, c'est ça, ouais. J'ai un autre exemple aussi. Vas-y. Bah, par exemple, j'ai mis tôt que je sers pas de meuf, que genre, j'ai une voiture et tout. Enfin, parce que j'ai 16 ans et je peux avoir le permis accompagné. J'ai mis tôt que je vais passer avec des potes. Oui, mais si tes potes ils sont pas cons, ils savent très bien que le conduit t'accompagner, tu peux pas avoir ta voiture à toi, t'as quelqu'un qui t'accompagne comme son nom l'indique. Évidemment. Je le sais, moi, que ça a aucun intérêt, je le sais en plus. Ça sort juste comme ça. Bon, non, mais tes potes, ils y croient pas une seconde, quoi. Moi, je veux dire, je sais pas, un mec de 15 ans, il vient me voir, il me dit, ouais, j'ai une voiture. Ben, je lui fais, c'est bien, va jouer avec ta majorette. Hein. T'amuser avec ta majorette. Non, mais tu vois, à un moment donné, tu sais, c'est que toi-même, tu passes pour un con, quoi. Ouais, le problème des mythos, c'est ça. C'est clair, ça après, il y a des mythos, tu vois, il faut quand même que ça tienne un minimum la route pour que les gens, ils y croient, quoi. Bon, alors, les mythos, vous nous dites, 41 Sky, skyrock.fm, et puis 01 53 40 30 20. On revient avec toi, et puis on aura les témoignages sur les mythos. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Que tu t'arrêtes, Max? Ouais, genre, avoir des conseils pour m'arrêter. Si tu passes vraiment pour un con, à mon avis, tu vas t'arrêter à un moment ou à un autre. Il faudrait que tes potes, ils te disent. En à force de t'afficher, ouais. Ouais, voilà, qu'ils t'affichent un peu. Ouais. Là, non, mais eux, pour un peu, ça les fait rigoler, hein. Tu vois, ouais, t'es un peu le bon con du groupe, quoi. Qu'est-ce qu'il va nous raconter aujourd'hui? Non, mais des fois, ils me croient en plus. Ah, mais ils sont aussi bêtes que toi, alors. Non, monsieur, oui, c'est quand même incroyable. Non, le truc, peut-être qu'ils te font croire qu'ils croient, parce que moi, j'ai un pote à moi, c'est vrai, pareil, c'était un gros mytho, le mec qui te mentait sur tout et rien. Et moi, en fait, quand il mentait à moi, tu sais, ça me faisait pitié, tu vois, pour lui, ça me faisait mal au cœur. Mais je me suis aperçu qu'il y avait d'autres potes, en fait, qui se foutaient de sa gueule, mais en permanence, tu vois. C'est-à-dire, quand le mec, il arrivait, il disait, alors, quelle histoire il va encore nous raconter? Non, mais c'est vrai, mais c'est trop drôle, quoi. Le mec, tu dis, ah, attention. Ah okay. Ouais, t'es sûr? T'as un hélicoptère dans ton garage. Non, mais le mec, quoi, tu rentres et tu fais, ouais, non, tu, non, mais le mec, ton père, il le garde comment et tout? Ouais, et la piste, elle est où? Non, mais tu vois, et le mec, si vraiment il est à fond. Non, mais une fois, le mec, j'avais inventé un taf, genre, le mec, il bossait avec des mannequins. Ouais. Donc, tu sais, jusque-là, bon, tu dis le mec, tu fais un truc avec eux, tu vois. Mm-hmm. Et là, t'as le mec qui commence à te sortir, ouais, tu vois, j'ai fait des contrats pour. Il te sortait des noms de mannequins, mais genre des meufs, tu sais, genre, connus, tu vois, ou non connus. Mm-hmm. Et le mec, il te faisait genre, c'est lui qui gérait les contrats, quoi. Il te sortait des sommes d'argent, ouais. Des montants, et nous, on disait, ah ouais, d'accord, ok, quand même. Mais en fait, le mec, rien du tout, tu vois, parce que le mec, il. Peut-être, que, peut-être que c'est bien ton truc et que tu fais bien rigoler tes potes, en fait, Max. Allô. Voilà, oui. D'accord, très bien. On attend parce qu'il est en ligne avec Barack Obama qui l'appelle. Ah, très bien. Mais il revient. Oh ouais, j'ai on lui passe mondiale. Le coucou. Il revient, on lui passe le coucou, Cédric. D'ailleurs, je crois qu'il oh, merci. Il est même en ligne avec nous. Ok, ok. Hi. Ah, Barack. Hi. Voilà, salut au bac. Ah ouais, cool. Il est grand en plus. Ah, c'est quand même voilà, fou. Voilà, on a eu au bac Obama. Eh ouais, tu pourras dire qu'on a eu au bac Obama en ligne. Ouais, c'est bien, tu passeras pas pour un con. Et sur Skyrock. Mais pourquoi tu lèves la main, Marie? Non, je levais la main parce qu'en fait, j'ai pris l'apéro, comme vous pouvez l'entendre, avec une copine qui m'a demandé de soumettre son problème à l'antenne. Ah, donc, bah honneur aux filles. Une copine starbée. Juste encore. Après, alors, attention là. Non, c'est Grande Chatte. Oh ouais, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Oh non, de Dieu. Elle m'a dit que je pouvais dire que c'était elle. Donc oh voilà. là. Qu'est-ce qu'elle a comme problème, Grande Chatte? Non, mais c'est celle qui maquille des culs. C'est. Ouais, c'est elle. Oui, et qui vous a maquillé derrière. Oui, hein, je pense peut-être avec le même plumeau. Oui, c'est possible, oui. C'est. Non, en fait, elle a un souci parce qu'en fait, elle a rencontré un mec cet été. Bon, elle m'a un peu saoulée avec, machin, bon, bref. Oui, d'ailleurs, elle m'a saoulée tout court. Ah, ouais. Ouais, parce qu'elle le voyait pas. Pendant un mois et demi, elle a fait du chat avec lui pendant toute la journée. Tu vois, il s'appelait bonjour. Mais elle l'a rencontré en vrai ou elle a rencontré oui, elle l'a rencontré en vrai, en fait, en vacances. Oui. Et pendant un mois et demi, elle a juste chatté, mais super bien, apparemment. Hyper collé les deux et tout ça, donc elle a un peu tombé amoureuse. Mmh. Et là, il est revenu sur Paris, donc il y a pas très longtemps, ça fait 10 jours. Et en fait, en 10 jours, ils ont niqué 2 fois, alors qu'ils ont dormi, mais 7 jours ensemble, quoi. Ah. Et elle se demande où est le problème, elle ne comprend pas. Pourquoi elle il baisse dit, pas souvent? Je suis GC mal baisé. Et elle m'a dit qu'il avait un sexe un petit peu étroit et qu'elle pensait peut-être. Ah, il est tout petit. Bah, elle m'a dit que ça allait parce qu'il s'en servait bien. Il a un tout petit zizi. Bah non, ou il est peut-être asexué, il aime pas Ken. Non, ouais, peut-être qu'elle est dégueulasse. Ouais, ou peut-être qu'elle est dégueulasse à Walpole. Ouais. Non, elle est super jolie. Non, rien à voir. Peut-être qu'elle baise mal. La prochaine fois, Grande Chatte, si tu nous écoutes, la prochaine fois, mets-toi toute nue pour qu'on voit s'il y a un problème. Voilà, envoie des photos. Non, elle est super à poil, je vous le dis. Moi, j'ai déjà vu plus d'une fois. Peut-être qu'elle a des odeurs. Marie, non, même pas. Vous avez vu, les filles, elles sont marrantes. Comment, même pas? Elles se voient à poil. Romano, t'as déjà vu, oui. Je sais pas, membre de l'équipe, je prends un membre de l'équipe au hasard. Tiens, qui c'est que je pourrais prendre au hasard? Oui, Cédric, si tu veux. Cédric à poil. Ah, Dieu merci, non. Laura... T'aimerais. Nous sommes préservés. Non, pourquoi t'aimerais pas? Bah, parce que déjà habillé. C'est déjà pas brillant, alors à poil. Ah, Cédric. Ah, ouais, putain, il y a quelqu'un qui t'a vu c'est tout gentil, nu. Merci. Il y a quelqu'un qui t'a vu tout nu dans l'équipe. Ah, bah, il a de la chanson. Bah, si. Depuis ma vue, elle a baissé, gros. Bah, si, et Karim. Ma vue a baissé. Rappelle-toi quand il t'a vu dans la salle. Si, je t'ai vu à poil, tu prenais ta douche, là, la porte ouverte. Les portes des. La porte de la salle de bain quand il vient me battre. Mais pourquoi tu mens? C'est toi, tu prends des douches, tu laisses la porte ouverte, mon frère. Juib. Mais quel mytho. Et alors, comment tu l'as trouvé? Beau gosse. Ah, mort, ouais. Ah, total. Tu vois, tu vois. Moi, je t'ai déjà vu en slip, le mec. En slip. Ouais, tu laissais traîner ton trailer pas, t'avais laissé un appareil photo numérique à la part. Quoi, c'est bon. Ah, il y avait des photos toi en slip avec une meuf. Le salaud. Le mec en slibard quoi. Non mais c'est vrai gros. Mais la meuf elle était pas dégueu par contre, mais toi bah, c'était moyen. C'était moyen. Ouais, il y avait des photos. Gros. Mais normal, tu te prenais en photo dans le lit. Sauf que moi dans l'idée, j'ai vu ma grande chatte à poil sans slip plus d'une fois et qui a eu plein de mecs et qui était super excitée par elle, mais en fait elle se demande parce que là ils ont vraiment dormi genre 7 nuits d'affilée ensemble. Et ils ont baisé deux fois. Et ils font plein de câlins. Elle m'a dit, il est super câlin et tout. Ouais, ils bandent. Quand ils font des câlins, ils bandent. Pourquoi elle lui touche pas la bite? Et en fait, bah si, elle essaie de le toucher. En fait, il lui dit, ouais, je suis fatiguée et tout. Il l'a baisé genre trois fois en. Ouais, je pense qu'il aime pas trop. En fait. Il aime pas la baise peut-être. Donc, elle m'a dit tout à l'heure, à la parole, elle m'a dit, s'il te plaît, parle-en à l'émission parce que je ne comprends pas. Alors, si vous avez déjà été dans ce cas, vous pouvez nous laisser vos messages. Mais c'est une très belle nana. Hein. Alors, pourquoi Est-ce que. Genre, est-ce qu'elle boit régulièrement ta copine? Non, ça va, non. Parce que tu vois, moi, par exemple, quand je suis avec une meuf et que la meuf, genre, elle est chirée, qu'elle me chauffe, mais qu'elle est chirée, tu sais, ça peut, genre, un peu m'énerver, ça me dégoûte. Heureusement que tu sors pas avec Marie parce que tu baiserais jamais. C'est ça, mais exactement. Ouais, ça, c'est clair. Non, mais tu vois ce que je veux dire? T'as pas envie de profiter de la meuf et ça te saoule. Non, non, elle est calme, au contraire. Ok, ouais. Donc, c'est pas ça. Alors, Romano, t'en penses quoi, toi, cette histoire de grande chatte? Et puis, c'est une, apparemment, c'est une. Et de son mec à petite bise. Ah, bah ouais, ça a l'air d'être une bonne baiseuse. Oui, en tout cas, elle donne envie au mec. Elle a eu plein de mecs avant que je connais. Ouais, mais elle voudrait savoir d'où ça vient. C'est le mec qui a honte de sa petite bite, nous dit Dimitri là sur SMS. Et bah, c'est ce qu'on s'est dit. Bah, c'est ce que vous nous dites aussi. Ouais, mais en même temps, s'il lui a déjà sorti une fois ou deux, il y a plus de. Peut-être elle a rien dit, elle m'a dit que au contraire, il s'en servait bien, donc il y avait pas de souci. Peut-être que quand ils ont baisé ensemble, elle criait pas et donc le mec ça l'a vexé, il veut plus la baiser maintenant. Ah, pas mal. Oui, elle m'a dit aussi un autre détail qu'il avait. Message de Antonoir. Bonjour Antonoir. Qu'il l'avait léché pendant 30 minutes et qu'elle n'avait pas joui. Il l'a léché pendant 30 minutes et elle n'a pas joui. Et elle n'a pas joui. Elle casse les couilles. Peut-être... 30 minutes. Bah, putain, je l'ai léché 30 minutes. Mais il l'a léché tout court déjà. Ah, moi ça me saoulerait. Mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas joui et que peut-être ça l'avait bloqué. Ouais, je vous donne tous les détails. Non, mais peut-être que le mec il est vraiment fatigué, tu vois. Ouais, ou il baise ailleurs, il en peut plus le soir, tu vois, quand il rentre la meuf. Ouais, voilà, il a baisé toute la journée. Vidé, quoi. Attends, ça fait 10 jours qu'ils sont ensemble. Il fait quoi dans la vie? Eh ben, il est hardeur. Il a que son prénom. Il maquille son football. Il change de vie en ce moment. C'est une maquilleuse qui a déjà maquillé des acteurs de film X, des actrices de film X, et elle a maquillé des culs déjà. Oui, et vous aussi d'ailleurs. Elle nous a maquillé juste après. Étonnant, non? C'est sympa. Et ouais, surprenant. C'est pas les mêmes plumeaux. Bon, d'après vous, ça vient d'où? Ouais, ça vient d'où, voilà. Je voudrais avoir. Elle est trop velue, nous dit. Non. X-Man. Et Quentin qui nous dit, elle a des poils partout, peut-être. Ah non, pas du tout. Elle est. Non. Non, franchement, faites-moi confiance, elle est superbe niveau corps. Tiens, moi j'ai peur de faire ça avec ma meuf, par la taille de mon sexe. Oh, bah, c'est con. Il y a toutes les tailles. Après, c'est vrai, quand t'entends Marie, t'as l'impression que t'as une petite bite et t'es handicapé. Hein. Non, mais ça m'a pas gêné. Non, mais pour avoir une bite pas énorme. Romano, mais qu'est-ce qui t'arrive à ta petite bite? Eh ben. T'avais fait 12, t'avais dit? Ouais, bah, même pas, à peine. À peine. Bah oui. Non, mais bon. En tout cas, non, mais pour le truc de la bite, moi, je pense pas que ça soit ça, parce qu'à la limite, tu stresses pour la première fois. Ouais, c'est ça, voilà. Mais après, une fois que tu l'as niqué une fois, bon, t'en bats les couilles, quoi. Ouais, et puis apparemment, la première fois, ça a été génialissime. Mais il se montre bien à poil devant elle, ou alors il est toujours avec son. Ah, je vais pas demander ça. Il est toujours avec son boxeur. Ah, c'est pas con, ouais. Parce que s'il est toujours avec son boxeur, s'il dort avec son boxeur. Ah, c'est vrai, j'ai pas demandé. Mais elle m'a dit qu'elle était longue et pas très épaisse. Elle est longue quand même. Ouais. Le truc, c'est une tige. un spaghetti entre les pattes, quoi. Une paille. Ouais. Non, mais elle m'a dit ça. Elle m'a dit c'est long, pas très épais, mais il s'en sert hyper bien. Et elle a joui la première fois. Enfin, ils ont eu un super feeling. Lui a pas pensé la même chose. Hein. Ouais. Ah, c'est bizarre. Hein. Il est peut-être gay, nous dit Arthur. Même chose pour Yoshi. Il est peut-être gay. Elle est un peu relou, la meuf, non? Elle veut baiser tout le temps. Message de Loudès. Bah, ça va pas ou quoi? Attends, de haute zone. 10 jours que t'es avec quelqu'un, t'as envie de faire l'amour tout le temps, non? Après, peut-être le mec, il est vraiment fatigué. Il a des soucis et tout. Ouais, peut-être que le mec. Il a des soucis, enfin, quand même. Ah, ben ouais, mais bon. Petit message de Belage. C'est bien de nous envoyer ce message, Belage, parce que c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Belage, 27 ans, qui nous dit, je suis précoce, je fais pareil par peur de décevoir. Ouais. Tu es précoce, en fait. Ah, c'est peut-être ça, parce que moi, j'ai soulevé ce truc, mais. T'as soulevé quoi? Bah, justement, je lui dis peut-être qu'il a peur, justement, de me décevoir et tout ça, de mal faire. Il est précoce? Du coup, Non. Ah, mais tu, Marie, tu dis tout et son contraire, puisqu'il y a deux minutes, tu nous dis que le mec, il l'a trop bien niqué et tout ça, donc non, il est pas précoce. Mais lui, non, le sait, lui suite, c'est peut-être pas. Suite, vu qu'il a léché pendant 30 minutes, que c'est pas venu, peut-être il se dit, ouais, je suis foireux, tu vois. Je me suis mal exprimé, oui, c'est ça. Non, mais il a réussi à finir ou pas? Oui, il a fini, mais là, par exemple, hier soir, il a pas fini. Ils ont niqué parce que. Oui, donc il est pas précoce, c'est tout le contraire. Ah ouais, le mec gicle pas, en fait, ils se sont couchés hier soir, ils se sont mis dans les bras et tout ça, ils étaient fatigués, ils sont à moitié embrouillés, et ce matin, parce qu'il était un petit peu. Ça commence bien l'histoire. Il était un petit peu obligé, donc du coup, il a niqué, et puis d'un coup il a enlevé la capote sans finir, et puis il l'a repris dans ses bras et salut quoi. Ah, peut-être ça le saoule de mettre les capotes, et genre ça le saoule, donc du coup il préfère même pas niquer qu'avoir une capote, tu vois. Ah oh, ouais, je comprends. Ouais, mais si. Ce serait con quoi. Ouais, mais je sais pas, c'est possible. Alors. Enfin, je sais pas, ouais, on cherche. Fibra du 69, il est tétanisé, justement parce qu'elle est trop jolie. Ah, est-ce qu'il est beau, lui, nous demande Fibra. Ouais, très beau gosse. Il est très beau gosse. Ouais. Elle est peut-être Fontaine, ça l'a peut-être décrit. Non, elle est pas Fontaine. Elle est pas Fontaine. Non, elle est pas Fontaine. Elle a peut-être une trop grande chatte pour sa trop petite bite. Non, grande chatte. Tout va bien. Non, c'est pas non, ça. Non, tout plus. Va bien, si, voilà. Et pourquoi elle lui demande pas, elle-même, ne demande pas Trick de Sky. Ouais. Bah, il lui a dit, justement, cherche-moi. Mais elle m'a dit, j'ai pas envie de déclencher l'envie d'un mec, alors ouais, que normalement, tu vois. Écoute, elle sera paniquée, puis c'est tout. Bah, voilà. Et pourquoi elle s'assied pas sur lui quand elle a envie de. Bah, c'est ce que je lui ai dit. Ah, tu lui as dit ça? Je lui ai dit, bah, vas-y. Elle m'a dit, ouais, ça me fait chier pour déclencher une envie. Vas-y, et mais je comprends dessus, en même temps. Hein. Cédric, t'as pas envie de la niquer, toi? Ah non. Elle est mignonne, grande chatte. Hein? Gros. Attends, grande chatte, attends, elle est super belle, grande alors. Chatte. Mais pas pour me poser avec elle, quoi, juste pour un plan cul. Ouais, mais bah, tu l'as dit. Ouais, mais elle voudrait pas. Ah, mais dommage, avec Cédric, elle voudrait pas. Bah, vous devez se faire déglinguer sévère. Ah, mais je lui mets, t'inquiète. Ah, la grande chatte. Tu lui mets bien sa race, quoi. Ah, je la retourne. La pauvre grande chatte. Ah, je la prends à quatre pattes, je la retourne, frère. Eh oh, tu vas te détendre avec ma grande chatte. Le romantisme versus Cédric. Casser pas derrière. Ah, mais celle-là, elle est un petit peu bonne, quand même. Qu'il est romantique, Cédric. Elle écoute là. Romantique. Ah si, ça va, elle est bonne quand même. Ça va, Julie. Ah, il l'a vu. Ouais, ça va. Tu l'as vu? Ouais, je la retrousse. Quand oh, elle veut, tu ouais, elle est magnifique. Vous êtes, vous savez pas parler aux filles, les gars. Là. Bon, il y a Samir qui voulait réagir par rapport à Marie. Ben tiens, Samir. Allô. Mets-le à l'antenne, Romano. Allô, oui. Samir. Samir. Salut, Samir. Ouais, Samir. Comment vas-tu? Bonjour, l'équipe. Ça va, ça va. Salut. Bienvenue dans le temple du romantisme. On remercie Cédric et ouais, Karim. Ouais. Les deux. Qu'est-ce que t'en penses de cette histoire, Samir? Bah moi, ce que j'en pense, c'est que ça me fait plaisir qu'il y ait ce sujet qui a été balancé, puisque c'est un peu mon cas. Ouais. Ah. Et en fait, on va pas se voiler la face. Ça vient d'où? Je pense que le mec, il est comme moi. Ça veut dire que c'est un éjaculateur précoce. Ah ouais. Le pareil. Le fait de savoir qu'il va cracher en deux secondes, donc. Ah, tu crois? Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il l'a léché. Rien faire du tout. Non, c'est peut-être pour ça qu'il l'a léché pendant une demi-heure d'ailleurs. Non, mais exactement. C'est pas con, c'est possible. Exactement. Et ouais. Ouais, mais attends, et moi-même, j'en suis sûr, il s'est craché dessus et voilà, il avait plus envie de plus rien faire, donc. Toi, ça t'est déjà arrivé, toi? Franchement, ouais. C'est relou, hein. Mais tu l'as planqué parce que t'avais un préso, donc t'as planqué le fait que t'avais craché. Moi ça m'est arrivé, je l'ai planqué, j'ai fait style comme quoi que j'avais besoin d'un Doliprane parce que j'avais un mal de tête. Et puis après je pouvais. Il a fait la même? Ce matin, il a fait la même, il a dit j'ai mal à la tête. Et... C'est pas moi, je te jure, c'est pas moi la Marie. Je sais. Le grand chat m'a dit je lui ai foutu des Doliprane et j'étais avec mon mec à l'apéro. Il dit t'aurais dû foutre des Viagra dans les Doliprane. C'est vrai, ouais. Comme ça, c'est clair. Non, mais voilà, malheureusement, t'as un problème. Je sais pas si t'as soigné ou pas, mais faut faire quelque chose. Quoi. Bah, logiquement, ouais, il doit. Enfin, Cédric, t'as... Bah Cédric, le pauvre homme, il a pas de solution. Hein. Mais t'es... Ouais. J'allais te demander. Bah, t'es câlin à côté de ça, Cédric. Comme ouais, moi je suis câlin, moi. T'es câlin. Ouais. Je la prends dans mes bras, ta copine. Non, mais tu laisses tranquille. Je la prends sévère, après je la prends dans mes bras. Je la prends tout court, ouais. Je lui fais des petites caresses. Je la prends à quatre pattes. Je m'occupe d'elle bien, t'inquiète. Je la déglingue. Mais t'as jamais réussi à tenir longtemps avec une fille? C'est quoi ton plus longtemps pour toi, Samir? Franchement, bon, c'est compliqué, puisque c'est même pas longtemps, je les compte en coups, en fait. Ah ouais. Au bout de 10 coups, ça y est, j'ai déjà envie de cracher, je suis déjà à bout, quoi. Ah ouais, 10 allers-retours et. 10 allers-retours et voilà, quoi, je suis au bout de la vie. Ah ouais, putain, ouais, c'est pas et énorme. T'as pas essayé les capotes retardantes? Alors, j'ai essayé toutes les capotes. Mmh. Honnêtement, je les ai toutes faites. Et bon, je sais pas si je peux citer la marque. Vas-y. Tu sais, les skinny, là. Ouais. Les skinny, il y a que ceux-là avec qui ça. Les super fines, en fait. Ouais. Exactement. Il y a des pubs en ce moment. Ouais, exact. Ouais. Et ben il y a que ceux-là avec qui j'arrive à tenir un peu plus longtemps. Ah, c'est des skinny super fines et il y a un produit dessus qui te fait. Enfin, dedans, ouais, du coup. Ouais, il y a un produit en fait. Ça t'anesthésie le gland. C'est des petits trucs qui font que ça me fait ralentir, quoi. Et alors, combien de temps t'as gagné? Ah, j'ai gagné pas mal. Je pourrais pas te dire comme ça, mais en tout cas, j'ai. Mais personnellement, ma performance a augmenté. Ouais, Marie, si tu veux. Si tu veux, il peut te montrer combien de petites démos. Non, ouais. Ça va, je te remercie, j'ai pas de problème. On est en contact avec Samir. Non, mais c'est possible que ce soit ça, ouais, c'est vrai. Après ce que tu racontes, le coût du cachet, tout ça, etc. Sérieux, le mec, faut qu'il se dise. Après, moi, j'en ai parlé, hein, puisque moi, aujourd'hui, je suis en couple et tout, j'en ai parlé. Je lui ai dit que voilà, je souffrais de ça et que c'était pas de ma faute et que c'était peut-être une maladie. Et ma copine a été conciliante, donc maintenant il n'y a plus de préliminaire, il n'y a plus rien, c'est on va directement droit au but. Bim, à sec. Est-ce que est-ce que ça t'arrive aussi quand tu te fais sucer par exemple, ça vient aussi très vite quand tu te fais sucer? Ouais. Ah ouais, toi ça vient vite tout le temps en fait. Ah non, mais moi je suis tout le temps, je suis Speedy Gonzalez limite. Quoi. Et sinon, si tu jouis un coup, le coup d'après c'est plus long quand même. Même pas, non, c'est. En plus, je peux me régénérer très rapidement. Bah heureusement, ouais, heureusement. Ça, c'est non, plutôt... mais vraiment, c'est... j'en souffre. Mais t'es relou, je peux pas vraiment prendre mon pied, quoi. Quand t'arrives pour. T'es déjà tombé sur une meuf, genre quand t'arrives pour la ken, tu craches vite, elle se fout de ta gueule. Ah, c'est arrivé à Karim, ça. Non, non, jamais, non, je me demandais. Non, ouais, ça m'est arrivé. Tu racontais tellement en... bien. En plus, c'était en boîte échangiste, en plus, ça m'est arrivé. J'imagine de dire. Ah, t'es un cochon, toi. Ah, ouais. T'es un gros cochon, moi, j'assume. C'est un cochon, Samir. Je suis un gros cochon. Et... c'est sympa. Bon, bah, j'espère que c'est ça. C'est tout dans la tête, les éjaculateurs précoces, nous dit Mick du 38-530. Salut à toi, Mick. C'est quoi la marque? Ouais, dans la tête, mais je prends des Doliprane, tout ça, ça marche pas. C'est dans la bite. La marque des préservatifs, il y en a qui ont a priori le même problème. C'est ça. Voilà, et c'est Skinny. C'est Skinny, voilà la marque. Mais c'est quoi? C'est Durex, c'est machin, ou c'est Skinny la vraie marque, c'est ça? Ouais, je sais même pas, je vois vraiment la boîte, il y a écrit Skinny. C'est Skinny. En fait, j'ai pris tellement de boîtes que je peux faire une collection. Ah ouais, t'as testé toutes les capotes. Testeur de capotes. Je vais appeler GC, je pense. Comme ça, va nous dire. GC, c'est Grande Chatte. Ouais. Et tu lui diras aussi un message pour la rassurer. Le message de Sacha Poc de l'Essonne qui nous dit peut-être qu'il a une maladie. Et qu'il veut pas lui la transmettre. Super contente. Non, mais je vais vous la passer. C'est sympa. Voilà un message sympa comme tout. Bon, ben, j'espère qu'on aura bien aidé Grande Chatte. On lui fait une bise. Dis full. Et puis merci Samir. Ouais, vas-y Samir. Je dois le raccrocher en fait. Il y a les flics qui viennent de me serrer. Donc, faut que je raccroche. Bon, raccroche. On te rappellera pour t'envoyer le t-shirt Skyrock. Ah oui, ça c'est con ça. Salut. Bon courage avec la police. Hein. C'est en direct. Ah merde. Je te fais un mot si tu veux. Tu leur dis. Salut Samir. Bah merde alors, Samir. Pas de chance. Bon. Tu portes la poisse toi. T'es avec Cédric au téléphone. Les keufs. Samir, les keufs. C'est de ma faute, tu crois? Bah ouais, je pense possible. Que c'est possible. Ah ouais, c'est possible. C'est fort possible. Ah ouais. Si vous voulez donc tester la garde à vue ce soir, appelez-nous en direct. Parlez-moi et tout est possible. Ouais, ça arrive. Et dans un instant, le retour de Max le mytho et j'espère qu'on aura ta Grande Chatte en ligne, ça serait sympa. Ouais, Marie. Ouais, bah j'essaie de la joindre. Très bien, on aura peut-être Grande Chatte en ligne et mais je crois qu'elle est bourrée aussi. C'est possible oui, bah aussi. Oui. Et un son de Bob Marley qu'on avait promis. Allez, un petit Bob tout de suite sur Skyrock. Ah. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. Power 106. La radio rap et R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Première radio urbaine mondiale. C'est la folie des barbecues cet été sur Skyrock avec Géant Casino. Toi aussi, mets-toi en mode Brésil et envoie tes plus belles photos de soirée et de barbecue géant avec le hashtag Géant Brésil. Et gagne ton voyage au Brésil. Dès maintenant, poste ta photo sur Twitter et Instagram avec le hashtag Géant Brésil pour participer. Ton futur voyage au Brésil, c'est maintenant avec les magasins Géant Casino. Tu veux rencontrer le mec de tes rêves? C'est facile, tu peux te mettre au sport... changer de style vestimentaire, sortir tous les soirs en boîte et faire des séances de bronzage. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des mecs cool près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Samuel se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant, il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante. On dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi, 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là, il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. 21h, minuit. Radio Libre sur Skyrock. Who has hurt all mankind? Just Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, on aura Grande Chatte, la copine de Marie, comme promis, au téléphone. Elle sera là. Ah, avec tous ses problèmes sexuels, son mec à petite bite qui la baisse jamais, c'est enfin ça. La totale. Voilà, grande réussite sa vie sexuelle. La pauvre. Grande Chatte, on va l'aider parce que bon, nous aussi, quand on a des trucs qui vont pas, on vous en parle. Exactement. Merci Marie, nous avons fait partager la, vie, la détresse sexuelle de ta de Grande Chatte. La pauvre. Bon, et puis on est aussi sur les mythos. Et bah tiens, justement, on parle des mythos. On va en reparler tout de suite parce qu'il y a eu plein de réactions que vous nous avez laissées. On a eu Max au téléphone avec nous. Max qui est un mytho. Ouais. Et un sacré, a priori. Il y a plein de messages. Par exemple, on nous dit faut parler car ça cache une détresse quand on est mytho. Non, mais souvent, quand les mythos, c'est pour se mettre en valeur. Ouais, parce qu'ils s'assument pas. Ouais, ils trouvent leur vie pourrie et pour améliorer, ils racontent n'importe quoi. Oh, bah, non, quand t'as dragué la belle, comment s'appelait-elle, la Marseillaise, magnifique, la Mammouta, je crois. C'est ça. Mm-hmm. Ouais, ouais. Quand tu l'as draguée, t'as mitonné un peu sur ton physique et tout le reste, non? Tu l'as dit, t'étais chauve. Bah, c'est surtout elle qui a mitonné sur le sien. Hein. Si tu veux, je m'attendais pas à ça quand je l'ai vue, quoi. Ouais, parce que Max, tu mitonnes, mais il y a parfois des mythos qu'on fait, je sais pas, quand vous vous décrivez, vous avez pas insisté sur un de vos défaut. Cédric, si tu te décris, comment tu te décris? Moi, beau gosse, 1m78, les cheveux bruns. Tu parles pas de ton poids. Les yeux marron clair. Tu parles pas de tes quatre mentons. Bah non, je vais pas parler de tes yeux qui sortent de tes cheveux gras. Et si elle te dit la meuf dans le dos, si elle, te dit ta meuf, la meuf, quel est c'est ton poids, c'est combien? Tu lui dis mon quoi? Bah, je dis 80 kilos, 78, ça dépend. Ouais, ce qui est pas vrai puisque tu fais quand même 6 à 8 kilos de plus. Bah ouais, mais attends. Et oui. Donc ouais, moi l'erreur que j'ai fait avec Mammouta, c'est que je n'avais pas demandé son poids. Ou elle a oublié de le dire. Non mais c'est après quoi, tu t'es plus fait avoir. Hein? Après tu t'es plus non fait mais avoir. En même temps après j'ai arrêté ce type de rencontre. Ah oui d'accord. Okay. Si tu veux ce genre de rencontre ça te vaccine mais à vie quoi. Moi je m'étonne constamment à des profs quand je leur amène pas les devoirs qu'ils ont demandé la veille, je leur raconte que mon chat est mort, que j'ai quelqu'un de malade dans la famille. Oh, quelle horreur. Quelqu'un de malade dans la famille, c'est Big Section là qui nous laisse le message sur le 41 Sky. Non, en plus ça porte la poisse ce genre de truc là quand tu racontes des seuls... Ah moi j'ai ouais des maladies ça, tout ça. Ah ouais, j'aime pas moi. Tu dirais jamais ton chien est mort Romano pour justifier je sais pas quoi. Bah ça dépend qu'est-ce qu'il faut. Bon, non, de manière générale, je vais répondre non. D'accord. Après, vraiment, non, mais tu vas répondre. Non, mais bon, si vraiment c'est un cas de force majeure, bon, voilà, il faut dire un truc. Oh, mais ça porte la poisse. Ouais, mais je préfère dire un sac, ma meuf, quoi. Ah oui, non, mais ça. Oula, elle va t'en vouloir, ta meuf. Non, mais d'accord, mais bon. Limite, elle va t'en vouloir. Non, mais c'est. Moi, je te dis, c'est vraiment cas extrême de force. Cas extrême force majeure. D'accord. Donc, toi, Max, c'est un petit peu tous les jours, hein, toi, les mythos. Oui, toi, il n'y a pas de force majeure, toi aussi. Exactement. J'ai horreur des mythos, j'ai envie de les taper. Il y a Analogue, il veut te foutre une pêche dans la gueule, regarde. Analogue, j'ai envie de les taper, j'ai envie de les tuer, de leur chier sur le torse, de les lapider à coups de pierre du Bengale. Ah, oui. Merci, Analogue des Bouches du Rhône. Très énervé, oui. Tu es énervé. Analogue, t'as vu? Un gars du sud, bouge du Rhône. Non, mais après, le problème, c'est que, tu sais, moi, je vois le mec qui racontait avec son hélico dans le garage, là. C'est cool. C'est le mec. Ah, oui. Excuse-moi, Romano. Non, mais vas-y, je t'en prie, coupe-moi donc la parole. Qu'est-ce qui se passe? Ton hélicoptère vient d'arriver dans le garage, c'est ça? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le mec, on le prenait plus du tout au sérieux. Les seules fois où on parlait avec lui, c'était pour se foutre de sa gueule. Quoi. Zappe, après, c'est-à-dire que le mec, on faisait une soirée, on l'invitait pas forcément, quoi. Il faisait pas partie du groupe d'amis, quoi. Ouais. Voilà, mais le problème, si tu parles avec quelqu'un, je sais pas, comme si je parlais avec Cédric et que je savais pertinemment qu'il me racontait que des conneries, tu vois. Bon là, j'ai fait l'amour avec une meuf et je l'ai pas payé. Gratuit, hein. Non, mais tu vois, il me raconterait des trucs qu'on n'y que ni tête. Genre, ouais, ce week-end, j'étais sur la lune. Tu vois, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux? Ouais, tu le prends pour un dingue, limite. Ouais, c'était pas mal, là. Mais le mec, tu lui parles plus, quoi. Tu peux me ramener un souvenir? Ouais, ou alors, si t'as envie de te foutre de sa gueule et de rigoler un peu. Hein, ramène-moi une photo. À la prochaine fois, emmène-moi. Bon, après, il y a plusieurs styles de mytho. Turquie 56. Moi, je suis pas mytho, mais j'en mixe des histoires. Il y a Babas Bastien, là, qui est comme toi. Il est, comme, je suis pareil que toi, il nous dit. Théo, qui est un ami mythomane. Tout le monde la déteste. J'ai envie de créer une page Facebook pour que tout le monde lui foute des abattages. En rejoignant la page, ça sent que son père est flic. Bonne idée ou pas? Non. Non. Non, mauvaise idée. Non. Déjà, de manière générale, mauvaise idée. Ouais. Mais puis, si c'est le daron ou les keufs, encore moins. Prends pas le risque, quoi. Bon, j'avais un moniteur de l'école qui disait qu'il était le cousin de Yannick Noah. Ah, il était blanc comme un cul et c'est le parrain des fils à Zidane. Mais Noah, il est mix, hein. Sa maman est blanche. Oui, elle est décédée il y a quelques mois. Et le papa, Joachim Noah, pareil. Ouais. Comme Joachim. Ouais. Je connais un bisou, il me disait qu'il avait une Porsche alors que ses parents étaient pauvres. Rémi Briand. Ouais, maintenant, ce genre de truc, ça veut dire qu'il vit mal le fait d'avoir moins d'argent que les autres et qu'il culpabilise et donc il raconte des mythos. Il assume pas, en fait, se mettre en valeur. Quand on, ouais, ah, c'est ça, ouais. Tu dis, il aime pas sa vie de merde et il essaie de se mettre en avant, quoi. Hugo, pour témoigner sur les mythos. Salut. Ouais, salut. Comment ça va, Hugo? Ah, ça va, tranquille et vous? Salut, Hugo. Ça va. T'es un mytho, toi, ou tu connais des mythos, toi, Hugo? Ah, j'en connais un gros, ouais. T'en connais un gros, qui c'est? C'est un mec, je peux pas dire son prénom, parce qu'après, ça craint. C'est qui? C'est un pote à toi? C'est ton frère? C'est quelqu'un de la famille? C'est un pote que je joue au foot avec lui. D'accord. Pote du foot. Et il nous a sorti, genre, il avait une Ferrari dans son garage alors qu'il habite dans un petit immeuble pourri. Ouais, donc on n'est pas loin de l'hélicoptère de tout à l'heure. Là, on est sur la Ferrari maintenant dans le garage. Il avait un bagnole, c'est quand même un peu plus crédible qu'un hélico, quand même. Dans le, oui, dans l'échelle de la mythomanie. Ouais, c'est clair. Un requin dans sa baignoire aussi. Ah, là, on est pas mal. Oui, là, on est au niveau de l'hélico dans le garage. Effectivement, là, on remonte. Mais bien sûr. Je vous prends vraiment pour un con. Il nous a dit, je vais vous ramener des photos et tout. Et le lendemain, il y a un pote, il lui a ramené une petite Ferrari en plastoc. Il lui a dit, je te l'ai volé. C'est pas trop jaloux et tout. Et après, le mec, il a commencé à chialer dans la cour. Non, mais Ferrari, le mec est con, parce que moi, il y a un pote qui me dit, j'ai une Ferrari, et je dis, ouais, faut me la montrer. Hein. Ouais, ah, t'as envie de la voir. Ouais. Rien que pour voir la Ferrari, déjà. Il est pas crédible, en fait, du foot, il se trimballe en kit stade Décathlon à 8€. Après, le mec, il nous sort, il a une Ferrari. Ouais. Surtout, le meilleur coup, c'est quand même le requin dans la baignoire. Non, mais là, c'est phénoménal. Bah, un requin en plastique, c'est possible, hein. Moi, quand j'étais gosse, j'avais un poisson en plastique. Oui, voilà. Ouais. Oui, canard. Et un petit canard aussi. C'était de ça qu'il a voulu dire. Voilà. Le mec, il a quand même une pauvre vie. Il joue sur les mots un peu. C'est terrible. Surtout que c'est con, ça t'apporte pas grand chose de dire que t'as un requin dans la baignoire. Si, passer pour un con. Voilà, à part de passer pour un con, oui. Oh, gros mytho, là. Rémi sur SMS qui dit, moi, j'ai trouvé un taf en disant que j'avais eu mon bac et que j'avais eu des examens derrière. Ils me les ont pas demandé. Tu nous as pas dit quel était le taf que tu fais. Et depuis 2 ans, pas de problème. Bravo pour le mytho, un grand bip bip pour toi. Bravo. Bravo Rémi. Pareil pour le bac. Tu sais, il y avait des gens que je connaissais et moi c'était marqué dans le journal les résultats du bac. Et moi j'avais dit, ouais, ils m'ont oublié, quoi. Tu sais, parce que j'avais trop honte de dire que je l'avais raté et j'avais dit, on avait fait, oh, t'as pas vu dans le journal. Je suis, mais j'ai oublié des noms cette année, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Ah bah, surtout le tien. Non, mais j'ai dit, ouais, on est quelques-uns dans la classe, je sais pas, ils nous ont oubliés, quoi. Ouais, ouais, mais tu l'as eu, j'étais là, ouais, je l'ai eu, hein. On te justèche, mais je l'ai eu, hein. C'est un manque de confiance en soi quand on est mytho comme ça. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Bah c'est sûr, c'est évident. Certain. Il faut qu'il comprenne que ses potes l'apprécient pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il a. Après, ça va parfois trop loin, les mythos. C'est le message de Esthète de Savoie. Et puis du coup, t'as plus de potes parce que t'arrêtes pas de mentir à tout le monde. Donc Ouais, ou alors c'est rigolo, hein. Putain, alors ta Ferrari, elle roule bien ces temps-ci. Non, mais ouais, c'est comme dans le dîner du con, t'es le con, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les gens, ils viennent te parler, mais pour se foutre de ta gueule. Ouais. Alors, c'est sympa. Qu'est-ce que t'as fait pour le démythoifier, toi, Hugo? Mais aussi, il nous avait dit qu'en fait, tu vois, il est blanc comme un cul et son cousin, c'est Diarra du Real Madrid, vous avez dit. Ah ouais. D'accord. Ah, tout à l'heure, on a Yannick Noah, maintenant là, on a Diarra du Real. Pas mal. Mais on avait eu des faux cousins de Benzema aussi qui nous avaient appelés. Il y en a qui se font passer aussi pour les cousins de Ronaldo. À Marseille, il y a tout le monde qui est le cousin de Zidane, tu sais. C'est vrai. Comme Zidane et Marseille, mais. Sais que c'est vrai, je suis le cousin de Zizou. C'est vrai, tous les jours, tu rencontres un mec qui te dit, ouais, je suis le cousin éloigné de Zidane. C'est moi. Ouais, bien sûr. Un cousin de Zidane. Normal, tu sais. Déjà, dans ma rue, il y a au moins 2 garages qui s'appellent genre Zidane Garage, tu vois. Les mecs, ils ont pris ce nom parce que ça fait bien, genre, d'être le garage de Zidane, genre. Le garage de Zidane. Zidane Garage, n'importe quoi. Il y a des sacrés cassos, on nous dit là sur SMS. C'est Algérie qui nous laisse le message, 18 ans. Oui, c'est un manque de confiance en soi, les mythos, c'est vrai. On en avait déjà parlé dans l'émission. Hein. Moi, j'ai mes meilleurs potes qui sont des gros mythos, ça me saoule vraiment. Bon, faut leur dire. Non, Hugo? Bah oui. Ouais, parce que c'est ce qu'on a fait. Hein. J'ai dit à 5 potes, venez, on va le voir, on va lui expliquer qu'il ira pas loin dans sa vie. S'il continue comme ça, et on lui a dit clairement. Carrément. On n'a pas cherché à comprendre, on lui a dit... Arrête de mitonner, on t'a grillé maintenant. Si tu continues comme ça, tu grandiras pas et tu réussiras à rien. À et il part, a compris, lui Le jour d'après, il a fait OK, ouais, je comprends, et il a arrêté. Ah, vous tombez bien, les gars. Mon père a acheté une baleine pour mettre dans la baignoire. Ouais, parce que le requin, il était trop petit. J'ai d'aller loin, en fait. Ah non, si, je vous jure. Voilà. C'est vrai que le requin dans la baignoire. Le requin dans la baignoire, pourquoi pas une baleine? Pourquoi pas. Franchement, il y a un mec au rugby, il disait que sa grand-mère était morte, mais à la fin de l'année, ça faisait 5 fois qu'elle était morte, sa grand-mère. Ah bah dis donc. Ça, c'est des. Ça, c'est des sales mythos, quand même. Ouais, je peux pas, ouais, ça porte la poisse. Bah, vous savez pourquoi il fait ça? Il fait ça pour se faire plaindre, parce qu'il doit avoir besoin d'affection, ouais, besoin d'avoir des amis, et il se dit comme ça, je vais attendrir tout le monde. C'est ça, c'est pareil, comme les gens qui s'inventent des maladies, c'est un peu ça aussi. Parce que tu vois, ils veulent être plein des gens, ils veulent être. Monsieur M qui dit, moi je mens sur la taille de ma bite. Ah, tu dis que t'as une grosse bite alors qu'elle est toute petite. Ouais. Romano, s'il est mort. D'ailleurs, je voulais vous dire, j'ai une bite de 30 cm. Elle a grave poussé. Je te jure. J'ai mis de l'engrais, je te jure vraiment, sincèrement. Ouais. Non, mais t'avais menti, tu nous as dit qu'elle faisait 12, Romano, alors que ta meuf nous a dit qu'elle était beaucoup plus petite. Ah, bah ouais, non, mais attends, je t'ai dit, à peine un petit doigt. Bon, les mythos, on y reviendra tout à l'heure, là. Et puis, merci Hugo du témoignage, en tout cas. Hein. Ouais, ok, c'est bon. Et Didi du 62 qui dit, qui n'a jamais menti? Eh bah, moi. Bah, Didi du 62, moi. Ouais, moi je mens, moi. Ouais, Romano, il ment, ça il m'arrive l'assume. De mentir. Non, mais mentir ou arranger un peu la vérité, tu vois. Mm-hmm. Tu vois, tu remixes un peu, histoire de mettre le truc plus de ton côté. Voilà, tout se fait, ça. Ah, bah, Cédric, oui, t'es régulier, toi. T'es un gros mytho, toi, quand même. C'est pas un gros mytho. Si, t'es un gros mytho. T'es malade. Bah, avec les meufs et tout, t'as mytho. Ouais, avec les meufs, j'arrondis, mais c'est normal, c'est pour mieux les gérer, gros. Ah, non, je disais que quand tu nous parles des meufs. C'est pas... Ah, mais non, mais jamais, je m'en. Genre, t'es deux lesbiennes que t'as baisées, c'est. Bah, non, je mens jamais, gros. Ouais, déjà des lesbiennes, les meufs avec gratuites, un mec. Des lesbiennes. Ah, bah, oui, c'est sûr. Bah, tiens, la version change encore. Et gratuite en plus, t'y crois. C'est incroyable, cette version. Incroyable. C'est jamais la même. Bon, alors, j'ai une bonne nouvelle. Tiens, on prendra les derniers mythos de la soirée. Dans un instant, on aura même quelqu'un qui a réussi à arrêter de mitonner. Très bien, il s'est soigné. Tant mieux. Et là, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Attention, on va retrouver la copine de la Marie et sa détresse sexuelle dans sa life avec son mec, là. Et bien, c'est celle qui nous avait maquillé le cul, hein, on vous rappelle. Ouais, c'est ça, exactement. Maquilleuse de trous du cul, c'est son métier. C'est son métier. Non, nous, elle avait maquillé le visage, mais après avoir maquillé des trous du cul. Tu l'avais vu avant les plumeaux, quand même. Avec le même pinceau. Non. Voilà, elle maquille des culs parce qu'elle travaille sur des films porno. Ouais, c'est ça. Sympa les copines de la Marie. Eh ben, on va retrouver Grande Chatte là tout de suite. Allô, Grande Chatte. Oui, merci là. Comment vas-tu, Grande Chatte? Eh ben ça va très bien, à part ce petit problème. Oui, ton nouveau mec. Problème, oui, t'es mal baisé, oui, on le sait. Mec, voilà. C'est ton nouveau mec. Et moi, je peux m'occuper de toi, chérie. Ça, c'est Cédric. Tu l'as déjà maquillé, tu te rappelles, c'est celui que t'as mis 3 heures à maquiller. Tu sais, le gros. Oui, je crois, ouais. Le beau gosse. Tu sais, le beau gosse. Je te rappelle. Bon, tu sais, celui qui a les 4 mentons. Beaucoup de maquillage pour Cédric. Elle y était au rouleau à balle. Non, mais même pas. Rouleau à peinture. À 38 tonnes. Non, mais moi, je vais prendre ton numéro. Je vais m'occuper de toi, ça. Non, tu laisses ma Grande Chatte tranquille. Quoi, attends. Je vais te baiser. Bon, Marie, elle nous a expliqué ton problème tout à l'heure. Ah, c'est triste. Ah, bah oui, donc ton nouveau mec, là. Qui, paraît-il, est très beau. Ouais, il est très beau. Ouais, il est très beau, on est d'accord. Mais qui a une bite un peu bizarre et surtout qui t'a fait l'amour 2 fois en une semaine, c'est ça? Voilà, exactement. Et on s'est vu quasiment tous les soirs. Vous avez habité ensemble, ouais, pratiquement pendant une semaine, vous étiez ensemble tous les soirs. Et t'es étonné qu'il ait pas profité de toi pendant tous les. Enfin, qu'il n'en ait pas profité tous les soirs. Ouais, exactement. Alors, il est très câlin, on est très câlin, on se fait des caresses tout le temps, mais il a pas envie de plus, voilà. Mais il bande quand il te caresse. Quand on se met à l'action, il y a pas de souci. Non, mais quand tu le caresses, que vous faites des câlins, que vous êtes dans le lit tous les deux, est-ce qu'il bande? Non, en fait. Ah, il bande pas. Je le sens pas sur la demande. Il est pas. Il bande pas. Il est pas très chaud. Et un autre truc qu'on voulait dire, que j'avais demandé tout à l'heure, est-ce qu'il se balade toujours en caleçon ou est-ce qu'il se balade parfois à poil devant toi? Caleçon. Il est complexé. Tu penses qu'il est complexé par rapport à elle? Elle n'est pas très très grosse. Hein, Ah, c'est... Oui, on avait dit que c'est une tige un peu ça. Oui, on avait bien compris. Non, mais j'ai expliqué ce que tu m'as dit, Grande Chatte. Avec la taille du calibre. Avec le calibre. Mais bon, en fait, il s'avère que c'était plutôt pas mal finalement. Mais non. Mais bon, je suis pas sûre qu'il assume en fait. Non, mais j'ai dit qu'elle était longue et fine en fait. C'est ça. Voilà, exactement. Mais qu'il s'en servait bien. Voilà, exactement. C'est ce que tu m'as dit. Il s'en sert bien, mais pas souvent. Ouais, mais pas souvent. Oui, mais pas souvent. Ouais, c'est ça, ouais. Et le truc, c'est qu'en fait, il se fout contre elle, ils se font des câlins et il lui dit, je suis non, fatigué. Mais c'est chelou déjà qu'il bande pas. C'est bizarre. Ça. Ouais, c'est pas normal. Bah ouais, t'es dans une ligue, t'as des belles meufs, tu bandes. Mais faut que tu me chauffes, attends, tu crois que ça vient comme ça? Bah, je sais pas, moi je lui dis, j'ai jamais eu besoin de me jeter sur un mec pour qu'il ait envie de moi, quoi, tu vois. Donc. Ah ouais, ça fait chier, ouais. Moi je suis comme ça. Ouais, c'est peut-être à peine à jouir. À peine à jouir. Mais moi je te dis, change de mec. Attends, mais le mec. Non, mais change pas. C'est chelou, ouais. Le mec il est là, ouais, chauffe-moi. Bah, je sais pas, côté, j'imagine. Il m'a dit, attends, parce que je raconte à Marie tout à l'heure. Donc, il m'a dit qu'il était, donc, le premier soir, bah, je suis fatiguée, tu comprends. Ouais. Je suis fatiguée, mais demain matin. Il t'a fait mal à la tête le lendemain, c'est ça? Le lendemain matin, il est fatigué. Ouais. Bon, et alors, hier soir, il m'a fait le coup de je suis au régime hyper calorique, donc tu comprends pourquoi je suis fatiguée. Donc, j'attends maintenant la migraine, quoi. C'est peut-être pour ce soir. Ouais, ou pour demain matin, peut-être. Non, mais le mec, genre, j'ai mal à la tête, quoi. Non, mais je rêve. Ah non, mais si. Et l'autre supposition qu'on avait fait, je sais pas si t'as dit la marée ou si t'étais à l'écoute. Non, j'ai pas trop dit. Ouais. C'était, non. En fait, le mec est précoce. Ouais. Il est précoce et il a honte. On a eu Samir, d'ailleurs, qui témoignait qu'il a eu le même problème. Non, parce que je n'ai jamais trouvé. Bon, le peu de fois où on l'a fait. Mais il jouait au moins. Bah ouais, mais pas forcément, non, justement. Ah, il jouait pas. Genre, il s'arrête en plein. Moi, je te dis, c'est à peine à jouir, le mec. Il arrive pas, quoi. Non, mais je disais, j'essaie. Déjà, il a du mal à bander. Après, une fois qu'il lime, ça crache pas. Non, mais je racontais, j'essaie ce que tu m'as dit. Il a tous les défauts. Il a une bite en forme de tige. Bah, c'est que le mec, hier soir, il s'est endormi, tu sais, avec elle dans les bras. Et en fait, ce matin, il a dit, bon, t'inquiète pas, demain matin, je te nique. Et en fait, non, mais ils ont un petit peu niqué. Et au milieu, il a enlevé la capote et il a repris. Non, mais ça, c'est pire que tout. C'est comme quand la meuf, elle veut se barrer en plein milieu, que t'as pas fini, quoi. C'est l'enfer. C'est ça. Ah, je comprends que tu sois un petit peu pas très contente, ma grande chatte. Il voulait juste prendre son souffle, toi, se reposer un peu et puis qu'on remette ça, tu vois. De la merde. Il n'y a jamais eu la suite, en fait. Okay. C'est comme tu regardes la moitié d'un film et puis après tu regardes pas la fin. Ouais, suspense. C'est ça. Tu restes sur ta fin. Non, il est complexé. Ah, puis t'as dû être contente. Le mec, il se retire. Bon, bah, attends, j'y vais là. Non, bah, elle est dégoûtée. En plus, c'est une belle meuf. Vous êtes d'accord, vous la connaissez. Non, mais en tout cas, il est complexé. Alors, soit parce qu'il trouve qu'il baise, ou soit parce qu'il n'arrive pas à jouir, soit parce qu'il trouve que sa bite, elle est chelou. Mais c'est revenu souvent, ça, ouais. Que sa bite était un petit peu petite et qu'il était complexé. Ouais. Soit parce que. Ça, tu l'affiches pas du tout, c'est vrai. Voilà. Bah, on s'en fout, hein. Bah, en même temps, bah, s'il la baise mal, on s'en fout. Bah, je vote pour le peine à jouir. Moi, franchement, je reste là-dessus. Le mec, il galère à bander. Il galère, c'est une belle nana. Ça fait 10 jours qu'ils sont ensemble. Moi, comme toi, Romano, peine à jouir ou complexé? Non, mais c'est chelou. Si t'as, en plus, quand vous venez de vous rencontrer, si t'as un poil à côté de lui et que le mec il bande pas, c'est qu'il y a un problème à la teub. Hein. Puis t'as vu la meuf. Non, peut-être tu lui plais pas. Hein. Non, mais je t'ai dit, peine à jouir, le mec. Non, peut-être physiquement tu lui plais pas. Si tu lui plais à sa mort, il n'y a pas de souci pour ça. Non, mais il passera pas cette nuit avec elle et puis ça fera pas deux mois qu'ils sont ensemble. Ouais, ça, Cédric, c'est encore une idée peut-être de merde. Peut-être qu'il fait un effort. Vas-y, moi, c'est ce qui va me plaire. Je t'en branle de l'effort. Non, c'est une idée de merde, Cédric. Mais t'as pas une mycose ou un problème au niveau de la cheville? Peut-être que ça le dégoûte. Non, pas du tout. Et le dernier truc, t'as une odeur dégueulasse, je sais pas. Mais non, justement. Et au contraire, il me dit tout le temps, mais j'aime trop ton odeur, mais oh là là, mais quelle odeur. Ouais, mais il était capable de te lécher une demi-heure, parce que Marie, elle nous a tout dit. Il me dit, j'aime trop ta chatte. Oui, mais il y a passé une demi-heure à la manger. Oui, j'ai dit qu'il t'avait léché pendant une demi-heure et que t'avais pas joui et que peut-être ça l'avait bloqué. Vas-y, je vais m'occuper de toi, moi. Je pense qu'il l'a un peu mal pris, ouais. Oh, Cédric. Bah quoi, Cédric? C'est la phrase de la soirée, Cédric, je vais m'occuper de toi. Cédric. Et vous avez remarqué, à aucun moment, Grande Chatte a répondu. Non, jamais. Mais Cédric, c'est bien parce qu'il insiste. Non mais grande chatte, moi je t'ai trouvé une solution. Sinon pour avoir des plans cul, y a pas de problème. Ça c'est un râteau, Cédric, ça, tu vois. Voilà, dans ta gueule. Et ça râteau, ouais. Sauf. Bon, allez, merci, au revoir. Ça c'est clair, je confirme, les plans cul, y a pas de souci. Ouais. Bon. Et toi, t'es un peu amoureux de ce gars ou pas? C'est terminé. Bon, là, moi. Ah ouais, moi je. Non, parce que autrement, je te dis, si c'est que pour le cul, passe à autre chose. Ah non, mais elle est love. Parce que je peux m'occuper de toi. Le mec, il est hyper. Non, je veux plus. Il est top, quoi. Mais tu lui. Ah bah, il est top, ouais. Mais tu lui. Ouais, il est top. Il est pas. Non, il est à moitié au top, quoi. Ah ouais, il est même pas à moitié, mais. Et le dernier truc, qu'on t'avait pas dit, je crois que c'est le truc le pire. Peut-être qu'il a une maladie. Ouais. Ça, c'était pour terminer en beauté, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà, c'était le dernier truc. Truc sympa, quoi. Écoute, on cherche, une allergie aux capotes. Bon, en tout cas, il y a plein d'auditeurs qui t'embrassent, qui te font des bisous, là. Je peux m'occuper de toi. Non, merci, Cédric. Mais je vous tiendrai au courant. Hein, bah ouais, tiens-toi au courant. Il y a Cérise qui veut le remplacer. Lui, il n'y a aucun problème. Tout fonctionne bien chez lui. Je suis un mec super. T'as plein de mecs qui veulent te choper. Klaxon également qui nous laisse un message du 93 qui dit pas de problème pour la gentille et jolie demoiselle. Allez, viens. bien du 93. Qu'est-ce que tu fais avec ce tocard? Viens avec moi, message de Tariq. Bon, allez, on continue. Vago, là, qui nous laisse un message aussi pour toi. Quel est son numéro? Je peux lui donner le mien si elle veut. Moi, je peux m'occuper de toi. Merci, non. Non, mais je crois que ça va pas le faire. Bon, on te fait un gros bisou, grande chatte. Merci. Ouais, grande bisous, chatte. Et hey, bisous. Ciao. Elle est sympa, cette grande chatte. Bah oui, elle est cool. Et la semaine prochaine, tu nous ramènes tête de gorem. Salut. C'est pas où elle est. Tête de gorem. Elle doit être super, elle, tiens. Bon, ben je l'entends. Et il y a du monde qui écoute l'émission. Regardez, là, on va revenir aux mythos, on va reparler des mythos, mais je regardais les messages que vous nous avez laissés. Il y a plein de stars qui nous écoutent, toute la famille de stars. Max du 59, qui est le cousin de Zlatan. Waouh. Bah, c'est la classe. Zlatan Ibrahimovic. Lui-même, bah, tu le salueras pour nous. Zlatan. Hein. Oui, c'est Zlatan. On a le cousin de Ben Laden qui est là aussi. Bonjour, Karim. Tu le salueras également. Oui, d'accord. Sympa. Ah, mais non, mais tu peux plus. Eh oui. Eh merde, je suis le frère de Difool. Salut, Frangin. C'est Denis 94 du Val-de-Marne. Le même nez. Je suis le cousin de. Qu'est-ce que j'ai entendu? Non, mais je posais une question. À qui tu posais la question? S'il y avait une ressemblance familiale au niveau du nasal. Oui. Aïe! De Ibra, c'est ça? Hein, non, ouais. C'est pas. Oui, des deux d'ailleurs. Mais il a beaucoup de cousins, Ibra, apparemment, vu les messages là. Oui, beaucoup de cousins, Ibrahimovic. Voilà, donc des mythos, bon, on en connaît tous, on a tous rencontré, on a même parfois mythonné. C'est quoi le plus gros mytho que t'es sorti, Marie? À une époque, Marie, quand elle venait pas à l'émission, elle racontait des mythos. Le plus gros. Alors, mytho, aujourd'hui, vous savez que j'ai fait une crise cardiaque. Oui, une crise cardiaque. J'ai failli y rester. Non, j'ai jamais. Heureusement, arrête. Putain, je touche ma tête. J'ai rare qu'on parle de trucs comme ça. Là. Tu racontais des mythos, Marie? Putain, le plus gros mytho que j'ai. Parmi tous les mythos que t'as dit, le plus gros, c'est quoi? Oh, j'en sais rien du tout. Le plus gros, non, mais ça devait être au bahut, hein, ça, forcément. Qu'est-ce que t'as raconté comme un mytho au bahut? Je suis un homme. D'accord. Non, mais par exemple, je m'étais. Non, attends, mais par. Je cherche là. C'était pour être dans les vestiaires des garçons parce que je voyais leur grosse queue. J'étais con. Je m'étais fait passer pour un homme. Non, mais une fois, parce que nous, on courait, tu sais, en faisant de l'endurance, on avait des arbres et tout. Et une fois, j'avais roulé sur une pomme de pin, je m'étais fait un claquage. D'accord. Et en fait, le claquage, il a duré 4 mois. 4 mois de claquage, mais oui. Ouais, claquage. Et, voilà. Et je crois que c'est le mytho le plus long, quoi. Le mytho, 4 mois de claquage et ils y ont cru. Bah ouais, écoute, pendant 4 mois, je n'ai plus couru. Ouais, bah. Oh, c'est bien en tout cas pour faire ça. Ah bah ça, j'étais contente hein, parce que l'endurance dans le froid. Mais à tes mecs, Marie, parce truc, que bon, ça, c'est un pauvre mytho de merde. On a tous fait ça, se faire croire qu'on était malade ou pour aller à l'infirmerie. Ouais, moi, je simulais des crises d'asthme. Non, mais dormir chez une copine et puis dormir ailleurs, ça, oui, c'est du classique. Ça, c'est du classique, régulièrement. Mais à tes mecs, Marie. Pas régulièrement, mais à mes mecs. Je te parle de mes mecs, là. Dormir chez une copine et t'allais dormir chez un autre mec? Bah oui. Bah ouais, où je sortais, où j'allais me la coller avec mes potes et puis je rentrais pas très net le lendemain matin. J'allais me la faire coller par donc des potes. Donc en plus, c'était pas grillé, tu vois. Je rentrais avec, comme dit ma mère, des chaussures à bascule. Les chaussures à bascule. Ça veut dire s'étirer, quoi. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'est qu'on défonce des. Ouais. Tu tiens plus sur tes jambes. Ouais, je la trouve très bizarre cette expression, mais bon. C'est imagé en tout cas. Moi, j'ai commencé à mitonner, après, j'ai plus pu m'arrêter parce que j'avais peur de passer pour un con. Ah ouais, mais ça, c'est l'engrenage infernal. Anthony du 68 qui nous laisse un message. Juste en dessous, il y a Tino du 95 qui nous dit quand tu commences un mytho, t'as intérêt de bien t'y tenir. Sinon, après, les potes. Ah ouais, mais toi, t'es un mytho intelligent. Ouais, t'es un mytho même professionnel. Tu fais ça discrètement, quoi. Ouais, voilà. Un mytho professionnel qui réfléchit à tout. Ouais, parce que c'est vrai, après, tu passes pour un con. Hein. Ouais, puis t'oublies, quoi. T'oublies ce que t'as raconté. Bah, c'est oui. Ça, t'oublies, puis tu t'embourbes. Et les autres, oublient pas forcément. Non, voilà. Donc, c'est là ça, où tu passes pour un con. Alors, Ruben de Marseille, ouais. Comment ça va, Ruben? Ça va très bien. Ouais, vous savez qu'on a eu une baleine dans le port de Marseille ce week-end. C'est ça? Attends, tu crois que quoi? Ouais. Momo est venu prendre un bain. Il s'est baigné, Momo. Non, à Marseille, il y a l'histoire de la sardine qui avait soi-disant bouché le port. Bien sûr. T'es, mais en fait, c'est parce que tout le monde. C'est le bateau. Ouais, c'est parti d'une vraie histoire. En fait, c'était un gros bateau qui s'appelait la sardine et qui avait coulé à l'entrée du port, qui avait bouché vraiment le port, tu vois. Et après, les Marseillais disaient qu'il y avait des sardines. Et ouais, qui mais les le gens port. Qui connaissent pas l'histoire, ils transforment le truc à, oh, il y a une sardine, c'est devenu une légende, tu vois, mais c'est une vraie alors histoire. Alors que c'était un bateau. Oh, tout ce mytho, les Marseillais. Ouais, non, à Marseille, d'ailleurs, on est les meilleurs au foot. Oh, ah oui. Ça, c'est bien connu. Non, nous, c'est pas des mythos, c'est qu'on aime bien, tu vois, extrapoler dans les histoires et bien raconter les histoires en détail, tu vois. Et donc, en rajouter un petit peu, bon, parfois. Bon, salut la cousine de Beyoncé qui nous laisse un message, là, qui laisse un message sur Twitter. Big up à toi. J'ai vu le fils de Econ tout à l'heure aussi. Le fils d'Econ? Ouais. Le mec de Rihanna et le fils de Barack Obama aussi. Oh, bah, dis donc. Plein de messages, ouais. On a eu plusieurs enfants de Barack Obama, ouais. C'est ça. Bon, alors, Ruben, toi, tu nous appelais en fait parce que t'étais mytho et tu t'es calmé. Mais pourquoi tu t'es calmé? C'est bien pour Max. Ou tu t'es fait calmer? Non, bah un peu les deux, parce que en fait, avant j'ai inventé des trucs. Déjà, il y avait deux sortes de mythos. Et pendant les vacances, j'ai inventé pour draguer des meufs, j'ai inventé pour l'âge et tout, mais bon, enfin voilà. Et après les vacances, Bah, je disais à des potes à moi, ouais, que j'avais branché plein de meufs, des très belles, je montrais leur Facebook et tout. Ah, mais putain, bon, j'ai voilà, pas arrêté de baiser, mais tout. Oh, je baise, mais genre. Ah, je suis. D'ailleurs, là, qu'est-ce que. Quoi. D'ailleurs, je suis en train de baiser, là. Ouais, mais ouais. Ça, il y a plusieurs mecs qui ont déjà fait ça. Non, non, mais d'ailleurs, c'est vrai, écoute, ma meuf, elle est là. Oh, ça va, ma chérie. Oh. Ah, ouais. Je l'ai enregistré pour te le prouver. Ça fait très vrai. Et comment ils t'ont calmé? Ben, je leur racontais tellement de choses qu'au bout d'un moment, ils me croyaient plus du tout, quoi. Et donc, ils m'ont dit c'est bon, que ça serve à rien que je continue et tout ça. Et donc, bah, du coup, je les ai écoutés, hein. Ça, sûr, mais quand ils te l'ont dit, sur le moment, t'as eu honte. Ah, ouais, ça, c'est clair. Tu as eu honte. Non, mais c'était horrible sur le moment. Ouais, ça avait plus où te mettre. Quoi. Tu sais que tout ce que tu nous racontes depuis des années, ben, on n'y croit pas. On n'y croit pas et on te prend bien pour un con. Côté, t'as rendu service au moins, tu vois. C'est... Ouais, voilà, ouais, ouais, c'est voilà, pas, non, c'est pas une vie de vivre dans le mensonge. Ouais, donc pour Max qui m'y tenait tout le temps tout à l'heure, voilà ce que tu peux faire, Max. Ouais, en gros, tu t'affiches ton pote là. Bon, bah écoute, Ruben, on souhaite donc qu'il ait des potes qui soient un peu comme ça, Max qui lui dise qu'il faut qu'il arrête. Et bon. Ouais, voilà. Et puis sinon, à la limite, il fait rigoler ses potes, hein. Un pote qui raconte des mythos, c'est marrant. Hein. Ouais, mais bon, ouais. Regardez comment on a rigolé avec Cédric et ses deux lesbiennes. C'est super. Le problème, ça. C'est être le con du groupe, tu sais, c'est marrant 5 minutes, mais. Ouais. Ah, Cédric, t'es deux lesbiennes. C'était bon. C'était pas lesbienne, hein. C'était bi, gros. Ouais, c'était bi maintenant. Non, mais... voilà. C'est où que tu les as rencontrés? C'était. Antibes. Non, c'était vers Narbonne. À Cannes, non? Non, à Nice. Narbonne, ça va. Ils se sont déplacés un peu sur la Côte d'Azur. Ah, le problème des mythos, c'est ce que. Bah, c'est toi, Cédric. Après, ils ont fait leur live, t'as vu? Au début, elles sont lesbiennes, après elles deviennent bi, tu les rencontres à Cannes, après elles vont à Narbonne, après c'est Perpignan. En Espagne, Narbonne. T'as comme mytho, il faut bien s'y tenir. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ah ouais, tu te perds dans tes histoires. Ah bah ça, Cédric, il en raconte tellement qu'il s'y perd. Eh, Cédric, soit un mytho donc. Un gros mythomane. Voilà, je suis un mythoman. Pas du tout. Voilà. Bon, on est de retour dans un instant avec le Karim Comedy Club. Ah oui. Ah, le Karim Comedy Club qu'on retrouve sur Skyrock. C'est parti. La folie du rire. La folie du rire. Et on vous dira aussi ce qui va se passer demain dans l'émission. Vous saurez avant tout le monde. Restez bien sur Sky. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500€ dans le Morning Daddy Fool. Mais oui, The Morning Show. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. C'est la folie des barbecues cet été sur Skyrock avec Géant Casino. Toi aussi, mets-toi en mode Brésil et envoie tes plus belles photos de soirée de barbecue géant avec le hashtag Géant Brésil. Et gagne ton voyage au Brésil. Dès maintenant, poste ta photo sur Twitter et Instagram avec le hashtag Géant Brésil pour participer. Ton futur voyage au Brésil, c'est maintenant avec les magasins Géant Casino. Vous l'aimez? Oui. Mais lui, mentir au 72021. Jamais vous ne le trahiriez, non. Mais lui, mentir, M-E-N-T-I-R au 72021. Vous voulez savoir s'il est fidèle? Vous avez des doutes? Et lui, envoyez mentir au 72021. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Tu veux rencontrer la fille de tes rêves? C'est facile. Tu peux te mettre au sport, développer des techniques de drague. Bonsoir. Et aller dans tous les cafés de la ville. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des nanas qui te plaisent près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Diffoul Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les hommes sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scalas. De Marseille à Paname, on lui veut la part des hommes comme Saddam. Soleil de minuit, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta. De partout elle fait des avances, elle n'a pas que sa langue dans sa bouche. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes sans tasse, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Elle vit la nuit. Ça y est, elle est là, ses formes animales te donnent la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre. Ma, ma, elle va te dépouiller, ça y est, elle vient. Sur Skyrock. Eh ouais, Radio Libre sur Skyrock. Tiens, j'ai le sommaire de ce qui va se passer demain dans l'émission, dans la spéciale. Ah, dernier jeudi en spécial demain. Ah, avec dernier problème du mois collector. Je peux vous le dire, oui, le dernier du problème du mois collector demain, ne pas louper. Mais avant ça, le Karim Comedy Club, comme promis. Oui. Allez, on y va. Les Américains nous l'envient, les Chinois l'ont déjà copié, les Belges passent leur temps à l'imiter. C'est le Karim Comedy Club sur Skyrock. Eh ouais, je vous dis ce qui se passe demain dans l'émission, mais d'abord, vous l'attendez, le Karim Comedy Club, vous entendez Marie qui est une des fans de Karim. Ouais, exactement. Ouais. Alors. Ah bah ça tombe bien, Marie, c'est pour toi, c'est une blague de Néo. Ah, c'est gentil les blagues pour la Marie. Envoyez tout ça à karim@skyrock.com. Ouais, une blague, t'as les cons. Alors, c'est le fils de la Marie qui va voir sa maman et qui lui dit: Maman, c'est quoi une alcoolique? Donc là, t'as Marie qui lui dit: ben, tu vois, un alcoolique, c'est genre, tu vois les quatre arbres en face de toi? Ben, un alcoolique, il va te dire qu'il y en a huit. Là, t'as son fils qui lui dit: mais maman, il y a que deux arbres. Bah oui. Elle est drôle. Celle-là, c'était Néo. Merci Néo, tu rentres dans le Karim Comedy Club, Néo. Allez, j'en ai une autre de Zach, c'est un petit. Il rentre dans la chambre de ses parents, il trouve ses parents en train de faire l'amour, il leur dit: mais vous faites quoi là? Là, t'as la mère qui dit: bah, en fait, ton papa, il croit que son ventre, il va s'envoler, donc je me mets sur lui pour qu'il s'envole pas. Là, le petit, il dit: ah, ok, d'accord, mais tirez les rideaux parce que les voisins, ils croient que vous baisez. Allez! Ah, bien, il y a du niveau ce soir. Hein. C'est pas mal tout ça, le Karim Comedy Club, le retour demain soir entre 21h et minuit. Oui! Bien sûr, et demain soir dans l'émission, donc le problème du mois collector, on vous l'a promis, bah, vous le retrouverez. Oui. Ouais. Un super problème du mois collector. Tu veux pas nous en dire plus? Non, on garde le suspense, je vous garde le meilleur pour demain. Très bien, tu veux pas nous dire qu'on parlera mocheté? Ouais, mocheté, bon, ok, mocheté, sinon... Cédric n'a rien à voir là-dedans. On aura le Galeria du jour demain à découvrir, je crois qu'il s'appelle Maroquiche. Donc notre problème du mois, évidemment, et n'oubliez pas, et également à tout moment, il peut se passer plein de choses, et je vous ai promis Pamela. Eh bien, Pamela débarquera à deux reprises dans l'émission de demain. Double ration! Une double ration de Pamela, donc soyez là. Et si on a de la chance, on se fera une double ration de problème du mois. Allez. Carrément. Demain soir, loupez pas le rendez-vous, 21h minuit, la spéciale de l'été. On vous souhaite une bonne nuit, profitez bien du son de Sky. Ouais, bonne nuit. Urban Music non-stop, rapper R&B non-stop. Merci à vous et à demain. Ciao. Plus écouté que Hot 97 à New York. 7 minutes commercial free. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. Power 106. La radio rapper R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Première radio urbaine mondiale. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you.